Allez, cool, Raoul. Elle s'appelle pas Raoul, c'est une femme, Romano. Difoule. Je suis une mouche, je vais atterrir sur le crâne de Romano. La piste est assez longue. Cédric. Au moins, tu restes pas sur ta. Sur quoi, comment on peut dire. Marie. Moi, j'adore la levrette. Samy. Genre, pourquoi c'est une chatte toute flétrie ou quoi? Ah, c'est une chatte de vieille, gros. Et Karim. Et la meuf, t'avais reçu une amende et elle dit, je mets ça à quel nom, tu sais, parce qu'il faut un nom à la fin. Ah ouais. Et tu l'as regardé, tu lui as dit, Tom Cruise. Oh là, George Clooney. Difoule Radio Libre. 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Eh ben dis donc, je savais pas qu'on avait des sosies de George Clooney dans l'équipe. Cédric est un sosie de George Clooney. Mais il s'est pris un train, un mur, un avion. Ouais, total, ouais. Oui. Salut les filles. Salut Cédric. Salut à vous. Bonjour tout le monde. 21h pile sur Skyrock. Eh ben bon retour, Romano. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin, dis donc? Ah putain, une chiasse et du vomi. 6h-10, message de Romano, je suis malade, je suis en train de chier, je vomis, j'ai fait ça toute la nuit. Ok, très bien. Ça va mieux. Ouais. 3 heures dans les toilettes ce matin. Le rêve. 3 heures non-stop entre 6h et 9h. Nous, on a fait le morning et toi, t'as fait caca. Ouais, mais tellement j'ai chié, en fait, ça m'a donné envie de vomir. Oui, tu t'es auto-asphyxié. Ah ouais. Auto-dégoûté. Ah ouais, je pouvais plus. Non, mais tu sais, ça puait. C'est quoi, une gastro? Mais ça j'en sais rien. Mais ça puait comment? Ah, comme Cédric. Oh là là. On va l'appeler d'ailleurs, Cédric, pour vous donner des nouvelles. Lui, il avait rendez-vous chez le médecin Stella. Matinée des éclopés ce matin dans le morning là. Bon ben merci d'avoir passé la matinée avec nous. Si vous étiez là ce matin entre 6h et 9h. Et merci de passer cette soirée avec nous en direct sur Skyrock. On a des grandes nouvelles pour Cédric. Les grandes nouvelles de Cédric alias George Clooney, comme vous l'avez entendu dans le jingle. Oh putain, non, c'est pas vrai. Si, Cédric, on a trouvé à qui tu ressemblais. Tu ressembles à George Clooney. À mort. Comment tu dis? On l'a déjà dit. Oui, ça se fout bien de ta gueule. Même en dehors de l'émission, c'est incroyable. Hein. Vous avez entendu, Cédric? Vous l'avez reconnu, c'est George Clooney. George Clooney. Ouais, c'est George Toulet, ouais. George Toulet. Ça va, Cédric? Ouais, ça va. Ouais, je suis Georges Toulet. Georges Toulet. On vous annonce le retour de Cédric pour lundi soir dans la Radio Libre. Et voilà. Vous êtes content, Cédric revient lundi? Ah ben t'entends, le public est là, Romano est heureux. Content. Pas vraiment. J'entends ça. Oui, mais c'est bien. C'est sûr? Ah bah, ah, on ouais, sait non, jamais. C'est sûr, ouais, t'inquiète. C'est jamais, son immeuble peut s'écrouler sur lui d'ici lundi. Arrête de me porter la poisse. Je sais pas, t'habites pas dans l'Hérault, heureusement, sinon il y aura une inondation sur ta gueule. Parce que, ah oui, dans l'Hérault, vous avez vu ça, inondation demain, pas de cours. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle à la fois, hein, inondation, c'est pas super dans l'Hérault, vous en avez souvent en plus. Mais bon, pas de cours demain, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Et puis même le boulot, hein, tu sais, vous pouvez faire sauter, genre, oh là là, il y a une inondation dans ma maison. Non, mais si votre boîte, elle est inondée. C'est inondé. Voilà. Donc ça c'est pour demain. Donc j'espère que Cédric, tu tiendras ta promesse. Lundi, tu seras avec nous de retour dans la Radio Libre pour une grande soirée. Mais pas le matin quand même. Non. On y va petit à petit. Romain, on sera habitué petit à petit. Merci. Hein, putain, parce que commencer la semaine avec ça. Je vais pas dire, mais déjà lundi, c'est pas la journée la plus facile pour démarrer. Mais alors en plus, tu te tapes sa tronche. Tu te tapes Georges Toulet. Georges Toulet. Bon, pour les nouvelles de Cédric, t'as que la vie cool, Cédric. Pas d'opération, tout va bien. Donc de retour lundi dans l'émission. C'est ça. Eh ben, ça chirurgien, il a abandonné. Allez, laissez tomber, on n'opère plus. Foutez-moi une corde, ne revenez jamais. Il t'a dit comme ça en plus. De travers, on verra dans un mois si on veut faire ou pas. On verra dans un mois, très bien. Ah putain, le truc va te traîner pendant un an. Tu as une attelle encore, Cédric? Ouais. Ah ok. Et lundi, tu l'auras encore ou tu l'auras plus? Non, je la garde encore. On pourra te mettre des petits coups. Ouais, on pourra jouer avec. Ouais, c'est bon. Tu peux mieux parler dans ton téléphone? Oui, parce qu'on t'entend là. Oui, oui, voilà. De moins en moins. Ouais. Toujours aussi professionnel. Bon, vous pouvez nous appeler vous aussi. Vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20. Va apprendre à parler dans ton téléphone. Tiens, c'est un teubé ce mec. Vous nous faites signe, vous débarquez ici en direct. Vous aussi, vous faites comme Cédric. Hein, vous nous appelez avec votre téléphone. Vous nous laissez vos messages aussi avec le skyrock.fm. Si vous êtes sur le net, vous allez sur l'appli Skyrock. Ça marche aussi. Vos messages tout au long de la soirée. Vous réagissez à l'émission. Puis si vous avez envie de dire un truc, vous en profiter. Et puis évidemment, bien sûr, le 41-759 et tous les messages arrivent ici. Bonjour à Nolan du 44, Callaghan qui nous dit, tiens, un bonjour de Callaghan, Cédric, c'est mignon, t'as vu, hein. Callaghan qui nous dit, comment tu dis, bonjour, on t'entend Callaghan, super mal, hein, Cédric. Hein. Ah. Tu m'entends là? Voilà, c'est ouais, bien. Mais là, ouais, tiens-le voilà. Comme ça, ton téléphone. Ouais, parle dans ton téléphone, c'est mieux. Putain, on va te buter, mec. Callaghan, Cédric, reviens. J'arrête de vous écouter. Mais non, tu dis ça, Callaghan, mais t'es le premier à être content du retour. Mais Cédric, oui. Là. De retour, t'inquiète, donc, on pourra le piner en live direct. Lundi. Tiens, on est mercredi. Face à face. Tu veux faire un clash, Cédric, ce soir? Ouais. Eh bien, le clash tu te sens trop faible. T'inquiète pas, va, ça, je suis en pleine forme. Ah, pote. Très bien. Donc, le retour du clash ce soir en direct, Cédric dans son lit. Si vous avez des méthodes pour lui, vous envoyez. Et puis, Romano en face de moi, si vous avez des méthodes pour lui, envoyez aussi. On clashera tout à l'heure. On va retrouver les familles du double appel. T'as, j'ai vu le nombre de messages qu'on avait reçus pour le double appel. Et il y en a les trois quarts qu'on n'a jamais rappelé, même les quatre cinquièmes qu'on n'a jamais rappelé. Bon, on va essayer d'écluser des numéros de téléphone que nous avez laissés. On va les mettre en contact les uns avec les autres. Et vous verrez, ce sera beau, beau comme on aime. Le double appel à retrouver tout à l'heure sur Skyrock. On va se préparer, on va y aller dans pas longtemps. Si vous avez encore des numéros à nous laisser, vous n'hésitez pas, mais très très vite, hein, parce que là on est en train de tester les familles. On va pas tarder, on est chaud ce soir, chaud bouillant. Bon, j'espère que vous êtes chaud vous aussi. On a qui au téléphone avec nous? Eh bien oui, vous êtes en direct. Et il y a Julien qui est avec nous, qu'on va prendre tout de suite en direct de Marseille. Salut Julien. Allô. Ouais. Allô Juju. Comment ça va Juju? Oh, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi. Salut mec. Oh, les Marseillais, bizarre, hein. Les Marseillais ici connaissent en foot, Juju. Ah bah à mort, ouais. Ah, d'après ce qu'on m'a dit. Je vais poser une question footballistique pour vous offrir FIFA 17. On vous offrira FIFA 17 tout au long de la soirée. Mais ça y est, c'est vendu votre bastringue. Lundi, c'est ici. De pas à quoi vous parlez. De l'OM. Ah, d'accord, de l'OM. La transition est signée. Parce que moi, le FIFA 17, je vous l'offre hein, tout de suite. C'est parti. FIFA 17 à gagner sur Skyrock, c'est pour vous. Tiens, d'ailleurs, on se fera un petit Sopra. Il est invité de Planète Rap. On va l'écouter là tout à l'heure. Soprano à écouter d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Donc on démarre la matinée, la soirée. Très marseillaise, Julien. Ah. Eh ouais, avec toi ça qui arrive. Tu veux nous expliquer pourquoi tu nous appelles, Julien? Bouge pas. Et sinon, petite question footballistique, t'as peut-être la réponse. Je vais vous lire une déclaration d'un footballeur. Et vous allez me dire de qui il s'agit. C'est un footballeur qui parle d'un autre footballeur. Un footballeur qui parle de Griezmann. Un français. Je ne donne pas d'indice. Un footballeur qui parle du phénomène Griezmann. Il a donné un entretien à un magazine. Et on lui pose plein de questions sur plein de trucs. Et à un moment, on lui demande: alors, qu'est-ce que vous pensez du phénomène Griezmann? Et à ce moment-là, le footballeur mystère, dont vous voulez me donner le nom si vous voulez gagner vos FIFA 17, déclare: Antoine Griezmann n'est pas un joueur de classe mondiale, car il n'a pas encore pu répéter une performance avec constance, contrairement à moi-même. Alors, qui a dit: Antoine Griezmann n'est pas un joueur de classe mondiale, car il n'a jamais réussi à répéter une performance avec constance, comme moi-même? C'est Cristiano, non? Long, hein. Mais ça veut dire quoi? C'est qui, Constance? Alors. T'es con. En gros, il explique qu'il n'a pas son niveau, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ok. Ah, qui c'est donc? Il n'a pas sur la durée son niveau, on va dire. En gros. Ouais, voilà. Mais bon, en même temps, il joue peut-être depuis moins longtemps. Ouais, c'est vrai aussi. Qui a dit ça? Si vous avez la bonne réponse, vous nous laissez vos messages sur le 41759 et sur l'appli Skyrock. Ah ouais, c'est lui. Et puis on en reparle dans un instant. Ah ouais, c'est lui. Pourquoi, t'as vu les messages? Ah ouais? Il y en a un qui revient à fond, donc j'imagine que c'est lui. Il y en a plus. Alors toi, tu dirais qui? J'allais te demander, Julien. Tu dirais qui, toi? Moi, je dirais c'est Zlatan. Un connard qui parle comme ça, c'est Zlatan. Un connard qui parle comme ça, c'est Zlatan. Est-ce que c'est Zlatan? Merci, Skyrock. Eh bien non, c'est pas Zlatan. Il y en a plein qui ont dit Zlatan. Il y en a qui nous disent Lionel Messi, c'est moi, pas lui. Je t'aurais dit Cristiano, moi. Non, c'est pas Cristiano Ronaldo. Karim Benzema, on nous dit également, c'est le message de Lasseux. Alors, il a déclaré, c'est pas un joueur de classe mondiale, Antoine Griezmann, car il a pas pu répéter ses performances avec constance. Contrairement à moi-même, j'ai que ça qu'à dire. Alors, qui nous a dit tout ça? Une petite idée peut-être, on Julien? Non. Thierry Berry. Oui, mais malheureusement, il y en a qui t'avaient grillé sur les messages. C'est pour ça que j'ai rajouté le c'est que ça qu'à dire. Bon, on va retrouver le premier ou la première. Ah, on démarre fort ce soir avec FIFA 17 voilà, à gagner. Ouais, des jeux. Oui, des jeux à gagner dès le début de l'émission. Et bien oui, c'est Franck Ribéry. Bah, dis donc, Francky devient un peu aigri, le Francky. Ouais, Francky. Bah, carrément, Francky. Même si dans le fond, il a pas vraiment tort, tu vois, c'est bizarre qu'il lâche ça, quoi. Francky, faut pas virer vieux con. Alors, Francky, c'est pas bon. Alors, Francky, c'est pas bon. Francky, c'est pas bon. Ouais, en plus, Francky, ça fait quasiment deux ans qu'il joue plus trop, hein. Blessures, tout ça, donc il a surtout enchaîné les blessures que les performances. Hein. Eh bien, et il ouvre sa gueule. Non, c'est vrai, avant, il a gagné des trucs quand même. Bon, ouais, mais bon. Ouais. Francky, sois sport, sois cool, tranquille, pépère. Ah ouais, bon, je veux que ce soit encore dur. Éclate-toi avec gradure, comme on a écouté l'autre jour. C'est comme ça qu'on le préfère. Bon, la bonne réponse, c'est qui le premier qui nous a donné la bonne réponse? C'est Alex. On va le retrouver dans un instant. Alex qui nous a laissé un message. Bravo à toi, Alex. Tu vas repartir avec ton FIFA 17. Il y en aura d'autres à choper ce soir dans la radio libre avec toute l'équipe et avec peut-être d'autres questions footballistique, bien sûr. Bon, voilà, moi je l'aime bien, Griezmann. En plus, il a super bien joué, Griezmann. Bah attends, à l'Euro, c'est lui qui a été le meilleur dans l'équipe des Bleus. Et il assure. C'est un monstre. Il assure aussi à l'Atlético Madrid aussi, il assure. Ça, je suis moins de près, tu vois. C'est vrai, t'es pas trop espagnol, toi. T'es plus portugais à cause de ta gothique. Non, pas du tout non plus. Non, moi, je suis plus équipe internationale, tu vois. D'accord, t'es sur l'international, sur l'Inter, toi. Ouais, les équipes nationales. Ah, c'est ça, d'accord. Après, je suis complètement largue sur championnat espagnol et compagnie. Après, on prend rien, après. Bon, ben, bravo, bravo à Alex. Il est là avec nous, Alex, en direct de, du 43. Salut, la Haute-Loire. Comment ça va, Alex? Ça va. Juste à côté de chez moi, là, Haute-Loire. Ah, ben, bon, ouais. Vous savez, quand on est de la Loire, le 42, et qu'on voit un mec du 43 sur la route, on dit tout de suite, on commence à l'insulter en disant qu'il sait pas rouler. Non, les... bah, évidemment. C'est plutôt l'inverse. Oui, je sais que le 43 fait la même chose pour le 42. Bah oui, évidemment. Mais il y a la même chose entre le 59 et le 62, il y a la même chose entre le 75 et le 77, enfin, il y a la même chose un peu partout. Surtout, ouais. J'imagine entre le 13 et le 84, c'est pareil. Ça enchaîne, ouais, ça enchaîne. Bon, Alex, tu nous as dit que c'est Ribéry qui avait déclaré que Griezmann n'était pas un joueur de classe mondiale, car il n'avait pas pu répéter la performance qu'il avait réalisée avec constance. Il a rajouté, il n'aurait pas dû, contrairement à moi-même, j'ai que ça qu'à dire. Ouais, ça c'est vrai. Et donc c'est Franck Ribéry. Et ben, ouais. C'est une bonne réponse. Bravo à toi, Alex. Tu viens de gagner ton FIFA 17 pour démarrer la soirée. Bravo. Il est pour toi, on va te l'envoyer dans le 43. T'es où dans le 4-3, toi? Au Puy-en-Velay. Au Puy, la capitale du 4-3. Ah ouais, bah voilà. Et ben, on salue tout le Puy. Et puis ben, bravo, Alex. On t'envoie ton FIFA 17. Hein. C'est parti. Ça marche. Merci bien. Salut à toi, Alex. Ciao. Ciao, bonne soirée. Et il y en aura d'autres à choper ce soir. Hein. Restez bien dans le coin. Bon, il y a Cristal qui est énervé parce qu'on lui répond jamais. Ben, pose une question parce que là, tu mets ton message. Ça m'énerve. On me répond jamais. J'ai pas vu de question. Ah ben voilà, on te répond. Laissez vos messages. On les voit, vos messages. C'est pour dire à tout le monde que vous nous envoyez vos messages au 41-759 sur l'appli. Envoie tout ça et ben, vous pouvez nous laisser vos messages en direct, réagir à l'émission ou passer sur l'antenne avec nous comme Julien de Marseille qui est dans le coin. Alors Juju. Allez l'OM. C'est le loup levier. Moi ça fait j'ai 21 ans et du coup je suis à Marseille. C'est toi qui as des problèmes avec la justice? Ouais. Est-ce que vous avez eu récemment des problèmes avec la police, genre une amende, ou avec les contrôleurs dans les transports, genre une amende, ou avec la justice, genre plusieurs amendes? Carrément. Dites-nous si vous avez un petit souci. Ouais, donc toi t'as un problème avec la justice. Tu fais des trucs pas bien. Tu te drogues. Non. Non, tu te drogues pas. Tu es exhibitionniste. Évidemment. Après la drogue, c'est ça, toi. Tu es pas exhibitionniste. Tu es un voleur. Non. Un vendeur de drogue. Un dealer. T'as fait des conneries en voiture? Non. Des conneries en voiture, oui, on connaît dans l'équipe. Ouais. Hein, Cédric? Lui, tout ce qui vite roule. Vite fait. Alias Georges Toulet. Georges Clounet. Ah, c'est pas Georges Toulet, c'est Georges Clounet. Non, mais ça te va mieux, Toulet, je trouve. Ouais, c'est joli comme nom. Oh là, je suis monsieur Toulet. Donc, pas de problème en voiture, contrairement à certains membres de l'équipe qui ont une clavicule cassée. Voilà, ouais. Et des queutes cassées aussi. Et des queutes. Donc, Julien, vas-y, explique-nous. Non, ouais, en gros, ça, enfin, je tague les murs. Enfin, genre, ouais, je fais. On écrit sur les murs. Voilà, le problème. C'est vrai que quand j'entends ce truc, ça me donne envie de casser les enceintes. Ah ouais, moi aussi, puis ça te reste dans la tête en plus. Ah ouais, l'autre jour, j'étais dans un magasin, il y avait c'est ça. On écrit sur les murs. Et la caissière, elle en pouvait plus. Ah bah, elle était là, ça passe 4 fois par jour. J'en peux plus, je vais craquer. Elle me regardait avec un air désespéré. je lui ai fait, je vous comprends. Alors on écrit sur les murs, dis donc, Julien. Ouais. On écrit quoi? Mais achète-toi des cahiers, man. Il fait des... je fais avec des pochoirs et après je fais des dessins sur le mur, des trucs comme ça. Moi je suis une pochetronne, moi. Ah ouais, complètement. Je suis une poche à vin, j'adore. Et poche à foutre également. Ah, oh, moi ça marche, ça me fait plaisir, Romano, de voir que tu reviens en pleine forme. Ah ouais. Ah, t'as été malade ce matin, mais alors là t'es en pleine forme. Ah, je vote Romano pour le coup. Ah bah voilà, tu vois. Direct. Eh ben merci, ami Vandal. Mais ça sert à rien que t'es malade, mon pote. Hein. Merci, ami Vandal. Hors la loi. Bon, et t'as eu des problèmes. Mais tu fais ça où? Parce que non, moi c'est les graves par exemple, tu vois, ça me dérange pas sur les maisons des autres. Ouais. Moi aussi, pareil. Évidemment. Par contre, si on me le fait sur ma baraque, ça me dérange un peu. Ouais. Non, mais sur les murs, tu sais, des murs pourris, tout ça. On écrit sur les murs pourris. Et là, là, là. Ouais, quand c'est des jolis. Mais par exemple, je sais pas, tu tagues une baraque qui vient d'être faite. Moi, je comprends que le mec il ait les boules. Dans la rue. Moi, le premier, je les aurais. Non, mais je fais sur les murs de la ville. Enfin, je fais pas sur les murs des maisons. Enfin, je suis en ville. C'est quoi? Il y en a qui le font sur des vieilles gares désaffectées au bord des quais. Ouais, c'est ça. Dans les zones industrielles et tout ça, les vieux hangars, les vieux bâtiments. Ça met de la couleur. Oui, c'est vrai, ça décore. Ah, mais de toute façon, ça rien. De toute façon, c'est déjà moche, donc. Oui. Oui, non, mais c'est ça. Un peu carongé, hein. Ça, c'est vrai. C'est de l'art, hein. Ouais, c'est vrai. Il y a des études du lard maintenant. Voilà, comme moi je suis du lard. Je suis même du gros lard. Ah ouais. Les pontrels, gros. T'as des graffeurs, ils vendent des toiles, mon pote, à plusieurs millions de dollars. Ouais, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, Julien. Ouais. Peut-être qu'un jour, tu seras super célèbre et tu vendras des trucs super chers et tu nous auras pas oublié. T'auras pas oublié que t'es passé sur Skyrock et tu nous feras un cadeau. Hein non, mais souvent, tu sais, les artistes, ils prennent de la valeur, c'est quand ils décèdent. Alors, je te souhaite pas de mourir. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai. Forcément. Il y a quand même eu beaucoup. Ouais, mais là, les toiles, ils ont valu de la thune une fois qu'ils étaient dead. C'est à l'ancienne, ça. C'est Van Gogh et tout. Mais tu seras peut-être le Van Gogh du 3e millénaire. Non, mais peut-être. Peut-être le Picasso du 3e millénaire. Cédric, d'ailleurs, je voudrais remercier les chirurgiens qui ont pris exemple de Picasso pour te refaire le visage. Parce que c'est pas naturel ton visage que t'as depuis tout le temps. Si, c'est naturel, je te jure. T'as pas été refait par quelqu'un? Ah non. Mais le chirurgien, il a rien dit pour la gueule, il a pas... Non, il s'occupe que des mains et des épaules, lui. C'est la proposition qu'on avait fait, là, il y a quelques jours, avec les auditeurs de Sky, qui avaient proposé de coupler ton opération de la clavicule, que tu feras pas, d'ailleurs, avec une opération du visage, non? Non, pour l'instant, non. C'est dommage. Pas possible. Dommage. Et t'as des potes graffeurs, Cédric, toi? Ouais, moi j'ai des potes qui est encore en train de taguer les murs de Vitry sur scène. D'ailleurs. D'accord, il tague à Vitry, lui. Et il a déjà eu des problèmes avec la police, il s'est fait choper? Ouais, il s'est déjà mangé des amendes. Combien il s'est pris? Je sais pas, je vais pas demander, mais je crois que la première amende, elle est pas trop chère, tu vois. Mais après, une fois qu'ils ont ton blaze, ouais, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont ils enregistrent ton nom. Et après, dès qu'ils voient ton tag, ils savent qui c'est, tu vois. Faudra avoir plusieurs blazes, en fait. Mais ils te font pas, genre, des TIG, parce qu'il y a pas des fois des mecs qui nettoient les murs, ils doivent les repeindre. Si, non, mais ça dépend des condamnations. Lui, c'est manger une amende directe. Mais t'as des mecs, genre, ils leur font nettoyer des murs, t'as des mecs qui leur mettent, On écrit, puis on nettoie les murs. Ah, c'est clair, ouais. Ah. T'as vu qu'à Paris, t'as une brigade spéciale que pour ça, que pour les brigades anti-tag. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais dans plein de villes de France, c'est des brigades anti-tag. T'as été chopé, toi, Julien, par la police? Et ouais, du coup, comme un con, en fait, je taguais avec un collègue à moi. Ouais. Mais la nuit ou le jour? Non, la nuit, ouais, la nuit. Ouais. Et, on était capuchés, machin, et en gros, il y a un mec dans le bâtiment d'en face qui faisait des photos, on l'avait vu, qui faisait des photos de nous. Oui, bonjour, je m'appelle Monsieur Nazi. Je vais dénoncer tous les habitants du quartier. Ah ouais, c'est depuis. Et du coup, comme nous on était capuchés, qu'on voyait pas nos visages, on s'est pas dit que, enfin, on a continué, on a fini le truc. Et après, on était cons, c'est qu'on a fumé on allait fumer une cig juste en bas dans la rue. Et forcément, le mec, il avait appelé les condés, ils sont arrivés, et du coup, ils nous ont interpellés. Moi, j'avais tout sur moi. J'avais les bombes, les gants. Ah, ouais, ouais. Mais c'était quel type de mur? C'était un mur de la ville, un mur tout pourri. Ouais, non, mais tout pourri. Et l'autre, il passe sa soirée à regarder et à prendre des photos et à dénoncer à la police. Ah, oui, t'imagines, je dénonce tous les habitants du quartier. Madame Bougnard, vigilant. Madame Bougnard est sortie tout à l'heure. Parce qu'ils font ça dans des villes, il y a les voisins vigilants. Elle a jeté sa cigarette par terre, j'ai fait la photo. Voilà. C'est souvent les vieux, tu sais, qui ont rien à faire. Ils savent tout, quoi. C'est les vieilles chouettes. Et les gars, ils t'ont dit quoi? Ils ont été cool, ils ont compris ou ils ont été relous? Non, mais déjà, ils m'ont demandé si je l'avais fait seul ou avec mon collègue, et du coup, moi, j'ai dit que je l'avais fait seul, et mon collègue, ils ont laissé partir mon collègue. Eh bien, t'es pas une pute, toi. Ouais, bah oui, t'as qu'à faire. C'est normal, quoi. Ouais. Et du coup, ils m'ont emmené au poste, machin, et en gros, le truc, c'est que où j'ai tagué, la veille, en fait, j'avais tagué le mur d'en face, et tu sais, en fait, je signe. Comme disait Romano, en fait. Ils ont reconnu ta signature. Et ouais, t'es fait repérer avec ton blaze, en fait. Ouais, voilà. Et c'est pas coup, moi qui l'ai dit, mais oui, je l'ai dit, oui. C'est pas toi qui l'a dit, c'est qui? Cédric. Ah, excuse-moi, Cédric. Oui, ouais, mais c'est moi qui l'ai dit. Je vous confonds tous les deux. Bah, il va falloir arrêter de nous confondre, parce qu'il va y avoir un problème. Plaît, ouais. Mais non, mais excusez-moi, je vous ai confondu, c'est pas grave. Si, c'est il grave. Vous avez tellement de points communs. C'est très, très, ça, comme très, très grave. Tellement de points communs, tous les deux. Une atteinte à ma personne. Allez, ni l'un ni l'autre, il va avoir des points communs avec l'autre. C'est dingue, ça. Ah, non, bah, horreur, t'es fou. Alors que vous vous ressemblez tellement, Je m'appelle pas Georges Poulet. Vous savez, je vais faire un pronostic. Je suis sûr que vous terminerez ensemble tous les deux. Quoi? Je sens une attirance. Déjà sur Cédric, vous l'avez longtemps, souvent entendu dans l'émission hein, depuis un petit moment. Ah mais ça, il kiffe. Il est dans mes couilles. Là, je te kiffe. Non, mais c'est que tu me kiffes. Bon. Mais je l'ai accepté, Cédric. Déjà, je suis heureux. Okay, ouais. Je pense qu'un jour, Romano, toi aussi, tu craqueras. Ah ouais, des nerfs sans doute. Tu craqueras. Sans doute des nerfs, ouais. Donc il t'empérait avec ton blaze. Et combien tu risques pour ton truc, toi, Julien? Non, mais moi, je passais cet été, donc je suis déjà passé en jugement et tout. Et en gros, ils ont. En gros, ils m'ont dit comme c'est que j'ai casier vierge, j'ai jamais rien fait. Rappel à la loi. En gros, j'ai rappel à la loi de 3 ans. Donc, faut changer ton blaze, faut te faire plusieurs blazes. Alors, je sais que tu vas trouver ça relou. Je sais pas, mais c'est Cédric Lebel, signature, par exemple. Oui. Ouais, ça va. Alors, si vous avez une idée de blaze, il est bien celui-ci. Cédric Lebel, tu signes. De Skyrock, tu rajoutes à peu près. Hein. Non, vous étiez voté Cédric le Belge à la limite. Ouais, c'est bien voté, cool. Mais mettez-le sur plein de murs. Ouais. On va se retrouver au tribunal après, après l'hôpital. Oui. C'est vrai qu'avec la chance que t'as, elle est bien cette idée, elle est pas mal. Mais toi, ça te fait chier d'avoir plusieurs blazes ou de passer. Bah ouais, parce que t'as en fait envie de te faire. Déjà, ça fait chier, ouais. C'est comme moi, si moi je m'appelais Difoul un soir, que le lendemain tu m'appelles Robert, le surlendemain. Ça craint, ça par contre. Mm. Ouais, Robert, ouais, c'est bah, ouais. Que le lendemain je me donne un super pseudo que je trouve super swag, parce que ça me va. Jean-Marie. Voilà, ça, ça c'est bien, ça. Ouais. Jean-Marie, pas mal. Non, mais c'est vrai, t'as ton blaze, t'as ton nom, c'est ton identité. Oui, c'est, et puis c'est comme ça que tu peux te faire connaître dans le milieu du graphe, quoi. C'est vrai aussi, ouais. Mais bon, c'est compliqué maintenant qu'ils ont ton blaze. On salue les graffeurs qui nous laissent des messages depuis tout à l'heure. Merci pour les messages. Il y a Walls qui nous dit, je crois que je suis le plus gros graffeur de Paris. Je crois que le plus gros graffeur de Paris a pris, des milliers d'euros d'amende. Ça peut coûter cher, faut faire attention, hein. Moi, j'ai un pote à moi, il s'était fait attraper comme ça, il avait pris 3000 euros d'amende. Ouais, mais il avait tagué quoi? De la merde, tu sais, c'était un truc SNCF abandonné, il s'est fait choper là-bas, il était en train de taguer là-bas, il a pris 3000 euros. Ah ouais, c'est cher quand même. Bah, mais y a pas un mur à tag? Mais je crois que ça existe en plus, y en a un des murs à tag. Ils ont mis des murs à tag. T'as pas des murs à tag à Marseille? Si, y en a, mais même, y a des quartiers, au cours Julien et tout, y a des quartiers où c'est tagué partout. Ouais, tu peux y aller tranquille, quoi, mais c'est, enfin, ouais, c'est un peu partout, quoi. Bah, écoute, si c'est ta passion, alors c'est peut-être pas très légal, ce que je vais te dire, mais enfin bon, il faut bien vivre un peu et s'éclater. Si c'est ta passion, que t'aimes ça. Bah moi je serais toi, je continuerais. Par contre, j'éviterais de mettre mon blaze à chaque fois. Alors, je sais que c'est relou, mais bon. Bah c'est ça. Ah, ouais, et puis surtout, tag pas des trucs en bon état, quoi. Tag le mur du commissariat. Voilà. c'est une bonne idée. Tiens. Et après la voiture. Voilà. Non mais ouais, tag des trucs pas dangereux. Ouais, des trucs pourris dans les zones industrielles, tout ça. Ouais. Très bien. Mais après le truc aussi, c'est que du coup, avant de me faire choper, j'en avais fait quand même un certain nombre de tags et du coup, j'avais tout signé. Ah, et t'as peur que maintenant ça t'en revienne dessus. Ouais, j'ai peur qu'ils me reprennent avec les. Et non, faut qu'ils prennent sur le coup, gros. Parce que tu peux, bien sûr. Ils peuvent pas me dire, Non, tu peux dire c'est pas moi, j'en ai rien à foutre, c'est un mec qui a le même nom que moi, vous m'avez pas attrapé. Ah, non, il y a des mecs qui se sont fait niquer comme ça. Ah ouais, justement. Je sais que par exemple, à Paris, ils ont un fichier. C'est-à-dire que quand ils repèrent un tag avec fichier chier, comme toi ce matin, Romano. complètement liquide. Et en fait, par exemple, je sais pas, moi, le mec signe, Cédric le Belge. Et s'ils en trouvent deux dans Paris, et si le mec il le chope, il le chope pour tous les tags qui ont été signés par le même mec. Ouais, mais attends, mais si par exemple tu peux faire des tags toi et moi, je vais genre copier un, c'est le même que le tien et tu vas prendre pour ça. Ouais, alors. Tu peux peut-être jouer là-dessus, mais bon. C'est pas facile. Non, mais bon, moi je sais pas ce que vous en pensez, moi je te dirais de continuer. Vous en pensez quoi dans l'équipe? Continuer, mais pas sur des trucs en bon état. Et bah, il y a un bon conseil de Chris sur Snap, il a qu'à taguer dans sa chambre, comme ça il craint rien. Merci Chris. Je vois que les snappeurs sont déchaînés ce soir. Skyrock FM pour nous laisser des messages sur Snap, sur l'appli Skyrock. Tu voulais qu'on fasse quelque chose pour toi ou tu voulais juste l'avis de l'équipe, toi, Juju? Bah, l'avis de l'équipe, de savoir si je risquais vraiment. Parce que si je continue, tu vois, par exemple, là, j'ai pas pris grand chose, c'est pas grave. Ouais, pour l'instant, c'est pas grand chose. Non, mais la prochaine fois, tu prendras plus. Hein. Oh, bah, ouais, voilà, ça va. Ah, bah, c'est le principe. Hein. Tu continues, tu t'arrêtes. Bah, je continue, mais je le fais dans des endroits plus discrets, quoi. Ouais, pareil. J'évite le centre-ville. Bon, c'est un peu relou, mais. Marie, même chose, je vois bien ta gueuse, Marie. Ouais, oh putain, oui, ça c'est joli. Marie, avec sa bombe de. Je vais dessiner une bouteille de bière et après je ferai le logo 1664. C'est pas mal. Il est tellement beau. C'est une bonne idée. Vous signez tout ça. Karim, d'accord avec Romano. Ouais. Et Samy, t'en penses quoi, toi, Samy? Moi, je suis archi d'accord. Mais continue. Bah, bien sûr. Mais bon, par contre, évite les trucs neufs, comme il a dit Romano. Ouais. Tu vois, pas les maisons neuves. Bon, c'est pas très moral comme conseil, ce qu'on vous donne. Non, mais bon. Donc, évitez de le suivre, quand c'est des bâtiments complètement pourris dans des zones où y a rien. Ouais, c'est joli. Ouais. Ça gêne personne, quoi. Mais souvent, c'est là-bas que les mecs, ils sont attrapés, hein. Ouais, mais la plupart. Je comprends pas. Tu sais, quand c'est un bâtiment abandonné, foutez leur la paix. De toute façon, vous allez niquer le bâtiment après. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est au milieu, tu vois, il faut aller quand même. Tu as le soutien de toute l'équipe. Ouais, la radio libre. Ouais, tag. Envoie-nous tes tags d'ailleurs, on peut les. Tu peux nous les envoyer, on aimerait bien voir, nous. Bah, dans le mail, je vous en ai envoyé un en photo dans le mail. D'accord, on va aller mater ça. Bon, bah, merci Julien. Puis si on a d'autres taggeurs qui veulent réagir et qui ont des témoignages à faire, on les prend avec nous. De Marseille d'ailleurs, allez-y. Ouais, Julien. Je peux laisser mon Instagram? Vas-y, comme ça vous pourrez aller voir. Il y a tes tags sur Instagram? Ouais. Ouais, ils sont dessus et je fais du Photoshop aussi. Ah, il est mignon ton mail. Très bien. Eh ben vas-y, envoie. Il est mignon ton mail. I-M-D-E-G-U-N. I-M-D-E-G-U-N. Ouais. Ok, I-M-D-E-G-U-N. Vous allez voir Julien.

soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Feu soprano sur Sky. Oh, quelle belle voix. Radio libre. 21h minuit sur Sky. Voilà ce qui arrive pendant qu'on chante pendant tout le disque. Je suis en feu, moi j'étais en feu total. De la gorge. Soprano sur Skyrock qu'on vient d'écouter avec En Feu. On écoutera du Travis Scott tout à l'heure. Ça c'est bon aussi, Travis Scott. Travis Scott c'est Pick Up the Phone. Pick Up the Phone. Ouais, gros son, grosse découverte Skyrock. Vous avez découvert ici le Travis Scott, c'est ça le son, écoutez bien. Pick Up the Phone. Pick Up the Phone. Travis Scott. C'est bon ça. Pick up the phone. On écoutera du Travis Scott. On écoutera le nouveau Bruno Mars aussi là d'ici minuit. On se passera le nouveau Bruno Mars. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre des nouveautés. Tiens, Escrew. Eh, bientôt des places de concert à gagner pour aller voir Escrew. Ah, j'aime bien ça. Et Nekfeu. Escrew, Nekfeu. Mais le coco et on démarre. Mais le coco et on démarre. On écoutera ça avant minuit. Nous, on a bien démarré, mais on mettra du coco quand même tout à l'heure. Mais le coco et on démarre. Escrew à écouter. On aura du MHD également. MHD, c'est bon. Mais aussi, le coco hein. Et on démarre. Ah, ça c'est Escrew. Ouais. Mais le coco et on démarre. Hey. Hey. Mets le coco et on démarre. Hey. Mets le coco et on démarre. Et MHD Akelenta. Hey. C'est mon ami Akelenta. Et mon ami Akelenta. Tiens, j'ai des nouvelles de Star. On vous en parlait ce matin dans le morning. On vous l'annonçait en exclu avant tout le monde. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini entre Rihanna et Drake. Ah ouais, déjà? Ça y est, terminé. Ouais. Leur emploi c'est du temps fini. Ne leur permet pas d'avoir une vie sentimentale. C'est bien, ils se rencontrent maintenant, mais ils sont débiles les deux. C'est terminé. Non, mais Drake, il a deux nouvelles petites copines, il paraît. Ah, deux. Et puis Rihanna, a priori, ça va aussi. Donc, je pense qu'ils sont arrangés entre eux. C'est terminé entre Rihanna et Drake. On en parlait ce matin. Ça nous a beaucoup touché. On était très très mal toute la journée après avoir appris. J'ai peut-être même retourné chier moi. Ah bah voilà, c'est cool, Rihanna est dispo, c'est cool. Tellement que ça t'a rendu triste. Rihanna, Drake, c'est terminé. Drake en concert avec Skyrock, on vous l'a annoncé début de semaine. Et oui, il arrive en France le 13 et le 12, 12 et 13 mars, ouais, je c'est crois. Ça. Hein, c'est ouais. ça. C'est ça. De l'année prochaine, évidemment. Et donc des concerts Skyrock à pas louper, Drake et des places bientôt peut-être à gagner. Ce sont très chères les places pour Drake, mais ça vaut le coup. Ah ouais, hein. Ah ouais, ouais, grave. Ouais, gros très concert, Drake. Bon, du Justin Bieber et du. Genre combien du cher? Il y en a 100 euros. Bah là, j'ai vu au State en ce moment, ça tourne au State. Le premier prix, hein, les places les plus pétées, ça commence 100$. Ouais, beau cadeau, dis donc ça, tiens. Ça va. Drake a pas loupé pour sa venue en France. Et puis, tiens, Justin Bieber, lui aussi, on vous a donné une nouvelle de lui ce matin, c'était marrant ça. Ouais. Justin Bieber qui a découvert comment passer inaperçu dans une ville. Ah oui, ouais, il doit se déguiser en violeur. Alors, il se déguise en braqueur ou en violeur. En gros, il se met des moustaches, mais des moustaches, de bonnes moustaches. Il se met une petite barbouzette aussi et une perruque. Romano, tu devrais essayer d'ailleurs. Non, mais je sais, j'ai vu les photos, mais c'est ridicule. Dans la rue comme ça. Mais il s'est fait cramer d'ailleurs. Ah bah il s'est fait cramer, oui, c'est normal. À cause de ses tatouages. Tu as une moustache comme ça. Ah ouais, c'est vrai, pas ouais, comme ouais, ça. Ouais, c'est à cause des tatouages, ouais. Je savais pas ça. En fait, il a des tatouages dans le cou et il y a des paparazzi qui ont repéré les tatouages et ils ont dit, hey, Justin. Justin. Bon, le mec, il a pas répondu, mais bon, il le prend en photo. Mais... Le mec s'est retourné, ouais. Non, mais il a l'air d'un. Oui, il a l'air d'un con. Il peut passer inaperçu, tu sais. Genre, les moustaches, genre la capitaine Haddock, quoi. Ah ouais, dégueu. Non, mais je te dis, les mecs, tu vois dans les films qui vont braquer des banques, les mêmes. Ça pire les popettes. Je l'ai pas vu, mais ça doit être juste. On dirait le tournesol un peu au niveau. Non, mais ouais, je sais pas, tu te dis, bon. Mais, non, mais que le mec il se déguise, ok, je peux comprendre, tu as envie d'être peinard, mais tu te mets c'est ridicule ouais, là. Justin Bieber. Tu sais, c'est genre, il a acheté ça dans un truc de farce et attrape. Tiens, donnez-moi une moustache. Ça aussi, c'était les nouvelles du bordel. Et t'as pas vu là, après, quand il a fait son concert en France, là, il y a 2-3 semaines, Justin Bieber. Ouais, le lendemain. Bah, tu sais, le lendemain, il partait, il était sur la route et il est passé vers Amiens. Ah oui, oui. Et il a vu qu'il y avait une patinoire, tu vois. Lui, il est fan de hockey, tu sais, comme il est canadien. Hey, et il s'est arrêté dans le club de Amiens, il a demandé s'il pouvait jouer. Les mecs, ils ont halluciné, il y avait un entraînement. Ah oui, tu m'étonnes. Et pendant 2 heures, il a fait un entraînement avec les. Ouais, les c'est vrai, ouais, c'est ouais. Cool. Et tiens, les photos, ils ont prêté l'équipement, machin, ils jouent au hockey avec le maillot Amiens. Des bons délires. Ah, c'est cool, ouais, c'est clair. Le mec, c'est éclaté, quoi, Amiens. Il est marrant, ce Justin ouais, Bieber. Il est marrant, il fait que des conneries dans sa vie. Ouais, c'est vrai. Et puis, il fait des gros sons aussi. DJ Snake et Justin Bieber, on écoutera les deux tout à l'heure sur Skyrock. On est là jusqu'à minuit. Bon, on va faire le clash de la drague dans pas longtemps, on va se préparer. Cédric, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Romano, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. On remet les compteurs à 0, 0, 0 pour les deux compteurs. Et tout à l'heure, vous remplirez les compteurs. C'est vous qui voterez pour Cédric ou Romano avec des méthodes de drague que vous pourrez peut-être utiliser si vous cherchez à draguer des meufs, les gars. Écoutez bien nos deux clasheurs, nos deux dragueurs. Ils sont vraiment les meilleurs séducteurs du monde, comme on dit dans le jingle. Ouais, c'est ça. Merci, merci. Je vous ai bien vendu, hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Nos deux éclopés. Il n'y a pas de problème. Romano, derrière, il y avait une question de Gothique. Bonjour, Gothique. Hein? Allez. Ah. Vas-y, bouge. Pourquoi bouge ? Ah, ça y est. Bon, vas-y, alors pose la question et après elle la bouge. La pauvre Gothique qui laisse sa baisse. Non, c'est un garçon en plus. Gothique, 17 ans, dans le 93, qui nous dit que lui aussi, il a la chiasse depuis ce matin. Il voudrait savoir ce que t'as eu, Romano, pour savoir comment se soigner. Ah, ben bah, j'en sais rien. Tu étais malade ce matin. J'ai bu du riz, et là, j'ai bu du coca sans bulle et puis voilà. Donc tu t'es soigné avec du riz, du coca sans bulle. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'as eu quoi ? T'as une grippe intestinale ? Bah, non, méfiez-vous, parce que ces temps-ci, j'en ai parlé à plein de gens. Dans la radio, il y a plein de malades. Il y a plein de grippes intestinales qui traînent, des petits virus de merde qui rentrent dans votre estomac et qui après. Ils vont faire comme Cédric tout le temps. Ben bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà hier soir en fin d'émission, j'avais un peu mal au bide. Ouais. Et t'es chonchon du bidon. Ouais. Après, je suis rentré chez moi, j'ai mangé. Bon, j'avais un peu envie de chier, mais je me suis dit ça va passer. Et puis là, vers 3-4 heures du matin, là, non, ça, là, ça t'a. Là, c'est la cascade, quoi. J'ai ouvert les vannes, quoi. Merde. J'ai vidé mon cul. Et les a fermés aux alentours de 9-10 heures du matin. Et après, ben, et le truc, c'est que moi, au bout d'un moment, quand je chie trop et ça pue trop la merde. Ah. Marie, excuse-moi, ouais, ça me fait vomir. Voilà. Donc Cariole m'a amené une gamelle pour que je vomisse dedans. Ah, tu t'es auto-asphyxié. Ah ben non, mais ouais, ben bah, comment tu chies, tu vomissais en même temps. Ben bah, ouais, tu sais quoi. Ah mais tu sais, t'as pas le choix, tu prends une gamelle. J'allais pas dégueuler par terre, quoi. Non. Si vous avez des conseils, si vous avez chopé une petite chiasse ou un truc, tu vois, mais un récipient, quoi. Tu devrais tirer la chasse pendant que tu fais caca pour atténuer les mauvaises odeurs. Te conseille Blue. Non mais je le fais parce que des fois, laisse tomber le chiotte, je le remplis, mais. Et pour une bonne chiasse, un petit conseil que je donne d'ailleurs à Gothique du 93. Vinx qui nous dit, il a 21 ans, pour la chiasse, tu bois un Ricard sec sans eau. Parfait. Ouais, c'est vrai, mais c'est j'y ai ça. Pensé. Ah ouais? Mais j'en avais pas. Marie, t'as vu, elle est là. Ouais, c'est non, mais super. C'est la chiasse. C'est génial. Et après, tu bois une bouteille de whisky. Ouais, direct. Et après, tu te tapes 2-3 bouteilles de vodka et une caisse de bière. D'accord. Et après, ça va mieux. Et après, tu es guéri. Tu ne sens plus rien. Non, ben ouais, t'es. Mon père, il fait ça avant le déjeuner. À chaque fois. Voilà. Avant le déjeuner? Le petit déjeuner, ouais, le matin. Tout ça avec des croissants. Non, le déjeuner, pas le petit. Nage, smecta, riz, coca zéro et un bon doliprane. Non, mais c'est vrai. Tu verras, c'est bon. Manger du riz pour Colombiano. Non, mais c'est ce que j'ai fait. Manger du riz. Bah ouais, c'est ça. Donc voilà pour le conseil qu'on peut donner à Gothique. Efficace, hein. Et Salimette, prendre du smecta. Moi, ouais, ça bloque la chiasse, j'en ai pris un aussi. Ouais. Salimette, elle est folle, regarde. Moi, j'aime trop le smecta. C'est vraiment trop bon. Ah, des c'est fois, ignoble. J'en bois rien que pour le plaisir. Ça, ça déjà, avant. C'est un petit. Plâtre, quoi. Ouais, c'est du plâtre, quoi. Pour le ventre. Une espèce de petite poudre que tu mets dans l'eau. Ouais, c'est ça. Non, c'est carton. Mais avant, comment, Cédric, on t'entend mal, hein. Je l'ai fait avec des goûts. Mais maintenant, voilà, d'ailleurs, ils ne font plus que des parfumés. Il n'y a plus l'original. Ah ouais. Ah, dommage. Il était pourtant si écœurant. Ah ouais, mais ça, c'était ignoble. Je suis déçu. Quoi. Et une banane dans les fesses aussi pour t'empêcher de chier. Ah, ça marche bien. C'est Bob Mélisch. Ah, j'avais pensé plus à un bouchon de vin, mais. Bonjour Bob Mélisch. Banane, pourquoi pas. Voilà. Du riz. Ouais, non, mais le riz. Faut boire l'eau du riz. Ah ouais. Ezio qui nous dit, faut boire l'eau du riz. Ouais, non, mais moi, vous t'êtes pas poussé. Je me suis contenté du riz. Bon courage. Demain, je vais être malade car j'ai DS toute la matinée. Ah bah, c'est bien ralède, dis donc. Ah bah, c'est du joli, tiens. Salut Ralette, demain t'es malade, t'as DS toute la matinée. Pas mal, tu as prévu ta maladie pour demain, ouais. C'est pas mal. Et Docteur Jambal, ouais, c'est vrai, maintenant le goût c'est vanille orange. Bon, ah, bah, très bien. Ridicule. On a trouvé une fan du smecta, non, mais là. C'est moins pire qu'avant. Ah, que le nature peinture. Ah ouais. Donc soignez-vous bien, restez bien avec nous. Moi ça va pour l'instant, pleine forme. Petite nature, Romano, lol. Non, mais j'ai dû prendre froid du bide. Parce que moi je sais que par exemple, si j'ai froid au ventre, bah ça me donne la chiasse. C'est ouais, ouais, c'est, ouais, c'est logique en même temps. Mais la chiasse, petite nature. Ah, mais comme Cédric, hein. Oh, t'as été malade alors. Ah, mais moi, ça me fait la même chose, ouais. Ah bah, c'est toute l'année, toi. Dès que je chope froid, bah, directement, je vais au chiotte. Cédric est capable de choper une chiasse en plein été parce qu'il est passé dans un endroit où il y a la clim, par exemple. Oh, ah, ouais. Mais jamais arrivé, ouais. Ah, bah, ouais, mais tu vois, il a tout le temps. Bah, oui, tu l'as tout le temps. Donc, c'était forcément déjà arrivé. Ah, bah, ouais, ça. Bon, on attend la démonstration pour le clash tout à l'heure. Mais je vous avais promis le double appel, les familles double appel avec vous tous en direct aussi, hein. Pour tout le reste, tout au long de la soirée, si vous avez envie de vous exprimer en direct sur Skyrock, c'est possible. Possible. 41759, skyrock.fm et, l'appli Sky pour nous laisser vos messages et vos photos aussi. On remercie tous les taggeurs et les graffeurs qui nous ont envoyé plein de photos depuis tout à l'heure. Ouais. Les trucs que vous avez tagués, vous avez du talent, c'est bien. C'est pour Julien qu'on a eu à Marseille tout à l'heure. Ouais. Et là, eh ben allons-y, c'est parti. Et t'es comment, ta chatte t'es comment là? Non mais dis donc, qui c'est qui me parle de ma chatte là? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Et dis donc, et je te signale que je suis sur écoute, la gendarmerie surveille. Hein. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Oui, allez, salut et banzai. Hein. Et banzai. Bon, salam alaikum. Hein. Si tu veux, salam alaikum, ouais. Banzai, il parle toutes les langues. Ah, super. Ouais. C'était un bourguignon, la gendarmerie, elle surveille. Surveille. Et voilà. Donc elle surveille. Et Arnaud du 60 qui vient d'arriver, qui nous dit, à quand Cédric qui revient? A-t-il toujours la clavicule cassée? Oui, la clavicule cassée. Le cool, le cool cassé aussi depuis lundi dans le clash. Mais aujourd'hui, il va essayer de réparer son cool en gagnant le clash. Cédric, tu reviens lundi? C'est ça, lundi, je suis de retour. Lundi soir, 21h. Ouais. Faut qu'on prévoie une soirée spéciale. Ah, super. Ah, j'espère bien. On va te baiser, gros. Appelez Jerem Star. Ah, avec sa baignoire. Hein, on va te mettre Jerem Star dans la rue. Ah, mais lui, il me casse les couilles. Tous les jours, il m'envoie un message. Ouais, je vais t'appeler, il appelle jamais. Donc. Ah là là, mais c'est ça, les stars, Romano. Quand tu seras une star comme Jerem Star, que tu feras des interviews de stars dans la baignoire, que NRJ 12 te demandera pour te débaucher de Skyrock, hein, pour présenter une émission super en fin d'après-midi qui est regardée par personne, eh bien, tu sauras ce que c'est la célébrité, man. Sans doute. Eh ouais, mais là, pour l'instant, tu ne peux pas connaître. Non. Overbooked de Jerem Star. Je comprends pas. Ou alors overdégoûted par le fait de prendre un bain avec Cédric, c'est peut-être. Plus hein. Ça, d'ailleurs, possible aussi, ouais. C'est possible. Bon, ah, c'est... Bah, moi aussi, tiens. Donc pour lundi, on te fera une soirée spéciale, Cédric. On va prévoir des trucs super pour toi, tu vois, ça va être génial. Ah ouais, grosse ambiance. Oui, oui, ah, oui. Ah cool. Ah oui, cool. Alors. Pour le double appel, on est prêt. Bon, prends plein de numéros, Samy. Ouais, ouais, on a un coin précis ou c'est un peu dans toute la France? On va taper partout. On va commencer dans le 42 pour les deux premiers, mais après c'est partout. Le 42, on a offert 1500 euros ce matin à Firmini. C'est pas vrai. C'est tombé chez moi à Firmini ce matin à 8h, entre autres. Hein, c'est tombé plusieurs fois dans la matinée. 1500 euros à Firmini, c'est pas beau ça? Magnifique. Dans le 42. Et là, c'est parti. Donc, on met des familles en contact. On y va. Voilà, prends plein de numéros, au cas où il y en a qui raccrochent, t'en renvoies à d'autres. C'est parti, on y va. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Oui? Allô? Je vous écoute. Oui? Allô? Allô? J'ai entendu une voix de femme derrière. Allô? Elle est partie, la bougresse. Allô? Oui, allô? Oui, comment vas-tu? Vous êtes qui? Bah, devine. Du coup, moi je suis Patrick. Hein. C'est Patrick. Voilà. Ah. Allô? Allô? Allô? Allô? Oh, Patrick! Sois gay, le. Allô? Waouh! Sample avec la bouche! Allez, vas-y, prends les numéros et t'en envoies plein là. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Oui? C'est pourquoi? Allô? Pourquoi allô vous m'appelez? Oui. C'est vous qui? Bah, c'est vous qui m'appelez, pourquoi vous m'appelez? Bah, non, je suis désolé, c'est ma gendarmerie, deux fois suite à ça, un numéro masqué, alors, je suis pas c'est pareil, moi je vous signale que c'est pareil, donc, Bah, je m'excuse, mais c'est. Moi, mon téléphone, ça s'est mis à sonner aussi, donc appel masqué. Bon, bah, ouais, je sais pas ce qui se passe. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui. Je vous demandez qui, là? Ah, bah non, moi, c'est vous qui m'appelez, personne. Alors, excusez-moi, hein. Oh, allô? Mais c'est pas possible, ça, c'est inconnu ou quoi? Oh, il y en a marre, là, hein. C'est qui? Bah, c'est qui? Vous m'appelez? Le pape, c'est. Le pape. Vous commencez à nous saouler, hein? D'accord? Chier là. Ben oui, mais c'est réciproque, hein? C'est le pape! Allô? Et c'est le pape! Allô? C'était 4 là. Et en attendant, attention, là on a eu la punchline de la soirée. C'est qui? Si vous faites c'est qui au téléphone, répondez. C'est le pape. C'est le pape. C'est un truc de vieux. Ça. Demain pour les 1500 euros, je vais le faire ça. Mais vous êtes qui? Parce que souvent on nous demande. Ah bah c'est le pape. Et bah c'est le pape. Vas-y, rappelle, prends la suite des numéros de téléphone. Vas-y, rappelle-les, tout ceci là. Vas-y, enchaîne. Allez hop. On a un bon contact, ça se passe bien. Voilà, c'est un multi-appel que vous faites, nous dit Carmelo. Ça va partir en couille, c'est possible, Carmelo. Tu fais pareil, Samy, t'en as deux, après t'en rajoutes un troisième, un quatrième. Ça nous permet d'utiliser tous les numéros que vous nous avez laissés, là. Oh. Allô? Là, parti. Allô? Allô? Et vous? C'est vous qui m'appelez, là, non? C'est pas moi, hein? Très bien, derrière, il y a beaucoup de musique, derrière. Oui, alors, ça vous pose un problème? Bah écoutez, vous êtes qui? Bah justement, monsieur, je vous demande qui vous êtes. Mon téléphone a sonné, j'ai décroché. Ah bah désolé, c'est vous qui m'avez appelé. Non, pas du tout, monsieur. Bonne soirée. Pauvre con. Et on t'a entendu. Ah merde, il est parti. Allô. Ah. Allô. Allô. Oui. Ouais. Vous avez appelé. Pardon. Vous avez appelé. Qu'est-ce qu'il y a à l'appareil? Non, mais c'est l'appareil sur mon téléphone. Alors je réponds, c'est tout. Mais moi, je comprends, je vous comprends pas, hein, là. Je comprends pas. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui. Bonjour, bonsoir, monsieur. Mais non. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Belle voix, tiens. Oui. On m'a fait pourquoi, madame? Et encule-le. Non, mais hey, t'es qui, toi, là? Un Patrick. Oh. Un Patrick. Patrick. Quel Patrick? Un Patrick. Patrick, moi, je connais pas de Patrick. Y'a pas mon frère, ouais. Ah, c'est pas... On n'est pas Patrick, nous, ici, hein. Et encule-le. En plus, on peut pas l'enculer. Il faut que tu t'encules, là. Bah, t'enculer, bâtard, va. Ah, bâtard. Bah alors moi je suis Patrick hein. Ah bah ouais. Ah bah ouais Patrick. Et bah voilà. Ah bah tu vas te faire enculer Patrick. Vous voyez là déjà c'est pas mal. Ah c'est bon ça. On en a appelé 6 sur le deuxième coup de fil. Ah ouais, pas mal, ouais. Pas mal hein. Putain, il y en a qui avaient des voix là-dedans même. Ah ouais, c'est clair. Bon, en tout cas on les remercie, j'ai beaucoup aimé la femme de la fin. Oui, alors oui. J'ai une voix très sensuelle, on m'appelle Sensuelle de la Voice. Mais c'est pas étonnant madame. Est-ce que je pourrais rencontrer Nikos pour devenir The Voice? Ah bah c'est possible. Bonjour. Ouais. T'imagines, tu couches avec elle. Ah oui, encore. Ah, oui, Ah, très bien. On garde les numéros que vous nous avez laissés. D'ailleurs, vous êtes en train d'en envoyer là. Merci à Mel qui nous envoie le numéro de je sais pas qui, d'une Sabrina qu'on appellera peut-être un de ces prochains soirs. Vous avez les numéros, on les garde. Et comme on en avait plein en avance, là, on en a éclusé pas mal en deux doubles appels qui sont devenus des multi-appels. On s'en est fait 12. Allez, ouais, allez hop, comme ça. Non, 10, bip, pardon. 6 sur le deuxième. Non, c'est. Ouais, c'est. 11 en fait. 11 en fait. Ouais. 5 sur le premier. 6 sur le deuxième. Ça. Non, Marie. Ouais, c'est ça, Marie. N'hésitez pas d'ailleurs. Vous voulez un coup de main en maths, je suis là. J'allais le dire, si vous avez un problème, vous êtes en train de réviser les maths, vous faites des devoirs de maths, appelez-nous dès la moindre embûche, appelez la Marie directement, je vous donne son numéro personnel. 01 53 40 30 20 pour des aides scolaires en mathématiques et aussi dans toutes les autres matières. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme surprise à Cédric pour son grand retour de lundi? Si vous avez des idées, vous nous envoyez tout ça hein, au 41 759 sur l'appli Skyrock. On va donc oh mais c'est gentil, regardez. On va lancer une grande opération. Lourd, Cédric revient pour mon anniversaire le 17, on nous dit sur SMS. C'est bien ça. Cédric, donc on va essayer de lui organiser une soirée d'enfer. On va lancer un Cédric le ton. Une soirée qui déchire, une soirée d'arca pour lundi. Un Cédric ton, tu veux lancer? Un Cédric le ton. Un Cédric le ton. Hashtag Cédric le ton. THON. Allez-y, vous pouvez envoyer le hashtag de la soirée. Donc ça, c'est déjà une bonne idée. T'aimerais quoi pour lundi, Cédric, toi, par exemple? Ah, je sais pas, qu'il y ait de la bouffe, par exemple, déjà. De la bouffe, très bien. On va bien, tu sors d'un mois de chiasse, attends. Ouais. On va lui faire de la bouffe. Il veut de la bouffe, on va exaucer tous tes désirs. Jérém Star, par exemple. La bouffe. Jérém Star aussi, on va exaucer ton désir de rencontrer Jérém Star dans son bain. De te laver. De te laver, non, ça c'est pas dans ses désirs. Ah, mais ça, elles veulent pas venir. Des meufs, non, on a demandé à toutes les meufs qui écoutaient Skyrock, il n'y en a pas une qui veut venir, Cédric. Hein. Ah, c'est chelou ça. Bah, c'est bizarre. Ah bah, ça t'étonne. Je comprends pas. D'ailleurs, je comprends pas que les filles vous manquiez de goût à ce point. Franchement. Hein. Bah ouais, les filles, venez quoi, je reviens lundi. On veut ça, de l'alcool ou pas? Ah non, moi pas d'alcool. Allez. Mais si tu veux pour toi, ouais. Non, mais ça nettoie. Moi, hein. Tu sais, Cédric, on s'est toujours parlé franchement et on dit toutes les vérités dans l'émission. Et on va te faire un truc génial pour lundi, je t'assure. Hein. Ouais, j'imagine bien. Ah, on va mettre le paquet. Elle est ouais. Content. Oui, on va mettre le paquet. Tiens, d'ailleurs, je crois que je vais pas revenir lundi finalement. J'ai quelqu'un qui voulait te dire bonjour. Bonjour, bonjour Vermine. Oh, le nouveau grand amour caché de Cédric. Oh ouais, je te kiffe Jérém. Tu vois, moi je fantasme sur Rihanna, lui il fantasme sur Jérém Star. Comment vas-tu, boule de pu? Alors, boule de pu, comment ça va? Ah bah écoute, ça va. Ah bah, j'espère que ça va bien Cédric. Ah bah. Oh, ouais. Arrête, je suis tout émustillé. Oh là là. Salut. Ah, c'est drôle. Ah ouais, non, ouais, dis-moi le encore. Ah ouais, vas-y, appelle-moi boule de pu. Déjà des mots d'amour. Bonjour, bonjour Vermine. Ah ouais, je suis ta Vermine. Donc on va te faire une super soirée. Hein. Payez-lui un travesti, il adore, message de Homer du 14. Pourquoi pas? Ah ouais, pas con ça. Pourquoi pas? Une bonne idée, ça dit. Il y aura peut-être Pamela pour ça. Pamela, j'espère qu'elle sera là. Pour fêter ça, elle va venir quand même. Là, je pense pas. Ah ouais. Donc lundi soir. Lundi, elle a la Fashion Week. N'oubliez pas le rencard lundi soir, donc à 21h. C'est le retour de Cédric. Bon, d'ici là, il va se passer plein de choses. Tout à l'heure, ton clash avec Romano. On va clasher dans l'émission. On va se retrouver. Si t'es capable. Avec les familles de France qu'il va falloir séduire. Et là. Lundi, on a fait combien lundi d'ailleurs? 73 à 27, il me semble. Ah ouais, c'est bien ça. Je t'ai déglingué le cul, quoi. Ouais, tu lui as cassé le fion un peu. Bon, ce soir, on le termine, la team Romano. Préparez les votes. On le termine. Bon, et vous tous en direct, hein, toute la soirée, vous nous appelez dès que vous avez un truc à dire, dès que vous avez un petit souci, si vous voulez qu'on vous aide, vous n'hésitez pas. Vous nous passez un coup de fil, vous faites comme. On a qui au téléphone? Fatima qui est avec nous à Paris. Bonjour Fatima. Bonjour. Bonjour Fatima. J'appelle pour une amie en fait. T'appelles pour une amie, elle a Fatima. Un gros problème. Vous pouvez aider vos amis s'ils ont des soucis. Parfois c'est vrai, hein, quand t'as un souci, t'oses pas t'en sortir tout seul et puis parfois c'est des amis qui te filent un coup de main. Bah, t'essaies d'aider, ouais. Ça sert à ça, les amis. Tu es une belle amie, Fatima. Merci. Qu'est-ce qu'elle a ta copine? T'as 17 ans, toi, en je fait, précise. Oui. Elle habite à. En fait, elle a pris la carte bleue de sa mère. Ah, et sa mère, elle l'a retrouvée dans ses affaires, sauf qu'elle a tiré 70 euros avec. Ah, elle a volé sa mère. Oh putain. Ouais. Ça a vraiment de voler ses parents. Je sais que dans l'équipe, il y a quelqu'un. Je ne citerai personne. Un enculé, je dirais. Parce que déjà, il est chauve. Il a des problèmes. Non, mais je vais prendre la parole. Il est triste. Il veut prendre la parole, en plus. Parce que il a toujours un amour dans le cœur qu'il a laissé, bah, il a laissé tomber. Il veut l'enculer, d'ailleurs, tellement qu'il est excité par elle. La morue, parce qu'elle est portugaise. C'est la gothique. C'est ça. C'est vrai. Mais quelle elle se fermait, elle, bien et profond. Il quoi. Faut toujours aider ses amis, mais lui aussi a volé son père. Non, mais ça va, j'avais volé genre 2 euros. Donne-moi le numéro de ton père que je lui annonce. Non, mais. Il sait que tu lui as volé 2 euros. Ouais, je crois, depuis que j'avais dit, ouais. Tu lui as dit, et alors il t'en a mis une? Non mais ça va, j'étais grand. Bah, t'es pas grand, tu fais 1m54. Non mais j'étais grand, j'étais adulte quoi. Ah t'es adulte. Ouais. Eh ouais. Ah ouais. Je suis un adulte. Enfin bon, il peut te pourrir aussi hein. Oui non mais ça va, tiens, les années sont passées quoi. Ouais, oui c'est ça. Elle a quel âge ta copine toi Fatima? Elle a 16 ans. Et elle a volé donc 70 euros, c'est la première fois qu'elle vole ses parents ou la première fois qu'elle se fait choper? C'est pas pareil. Je sais pas, je pense qu'elle se fait choper. Mais elle a acheté quoi avec la 70 balles? Elle a payé des kebabs, je pense, et elle a donné 40 euros à quelqu'un. 70 balles de kebab, putain, elle bouffe ta copine. Ah bah ouais. Donc ouais. Bon, non, elle a donné 40 euros à quelqu'un, en fait. Pourquoi? Pour du shit? Je sais pas, il en avait besoin. Ah, genre elle a dépanné. Ah, ouais. Ah, elle a dépanné un mec. Bon, c'est bien. Ouais. Après, sa mère, je pense qu'elle s'en fout. Oui, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, si tu dis à ta mère, bon, écoute, maman, hein, tu vas pas faire chier, je t'ai volé, hein, mais c'était pour aider quelqu'un. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Non, mais déjà, je bon, pense sur... pas que ça passe, ouais. Déjà, elle est pas douée, quoi, parce que, à la base, déjà, tu voles sur la carte bleue, en général. Ça se voit. T'essayes de la remettre à la place. Bah, oui. Bah, déjà, oui. Déjà, la moindre des choses. Ouais, le plus vite possible, même. À ouais. À la base. Voilà, ouais. Non, mais après, ça se voit sur le compte. Ah oui, bah, c'est ce que nous dit tout le monde. Elle est con, parce que ça va se voir sur le relevé de compte. Bah, après, il y a plein de gens qui regardent jamais leur relevé de compte. Hein. Trail off, ouais. Il faut qu'elle voit aussi leur relevé de compte. On dit trail off, moi, je regarde tous les jours. Tous les mais jours, je pense tu que regardes. Sa mère fait pas attention à son relevé de compte. Ouais, mais par contre, elle s'est rendue compte, comme elle a oublié la carte, elle s'est rendue compte. Là, ouais. Ouais, là, sur le coup, non, mais elle a gardé, ouais. Oui, forcément. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit, la mère? Bah, elle lui a demandé pourquoi elle était là, la carte, quoi. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, la copine? Bah, elle savait pas quoi répondre, c'est pour ça que je vous appelle. Ah, tiens. On va parler des voleurs, là, parce que moi, ça, j'aime pas ça, les gens qui volent. Là. J'en ai dans mon entourage, c'est maladif, hein. C'est des kleptomanes, on appelle ça. Non. T'es pas kleptomane? Non, je dirais voleur amateur. Amateur? L'autre, il fait ça 3 fois par matin, tous les matins. Voleur amateur. Il vole les gens, après, il vole dans le studio. C'est vrai. Marie, t'as des cigarettes qui ont disparu, peut-être ce soir. Ouais, bah ouais, comme d'hab, quoi. Bah, il me fait voler par Romano. Tu es une victime. Alors que je peux t'en offrir, quoi. Je le sais. Mais non, mais en plus, je t'en veux. Non, c'est vrai que ça fait longtemps. T'es vraiment une grosse pute, vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-lui, t'es non, ça fait longtemps. Je dirais plus la connasse. La pauvre, elle se fait voler tous les soirs et en plus, elle se fait traiter. Mais c'est pas tous les soirs, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est plusieurs fois par soir. Donc, si vous avez des voleurs ou si vous avez volé, tiens, dites-nous, confiez-vous à nous, confessez-nous, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Non, mais moi, j'ai rien à confesser, hein, moi. Si, tu vas confesser. Ah non, mais toi, on va pas faire ta confession parce qu'on en a pour jusqu'à. Non, mais moi, je veux le demain. En fait, on va faire une émission non-stop jusqu'à le week-end prochain, hein. Non, mais moi, je veux des trucs parce que les produits que je vole, niveau marketing, c'est pas bon. C'est-à-dire que le packaging, il est mal fait. Non, mais oui, mais. Non, mais c'est quoi, par exemple, tu sais, les piles, ça se vend par 4. Oui. Si j'en ai besoin que d'une, ça casse les couilles d'en acheter 4, donc j'en vole une. Hein? Et tu t'es jamais fait choper dans un magasin? Non, jamais, car je suis tout petit. Ah, c'est jamais. Non, parce que je le fais avec un tel naturel que... comme on dit en Bourgogne, ah oui, on me donnerait le bon Dieu sans confession. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, confessez-vous. Attends, moi, non, mais je t'ai dit, non, mais évidemment, si t'es en panique, t'es trop facilement grillé. Ah, ouais, dites-nous ça, tout sur le 41-759 sur l'appli Skyrock si vous avez déjà volé. Ça fait du bien d'avouer ses péchés. Confiez-vous à Père Diffoul. Ah, moi, j'ai aucun remords. Hein. Ah, bah ça, je sais que t'as aucun remords. Non, mais je vole c'est pas... ça qui m'inquiète d'ailleurs. Non, mais tu vois, parce que je suis quelqu'un de bien. Ouais. Parce que tu sais, je vole pas les petits commerçants. Je vole que les grosses boîtes. D'accord. Ah ouais, toi, respect. T'es un super mec, on respecte. Ça, vraiment, c'est un peu Robin des Bois. Non, mais c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est Romano des Bois. Romano des Bois. Romano du Bois, ouais. Romano du Bois de Boulogne. Romano du Bois de Boulogne, ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour ta copine et pour toi, Fatih? Bah, qu'on l'aide à trouver un mensonge, quoi. Ah putain, on va essayer de trouver ça. On compte sur vous. Hein, ah vous non, mais moi, je pense qu'il faut. Là, je pense qu'il faut qu'elle dise excuse-moi, ouais, maman, j'ai déconné, tiens, 70 balles, qu'elle essaie de débrouiller 70 euros, ouais, qu'elle lui rende. Mais j'ai dit qu'elle dise la vérité, mais elle veut pas. Ah alors, ouais, parce qu'elle va être encore plus vénère. Donc, si vous avez des idées de gros mythos, n'hésitez pas. Ou si vous arrivez la même chose et que vous en êtes sorti, n'hésitez pas non plus. Et même si vous en êtes pas sorti, racontez-nous. Hein. Allez-y au 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous nous dites tout. Et puis, confessez-vous, hein. Je suis là pour recueillir vos péchés ce soir. Merci, on vous appelle comment, mon père? Mon père, je me confesse, mon père. Oui, appelez-moi Père Foutre. Wow, c'est ça. C'est joli, ça. Bon. Quelle bonne idée. Cherchez un nom, pas mal. Oui, demandez aux enfants de la paroisse. Ah non, dégueulasse. Pourquoi on me surnomme Père Foutre? Ouais, c'est, on se demande. Et oui, il y a personne à foutrer ce soir. Oh ouais, je veux bien, bonjour, bonjour, papa. Bonjour, papa. Papa, c'est Cédric. Ouais, non, ça va aller. C'est moi, Cédric, je rigole. Je fais une plaisanterie. Je t'avais reconnu. Ah ben, oh ouais, foutre-moi quand même. Non, non, sautez dessus, lui. Bon, allez-y. On devait préciser que les vols, ils commencent dès 6h du matin. Parce que Romano, il vole du café à l'appart. C'est vrai, Romano vole beaucoup, tu vas pouvoir d'ailleurs. Ah, moi je balance, dit Foul, il vole des bouteilles d'eau. Non, c'est pas vrai. Ah si, si. Non, non. Il se bat avec des bouteilles de flotte, parce que ça le fait chier d'en acheter. Non, c'est pas vrai, je bois de l'eau. Radin de première c'est catégorie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, ne croyez pas à tous ces mensonges. Les gens mentent. Ah, mais moi j'avoue, je vole du café, ouais. Menteur, kleptomane, voleur. Parce que les capsules, ça coûte trop cher, j'ai pas de boutique Nespresso vers chez moi. Il y a des gens, ils ont tous les défauts, c'est fou. Allez, Fatih, on bouge pas, tu restes avec nous, et puis on attend vos conseils pour Fatima, vos témoignages pour tout ça, et on en reparle dans un instant. Puis le clash arrive aussi tout de suite sur Skyrock. Radio Libre. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le morning de Diffoul sur Skyrock. Tu refais là. Tic-tac, tic, c'est l'horloge biologique qui s'emballe. Parents, au 71-777, quand aurez-vous un bébé? Très bientôt, pas tout de suite. Parents, P-A-R-E-N-T, au 71-777. Nos experts vous diront quand, vous diront combien. Un bébé? Votre enfant? Parents, au 71-777. 5 centimes plus prix du SMS DGP. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Diffoul. Eh oh. Tu m'entends de l'autre côté du poste? Eh, fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toute-une-armée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Concert Skyrock. Nouvelle tournée événement Skyrock. Skyrock. Maître Gims choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Dijon, Amnéville, Nantes, Marseille, Paris. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Toutes les infos sur les réseaux sociaux de Skyrock. Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers Mythique. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Diffoul, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Yeah. Travis Scott, Tucker, Tucker, baby. I just went got my door. Pull it off and I'm gone. Then I go up before. Then I roll up, then roll up. Then I'm calling your whore. Like, pick up the phone, baby. Like, I know you're home, baby. It's lit. I'm in the zone, baby. Straight up. I just put up a phone, baby. Yeah, yeah. Never will I cheat on you. Never will I commit treason. Blowing a bag on you. Pull up in my tongue, hit in the block and I'm leading. Throwing that rolling on you. I like the way it be freezing. Pick up the phone, baby. I know you're home, baby. It's lit, I'm in the zone, baby. Straight up. I just put up a fall, baby. Yeah, yeah. Pop a quarter, that it be. Lean like my motherfucking granny. Super Bowl ring, we be bout to be. I stacked it up, now I'm just better living. Got screws in my mouth, I'm just prepping it. I'm fucking this cash, I'm a celibate. It out like a reverend. I need all this cash, I got hella keys. I'ma play diamond, get left in the middle. Yeah, yeah. Back the fuck up, you too little. Wow. Hit him with three like a miller. Yeah, yeah. I don't talk to no man in the middle. I don't talk to no man, I'm just kidding. But I did pay my sister tuition. Woo. I feel lucky, I should play the lottery. Yeah. Walking out with it like sun and listen. Woo. Mama told me I'm her brightest star. Yeah. Mama told me don't hate on the law. Because everybody got a job. What? Because everybody won't be a star. Real shit. Real shit. Please believe every motherfucker around here won't be a boss. She gon' do anything in her power to be with your boss. Pick up the phone, baby. In the block and I'm bleeding, throwing that rollie on you. I like the way you be breathing. Tu vois, entre E.T. et toi, bah, moi je baise E.T. Oh le bâtard. Bon courage à E.T. Romano. T'allais au marché. Oui, j'étais au marché. Avec toi et ton petit caddie à roulette. Non, c'est ma meuf, on a un petit panier. Cédric. Je viens avec mes différents slips et puis je vais me trémousser devant vous en fait ce soir. Marie. T'aimes bien genre levrette en tirant les cheveux, en faisant ce genre de choses? Ouais. Samy. Ah mais t'as sucé un peu. Et Karim. Bah foutu la honte qu'une fois, Cédric Sy. Diffoul Radio Libre. 21h. Tous les soirs sur Skyrock. Ouais, merci à vous d'être là tous les soirs. 21h minuit, on déchire tout. Et pour tout déchirer, il faut nous appeler. On a besoin de vous au 01 53 40 30 20. Ouais. À n'importe quel moment, on peut réagir à l'émission. Bah, déjà pour donner des conseils. Merci, les voleurs, d'avouer vos péchés. Tu vois, ta copine Fatima, c'est pas la seule à avoir tiré des trucs. Elle a volé la carte bleue de sa mère pour piquer 70 euros. Oui, simplement, première erreur, elle a oublié de remettre leur carte. Exactement, comme tu l'as si bien dit, Romano, vous l'avez bien entendu. Elle a oublié de remettre la carte bleue dans où elle l'avait volée. C'est bah quoi, oui, bah ça c'est, ouais. Tu lui as dit qu'elle était conne, ta copine Fatima? Oui, je lui ai dit. Ah bah oui, oui, parce que sinon on pouvait lui dire, tu nous donnais son numéro. Oui, on aurait pu l'appeler, c'est vrai, pour lui expliquer. Non, mais c'est comme voler un truc avec une caméra de surveillance juste au-dessus, quoi. Ah ouais, ça. Et faire coucou. Oui. Bah oui, il y en a plein qui nous ont dit ça. Mais comment elle a fait pour oublier de remettre la carte bleue? Et donc on vous a demandé si vous étiez voleur, si vous aviez volé de la famille, vos parents, vos amis, vos témoignages Fatima. En direct et des idées aussi pour Fatima d'ailleurs. Est-ce que t'as des, est-ce que ta pote, elle a des frères et sœurs? Oui, mais ils sont pas chez elle, je pense. Ah merde, parce que si elle a un petit frère, elle fait accuser le petit frère, ouais, c'est ça. En fait, ouais. Romano a essayé, mais elle n'est pas de frère. Donc faut trouver un gros mensonge. Un gros mensonge. On va faire un gros mensonge. Bah, qu'elle dise que c'est une voleuse, tout simplement. Ouais. Mais c'est pas un mensonge. Non, mais qu'elle dise compliqué. La vérité, gros. Ah non, mais ça veut pas. Mais non, elle veut un gros mensonge. Sa mère, je crois, ça va pas. Ah oui. D'accord. Hein. T'as rien compris, Karim. Je pense que même si elle ment, sa mère, elle va pas être d'accord. Non, mais de toute façon, elle va se faire déchirer à un moment ou à un autre. Dans tous les cas, ouais. Vous pensez? Bah, il y en a qui ont pris des pains, qui sont fait défoncer parce qu'ils sont fait choper par les parents en train de voler des billets de 100 € dans le 100 €. Ah ouais. Ton père, il se balade avec des billets de 100 €. Ça existe encore, ça? Bah oui. C'est lesquels qui existent plus? 500. Ah, c'est les 500, d'accord. Ah, il y en a un gros. Billets de 100 €, tu t'es fait choper, tu t'es fait défoncé annoncé par ton père. Bah écoute, je le comprends. C'est Nolan qui nous laisse un message sur SMS. Salut à toi, Nolan. Ah, il y a des solutions aussi qui arrivent. On a Anthony, tiens. Donc, comme je vous disais, à n'importe quel moment, vous pouvez filer un coup de main. Même pour des trucs complètement immoraux, hein, Fatima. C'est bien, toi, t'es une bonne amie. Et on va essayer d'aider malgré tout ta copine qui a volé ses parents. Non, mais puis c'est voler pas bien. Voler ses parents, c'est voler l'héritage. C'est odieux. Non, mais c'est ça ce que j'allais dire. Non, mais c'est voler. Sarah qui me dit tu ça. Voles tes parents, tu tapes dans ton héritage. Bah, Romano, t'as tapé 2 euros dans ton héritage. Sache-le quand tu volais ton père. Oh là là. Comme ça, dans la boîte à sous. Parce que Romano, il avait une boîte à sous. Non, c'était mon père qui en avait une. Une boîte à sous, il avait. Ouais, c'était une grosse bouteille, il mettait plein de sous dedans. Ça t'excitait, non? Ouais, c'est mais elle était dans leur chambre. Des fois, une fois, j'avais été volé dedans. Tu faisais une expédition dans la chambre et tu volais. Tu prenais une tenue de camouflage. C'est comme les militaires. Ah bah à ce moment-là, je me prenais pour Rocky. Ah bah Rambo même. Avec le maquillage sur la gueule. Romano, c'était Rocky Rambo. Tu devais être trop sexy. Avec ah ouais, bah je rampais et tout. Bon, on a au téléphone avec nous. Je passais sous les meubles pour t'aider, Anthony de Strasbourg. Salut, Anthony. Salut. Salut Anthony. T'as 24 ans, t'es Coucou. À Strasbourg. Bonjour Strasbourg, merci d'écouter Skyrock, c'est ouais. cool. Et donc Anthony, t'avais une petite idée pour filer un coup de main à Fatima, c'est ça? Ouais, vite fait en fait. C'est en fait, elle devrait faire un complot. Elle devrait dire qu'elle a c'est piqué les Illuminati. Les 70 euros. Et, non, ouais. C'est ça. Non, elle devrait dire qu'elle a piqué les 70 euros, tu sais, pour qu'elle puisse acheter un jeu à sa copine, tu vois. Et tu crois que ça a marché, ça? Bah, peut-être, tu sais. Et après, elle est convaincante, elle fait mentir, ça va, tu sais. Ah, ouais, bah, je suis pas sûr que ça puisse marcher, hein. Romano, toi, t'aurais dit à ton père, quand t'as volé les 2 euros. Non, mais moi, euros, j'ai rien dit du tout, moi. Mais t'aurais dit, je t'ai volé 2 euros pour donner à une copine, comment il aurait réagi? T'aurais je pense qu'il m'aurait dit, je m'en branle. Voilà. Ouais, t'aurais doublement baffé, gros. Mais bon, on peut tenter le coup, non, hein. Peut-être pas doublement, mais il m'aurait dit, ouais, je m'en fous, c'est pas une raison pour me voler, quoi. Ah, moi, il m'aurait doublement baffé, il m'aurait dit, en plus, c'est pas pour toi, ce douba, tu vois. C'est douba. J'aurais préféré que tu voles pour moi que pour quelqu'un d'autre. Ah. Tu sais, les 70 euros, en plus, c'est le prix d'un jeu au Micromania. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, elle c'est peut vrai. Dire Noël, c'est bientôt. Ou c'était l'anniversaire voilà, d'un pote, ouais. Ouais, voilà. J'avais et, rien. Ouais, j'avais rien et je vais te les rendre, maman. Tout et ça là, en pleurant, bien et sûr. Et là, elle se met à pleurer. Qu'est-ce que t'en penses, Fatima? Ouais, je sais pas. C'est pas gagné. Mais merci quand même, Anthony. Oui, c'est gentil, Anthony. Mais... de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de solution miracle. Hein. Ah, non. Ça, ouais. Non, mais tout ce que. Non, c'est la vérité. Ben, c'est ce que dit tout le monde. Il y a plein de messages qui disent la même chose. Ben ouais, ça non, mais en plus, dis-lui la vérité, vérité avouée, à moitié pardonnée pour l'inconnu. Mais dans tous les cas, de toute façon, elle se fera niquer. Parce que même si elle dit, j'ai rien fait, machin, c'est pas comme si c'était du cash. Là, il y a une trace quand elle va recevoir le relevé. Comme dans mon slip. Oui, c'est pas. Peut-être pas tout à fait pareil. Bon, là, les marrons. Ah, Cédric, ça va? Il y aura la date de l'opération. Forcément, la mère, elle va regarder. Même si elle ne regarde jamais, ce mois-là, elle va le regarder sur relevé bancaire. Cherokee, elle est grillée, sa copine, sa mère, elle est dû voir son compte. Mieux vaut qu'elle dise la vérité. Et le pseudo juste en dessous dit encore vérité avouée à moitié pardonnée. Ça c'était c'est la phrase de la soirée. Pige également qui dit la même chose et qu'elle dise la vérité vérité avouée à moitié pardonnée. Ouais, il y avait un message aussi qui disait genre elle se fait racketter mais. Non mais oui non mais là, non, non, là mais tu non, rentres non, dans non, des trucs. Faire des histoires. Ah ouais laisse tomber. Oui maman je me fais racketter. Ouais. Je suis désolé j'étais ah, c'est horrible ça. La Salimette elle est plus radicale. Qu'est-ce qu'elle a Salimette? Autant dire la vérité se faire niquer une bonne fois pour toutes. Non mais c'est vrai. Ah oui. Non mais ouais c'est que tu vas passer un mauvais moment, mais bon. Ouais. Dites-nous si vous avez volé des trucs, vous aussi. Je vois plein de messages, là, sur le 41759, sur l'appli Skyrock. J'ai déjà refilé un faux billet pour m'acheter un kebab. Eh ben voilà, un faux billet pour un kebab. Oh, tu peux dire encore que tu savais pas que c'était un faux billet, hein. Moi, j'ai... Ah, fais gaffe, si le commerçant, il est con, il appelle les keufs, hein. Mmh. Ouais, bah, oui, ah ouais, bah ouais. T'as pas le droit de parce que ouais, quand tu donnes à un commerçant, logiquement, il garde le billet, plus il appelle les keufs. Ouais, exactement. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Ouais, non, mais oui. Linoléum, j'ai déjà volé le scooter d'un petit chauve devant Skyrock. Ah, ouais, c'est vrai, il y a un petit chauve qui s'était volé un scooter, ouais. Qui a pleuré pendant longtemps. Je suis une vraie kleptomane pour poison du 28. Moi, j'ai déjà volé la tablette de mon copain. Mais ça, c'est pas cool, Alban. Faut pas voler les potes. Bah ouais. Marie s'est fait voler sa virginité très tôt. Ouais, c'est possible. Mais c'était pas par Romano, hein. C'est B-Boy qui nous laisse le message, là. Moi, je vole des ampoules au travail. Comme ça, je les ai chez moi et c'est moins cher. Ouais, pas cher. C'est bien, ça. Hugo. Bah, Hugo, il pas cher. Il y a de la lumière partout chez lui. Non, mais moi, tu sais qu'il y a un mec qui l'a fait il y a pas longtemps, là, dans l'ascenseur de mon parking. Il a volé l'ampoule. Non, il y en avait 3, tu sais, dans le plafond. Le mec, il a démonté, tu sais, les trucs encastrés. Ouais. Il a démonté. Tu sais, je rentre dans l'ascenseur, je vois les fils qui pendent. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait un mot du gardien. Qui disait, ouais, j'en remercie l'imbécile qui a volé les ampoules. Bah, pas cher, dis donc, les ampoules. Moi, je vole des stylos, bah, ah ouais, ça, 08. J'en ai volé trop, moi. Moi, Danny 08, ouais, tu un grand professionnel, les stylos, moi. Ça aussi. Arrive. Ah, puis il y a les briquets aussi, vous êtes très. Un professionnel aussi. Ah, ah ouais, moi aussi, les briquets, j'adore. Bah. Les briquets, je ne les vole pas. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'ils sont dans ma main, fait voler. Ils arrivent dans ma poche. Non, ouais. Mais tu sais, ouais, mais ça, c'est vrai. Diffoul, ça, c'est automatique. Par exemple, je vais dire, prête-moi ton briquet, je vais allumer ma cigarette et automatiquement, je vais le mettre dans ma poche. Moi aussi, c'est pareil. Ouais, mais ça, moi, c'est... pareil, ouais. Tu vois, nous aussi, on est un peu klepto. Il y en a plein comme mais vous. Pas, ouais. Mais pas trop, quand même. Merci, Anto, en tout cas, pour le conseil, Anthony de Strasbourg. Et après, Marie, elle est là, elle nous demande, vous avez pas vu vos briquets? Non, non, moi, je fais gaffe à du feu, les gars. Parce que là, j'en suis à mon troisième de la soirée. Beaucoup, Marie. T'as déjà volé des trucs, toi, Anthony? Non, écoute, à part au boulot, pas grand chose, quoi. T'as volé quoi au boulot? Ah, n'importe, caisse à outils. Des caisses à outils, caisses à outils, ça coûte cher, ça, en plus. Ouais. En plus. Je me retourne vers monsieur bricolage. Au moins que ça arrive le coup, hein. Mister Brico, combien ça coûte une caisse à outils? Bah, ça dépend, la caisse à ça outils. Ça dépend, complète ou pas, ouais. Ouais, ça dépend était... les prix, hein. Elle était pleine ou pas? Bah, je suis pleine. À demi, quoi. J'ai pas acheté grand chose, quoi, pour la compléter. Ouais, non, ah, ça vaut du pognon, ouais. Hein, ça vaut bien, je sais pas, ouais, 400 euros. Ah ouais, mais une caisse à outils, ça coûte cher. Ouais. Anglaise, ah, mais y a des... ça, tu vois, les outils, si c'est de la bonne marque, ça coûte cher. Ouais. Est-ce que tu as des clés à pipe, ça. Sinon je peux t'aider? Ah, il y avait, ça s'appelait, il y a une Marie dedans. Il y a une Marie dedans. Je sais pas. La Marie, c'est la clé à pipe. 400 ouais, euros, ça? Ah ouais, ouais. Ah bah ça, tu vois, j'achèterai jamais ça. Ça sert à rien. Bah, si, ça te sert parce que, tu sais, s'il y a un outil, tu dis. Je préfère m'acheter des pompes pour 400 euros, t'achètes 4 paires de pompes. Non, mais d'accord, mais il n'y a rien à voir. Non, à ce moment-là, tu peux dire aussi, je m'achète pas à manger, je m'achète des chaussures. Non, mais Diffoul, il saurait pas. Tu vas pas les bouffer avec les outils. Tu vas, bah, oui. Tu vas pas les bouffer. Mais que j'en ferais quoi des outils, moi? Je sais pas, si t'as des trucs à bricoler. Non, mais il saurait pas quelle clé va avec quoi, tu sais, il va galérer, Diffoul. Tu lui donnes une caisse à outils. Ouais, mais je sais qu'il a les mains pourries, oui. C'est pas les mains pourries. Sa réputation n'est plus à faire. Non, c'est pas les mains pourries, ça ne m'intéresse pas. Non, mais t'as les mains pourries. Mais non, j'ai pas les mains pourries. Ah, elles sont jolies, mes mains. Non, mais c'est même pas des fois. Il y a des trucs, ça m'intéresse pas forcément, mais. Ah, mais toi, t'as une galère chez toi avec un robinet. Plutôt que d'appeler un mec qui va te prendre 200 balles, je préfère le faire moi-même. Moi, j'appelle un pote, moi. Oui. Ouais. C'est vrai. Mais moi, je le fais moi-même avec mes petites mains. Très bien. Comme ça, ça évite de payer à boire à son pote. Ouais, ça, voilà, ça de l'appeler, d'attendre. De le faire chier, surtout. Non, et puis c'est vrai, t'as raison, Diffoul. Au mieux acheter des chaussures qu'une caisse à outils. Qu'est-ce que tu ferais avec une caisse à outils à tes beaux pieds? Très bon message. Mais de bon, Alan. Après, tu vas pas aller dévisser une Alan. Vis avec tes chaussures. Non, hein, ça, si, c'est tu clair. Peux essayer. il est capable, hein, d'essayer. J'essaierai, peut-être que ça va marcher, on sait ouais, jamais. Ouais, bah vas-y, ouais. Bon, merci, Anto, pour le message. Tu salues tous Strasbourg pour nous. On te fait une bise. Salut, Anthony. Ciao. Salut. Bon, Fatima, essaye de conseiller à ta copine de dire la vérité. Alors après, pourquoi elle aurait volé 70 euros? Faut trouver un argument à la con quand même. Non, mais sinon, il y a plein qui disaient. Elle vient de me dire que sa mère, elle lui avait donné de base sa carte. C'est sa mère qui lui avait donné, elle, qui l'avait pas rangée? Ouais. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Bon, bah, alors, bah, voilà. Problème réglé. Voilà. Bah, on a bien fait de se faire chier depuis un quart d'heure là-dessus. Ouais, c'est ça. Ça tombe bien, parce qu'en plus, on trouvait pas, donc. Depuis un quart d'heure, on cherchait des idées, bah, du coup, on en a plus besoin. C'est réglé. Voilà. Bah, écoute, c'est super. Voilà. Il reste plus qu'à souhaiter que la mère aille pas faire un tour sur son compte. Pour éviter de Brésil de la choper. Ah, bah, voilà. Là, bon, en même temps, si la mère, elle donne la carte, elle se doute bien qu'elle va pas la regarder. Elle va s'en servir. Bon, Aliane qui avoue, moi, je volais 1 euro à ma mère régulièrement quand j'étais petit. Moi, j'avais volé 120 euros à mon grand-père. Waouh, ça c'est dégueulasse. Ouais, il a accusé. Voler à des vieux, c'est pas bien. Ouais, il accusait mon oncle, moi, c'est bon. Ah ouais. Il croyait que c'était mon oncle. Tu faisais accuser quelqu'un de la famille. C'est dommage, Fatima, qu'elle ait pas de petit frère ou de petite sœur. Ah, celui-là, ouais, tu faisais accuser l'autre. Il laisse dire, tu sais. Ah, pas, ouais, dommage. On t'embrasse, Fatima, on t'envoie le t-shirt Skyrock, il faut pas le voler, on te l'envoie à la maison, c'est parti, direction Paris. Moi aussi, je carotte des briquets pour. Ah bah ça, il y en a plein. Ouais, mais ça, c'est du vol mignon, quoi. Salut Eldo. Bah oui, c'est mignon. Sauf quand on te pique ton dernier briquet, t'as envie de tuer le mec qui t'a piqué. Moi, j'ai souvent des envies de meurtre sur Romano, heureusement que je t'aime bien. Ouais, c'est quand tu rentres chez toi, tu t'aperçois que t'en as plus. Eh ouais. Il faut l'avouer. J'ai déjà foutu la rage à Diffoul, il m'envoie. Il dit ouais, j'ai plus de briquet, je lui ai envoyé la photo. Ça fait bah, je fais bah, il est là. Oui, c'est vrai, ouais. Mais moi, tu sais, j'ai tout le temps maintenant, j'ai tout le temps une boîte d'allumettes chez moi. Ouais, ça peut servir. En cas de secours. C'est vrai. Momo du 13-200, 18 ans. Moi, je volais 100 euros à ma sœur qui m'avait volé 100 euros. Alors, j'ai pris sa carte, je les ai récupérés. Et elle a pleuré après, mort de rire. C'est bien dans la famille. Ah bah, bon, t'as eu raison. Super. Elle te vole, tu récupères. Tu vas me dire, t'as pas volé, tu t'es remboursé au final. Faut jamais voler tes parents. Ils t'ont élevé depuis ta naissance. C'est dégueulasse de faire ça. Mon Dieu, nous dit Zarzad de Cerbourg. Pas piquement foqué. Il est foqué. Salope ta copine de faire ça à sa mère. Ça se fait pas. Message de Imran. Il y en a eu plein des messages comme ça. Hein. Plein. Bon, on aura peut-être d'autres voleurs là d'ici minuit. Restez bien dans le coin. Restez bien avec nous sur Sky. Je vais claquer le cul. On fait le clash. Allez, ouais, on va clasher. Et juste avant de clasher, il y a David qui voulait nous parler d'un truc qui va te rappeler peut-être des souvenirs d'enfance. Romano, David en direct du 49. Salut David. Salut les filles. Salut les filles. Salut les filles. Ouh. Bon. Comment? Coucou les boys and girls. Ah, il m'aurait bien semblé entendre Mathieu Delormeau. Bonjour les vermines. Salut les vermines. bonjour vermines. Lui, il est complètement amoché, lui. Hein. C'est dingue, hein. C'est un ouf, ouais. Mais c'est vrai que les trois, ils sont marrants, hein. Salut les filles. Coucou les boys and girls. Et. Vermine. Un trio de choc, quoi. Eh, Cédric. Putain. Pourquoi tu montrais pas un boys band avec eux? Un boys band, ouais. Mais ouais. Un boys band. Prends ton gars. Non, mais sérieux. Mathieu Delormeau, Jérém Star, Cédric Le Belge. Ouais, non, mais c'est... Non, mais sérieux, Cédric, il y a un truc à faire. Ah, ouais, non, mais c'est vrai. Dans le mur, toi. Il y a de la thune à faire. Tu vas finir. Avec ça, tu peux finir au Energy Music Awards. Ah ouais. Et ça, c'est le couronnement de ta carrière. Ah ouais. Après, tu fais les victoires de la musique. Et là, c'est la folie, là. Et après, tu fais la tournée nostalgie de l'été. Ah ouais. Et là. Tendre les jambes de bois là. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Vous faites un morceau, vous l'appelez Kikou les Boys and Girls. Kikou les Boys and Girls. Kikou les Boys and Girls. Vous faites ça, le clip dans la baignoire de Jérém Star. Bah, mais ouais, ça c'est bon ça dans la baignoire. Hein. Bonjour vermine. Moi je vous vois bien les trois en shorty, tu sais, en train de vous jeter de l'eau. Comme ouais, c'est vrai. Avec la mousse. Vous jetez de la mousse. Avec la mousse. Oh ouais, jette-moi de la mousse. Ah ouais. Ah ouais, musse-moi. Ouais, vas-y, musse-moi, insulte-moi, Jérémy. Ah ouais. Vas-y, arrête, bande. Ta salope. Ah ouais. Ça va pas, non? Non, mais Cédric. Et à la fin, tu danses et tu fais. Ah ouais. Eh, c'est pas bon, ça? Joli. Ah non, ça va. Cédric, si, il faut lancer un truc. Ah ouais, tu devrais, gros. Moi, je suis prêt à mettre des ronds. Moi aussi, j'investis avec toi. Par contre, je suis pas sûr que ça passe sur Skyrock. Mais on sera de tout cœur avec toi, hein, Cédric. Hein. Non, parce qu'on essaie de garder une certaine quality dans le sound. Mais ça va aller. La quality du sound est importante. Ouais, hein, c'est clair. Kikou les boys and girls, salut les vermines, salut les filles. Ça pas mal, du coup, ça. Tu le fais très bien, je trouve, moi. Bah écoute, je suis un de tes premiers fans, Cédric. Hein. Je te conseille ce boys band, magnifique. C'est vrai, un boys band. Trois beaux gosses. Si je t'ai dit, Cédric, fais-moi confiance. Le prince du hip-hop, je te lance. Quoi, j'ai vu la que t'as fait, mon pote, ça va aller. Bah ça va, hein. Ça va, ça va. Hein. Qui peut se targuer d'avoir chanté avec Eminem, Jay-Z, 50 Cent, Snoop. C'est vrai. Là, je l'ai mis un peu en stand-by, tu vois, parce que je crée le manque auprès des fans. Ah, non, mais t'as raison, c'est bien ça. T'as vendu combien d'albums depuis le dernier? Là, j'ai un peu arrêté les albums. Ça se fait plus maintenant, c'est du streaming, mec. Ah, d'accord, ok. Tu viens un peu dans le passé, man. C'est terminé, mec. Ouais, ça stream. Nous, on stream à fond la caisse. Ouais, je suis sur le streaming, mec. Y'a pas de Ricristo qui dit putain, ce serait plutôt un boys des bandes. Un boys qui fait déborder tout le monde. Oui. Bon alors David, explique-nous pourquoi tu nous appelles et juste après on fait le clash puisque vous l'attendez avec impatience ce clash de la drague avant le retour de Cédric en direct lundi soir dans la radio libre pour une grande soirée spéciale, on loupera pas le rendez-vous. Moi, oui. J'espère. Alors, t'imagines alors, tu reviens, il n'y a plus personne. Ouais. Ouais. Romano fait une blague, chiasse, hein. Moi j'ai pas envie de venir. Marie est en train de décuver dans un bar. Samy est désespéré parce que l'OM aura encore perdu un match. Ah mais ça classique, oui. Et Karim ne comprend pas pourquoi le PSG va encore perdre un match ce week-end. On va gagner, gros. Alors David, dis-nous. Alors moi en fait je travaille dans une boîte là. Travaille dans une boîte, j'espère qu'elle n'est pas trop petite. Et que t'es pas enfermé, et que tu n'es pas claustrophobe non plus. Ouais. Non mais. La punchline sur punchline. Elle est pas mal celle-là, elle était pas mal. Déchaînée ce soir. Donc tu travailles dans une boîte. Ouais. Une boîte à caca. Et bon, Allah. Non. J'adore. Le caca c'est bon. Tu travailles, pour résumer. Tu travailles dans une entreprise, David. Ouais. Je bosse dans une exploitation agricole, si tu veux. Oui, une exploitation agricole, je traduis parce qu'il y a des trous. Commerce, ouais. Ah, t'es fermier, commerce. Quoi. Non, commerce de bêtes. Ah, tu vends des bêtes. Ah, tu veux vendre ça, Cédric. Ouais, tu veux me l'acheter, pour en faire, du pâté. Un charolais, quoi. T'en feras du boudin. Je vais pas vous l'acheter cher. Pas mal, ça, dis donc. Ah ouais. Et t'achètes au kilo? Non, c'est pas rare, c'est bon. On va se faire une thune avec lui. Lui, il vend les bêtes directement. Ouais, mais c'est vrai, je suis pas sûr qu'il vaille grand chose, quoi. Mais bien sûr non, que non, si. Non, il veut pas en faire, non. Bah, attends, si tu vends un poids. Non, mais t'en fais des abats ou des rognons. C'est une race. C'est une race rare. Ah, mais c'est une race rare, hein. C'est une race, quoi. C'est un rare. Ça va aller, là, on va se calmer, là, les gars. Voilà, nique ta race. Nique ta race, voilà. Je vais te montrer la race. Moi, du coup, je travaille dans mon entreprise depuis 2 ans, là, si tu veux. Je suis payé 1500 euros, tu vois. Ouais. Et du coup, là, il y a un concurrent, mon patron, qui est venu. Et il propose le double, tu vois. Ah bah vas-y. Ah bah vas-y, direct. Vas-y, sauf si t'es attaché à ta boîte, après ça dépend. Sauf que je suis pas sûr, tu vois, je suis en CDI là. Et là-bas, je vais faire une. Merde, une. Période d'essai. Une période d'essai, ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est partout, c'est illégal. Après, je suis pas sûr de rester là-bas. Ah bah ça, tu t'es jamais sûr, ouais, le jour où tu changes de taf. Ah ouais, ça ouais. Après, tu prends un risque. C'est parce que tu quittes, ouais. Oui, oui. Tu sais ce que tu quittes plutôt, mais tu sais pas où tu vas. Le pré est toujours plus vert. Non, le pré d'à côté. Le pré d'à côté est toujours plus vert. Oui, il y a des vaches dans l'herbe est toujours plus vert dans le pré d'à côté. Voilà, c'est ça. C'est ça la phrase que tu cherchais, Romano. Expression. Après, ça dépend si le patron est sympa, si t'es attaché à sa boîte, si tu vois, s'il y a des liens avec lui. Ça n'a pas de prix. Ça compte aussi, ouais. Tu sais au moins que le mec il va pas te virer comme un chien. Après, si ton patron aujourd'hui, tu t'en fous. Mais dans ces cas-là, tu peux lui dire qu'on essaie de te débaucher. Ouais, tu le fais s'aligner. Ouais, le double. Ouais, tu dis qu'il te propose un. En général, c'est quand il te paye 1 500 €, c'est qu'il peut pas te filer plus. Hein. Ouais. Ou alors c'est un gros rad. Hein. Tu vas me dire, Romano aura une entreprise. Ouais, un plus, tu les payerais combien tes employés. Bah, déjà, je prendrais beaucoup de stagiaires. Des stagiaires gratuits. Des stagiaires. C'est combien gratuit 3 mois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, bah tous les 3 mois, il y aura un nouveau personnel. Donc tu prendrais un stagiaire, tu foutrais dehors. 3 mois, ça. Tu serais directeur d'une radio, t'aurais une grille de programme qui changerait tous les 3 mois. Bah c'est la loi, hein. Faut bien la respecter. Il y aurait que des stagiaires au micro. Ça coûte pas cher. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc c'est à toi de choisir, David. C'est toi qui sens mieux le truc. Est-ce que tu sens bien le nouveau patron? Mais après la période d'essai, ça, que t'ailles dans n'importe quelle boîte, t'auras une période d'essai. Ouais, c'est toujours ça, pareil, partout, hein. Mais de toute façon, c'est obligatoire. Ouais, bah oui, non mais putain, c'est chaud pour moi. Enfin, je sais pas. Puis après, tu vois, c'est le risque. Empêché d'enculer mon patron, quoi. Bah écoute, ah mais non, je l'encule pas. C'est pas la non mais après chose. Tu peux lui en parler aussi. Mais voilà, oui. Tu peux lui dire voilà, on m'a proposé ça. C'est ce que je ferais. Ouais, comme ça t'es honnête avec ton patron, tu lui dis tout. Si voilà. T'es bien avec ton patron, vois avec lui, peut-être qu'il peut te proposer des trucs. Nous dit Cabruce, merci Cabruce pour ton message. Pour le patron, c'est jamais le bon moment de demander une augmentation. Ça c'est vrai, ça. Vous avez remarqué aussi. Hein. Ouais. Faut faire jouer la concurrence. N'hésite pas. Vas-y, tiens, tu vois, on te dit exactement la même chose. Parle-en à ton patron, comme ça t'auras pas de remords. Tu verras bien comment il réagit. S'il est attaché à toi, il essaiera peut-être de faire un petit quelque chose. Peut-être pas doubler ton salaire, mais te rajouter 200-300 € par mois. Il te montrera qu'il fait un effort. Ouais, c'est vrai. Qu'il veut te garder, ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Il n'y a pas que le salaire. Ouais, il faut regarder les conditions de travail, nous dit Madre Alva. Et les perspectives d'évolution aussi. Moi, je veux pas te foutre en bad, mais jamais le mec, il te filera 300 € en plus comme ça, parce que tu lui dis, ouais, j'ai le concurrent en face. Bah, tu sais pas. Bah, non, mais 300 €, 300 balles, c'est beaucoup, Marie. Non, mais 300 sur 1 500 €. Si vraiment il veut te garder. C'est aussi. Quoi, c'est 20% du salaire. Après, il te propose le double. Donc, c'est vrai que si l'autre te propose 3 000 € et que tu gagnes 1 500 €. Non, mais jamais le mec, il te. Test, hein. Moi je vois pas le patron, c'est juste à maintenant le mec qui t'a payé 1 500 balles, t'as augmenté de 20% juste parce que t'as une proposition d'en face, quoi. Ouais, mais si c'est grâce à toi que tu vends toutes ces vaches, tu vois. Ouais, ouais, que c'est un bon élément aussi, que tu vois. Et si tu dis que tu as rencontré quelqu'un que tu peux mettre dans ta truc de bestiaux là. Une nouvelle bête. Ouais, mais tu nous disais qu'il y avait rien à en tirer de Cédric, alors bon. Hey, combien... ça coûte combien une vache, David? Une vache, ouais. Alors ça dépend, ça à tous les prix, tu vois, t'as les vaches maigres, ça veut, enfin les vaches, ça dépend des races, quoi. Ouais. Ça peut aller de 700 à 800 € à 4000, ah ouais, 4000 les meilleurs. Ah ouais, putain, 4000 balles. Cédric, on en demande moins, ouais. T'inquiète. Hein. Donne-nous 100 balles, en tout cas. 700 € les moins bonnes et 4000 € les ah non, elle est pas bonne. Bêtes, quoi. Vous feriez quoi, ouais. Vous dites-nous, tiens, si vous étiez confronté à ça, on vous propose le double de votre salaire, est-ce que vous changez de boîte? J'imagine que vous allez tous répondre oui, non? Ouais. Ouais, mais pas forcément. Après, il faut réfléchir. Eh bien, pas forcément. Ça dépend des conditions, on va dire. Bon, dites-moi, ouais, exact. Si vous avez connu ça, si vos parents ont connu ça, si vous connaissez ça dans votre boîte aussi, si on a essayé de vous débaucher, faites-nous signe. C'est au 41-759 sur l'appli Skyrock et au 01-53-40-30-20. Quand on est bien quelque part, il faut pas essayer d'aller voir ailleurs. C'est le message de Prenne sur SMS. Non, mais c'est vrai que si tu peux gratter un peu plus d'oseille, ouais, c'est bon, le but aussi. Bon, bah écoute, tu lui en parles et puis tu vois. Hein. Ah ouais, moi je prends les 3 000 € sans problème. C'est noté. Nicolas qui nous laisse le message. Mais le mec d'en face, tu le connais bien? Bah c'est ça le truc, quoi. Je le connais pas beaucoup, quoi. Ah ouais. Je sais pas, même de réputation, tu sais, y a pas. Vu que si t'habites dans ça. C'est pas une grosse boîte, quoi. Ils sont une dizaine à travailler. Et ouais, non, je le connais pas beaucoup, quoi. Il est très connu au Pôle emploi, le gars. Le mec vire les gens tous les deux mois. Il les prend en période d'essai. Non, parce que des fois, tu sais, dans les coins, dans les petits coins, les boîtes de réputation, les gens ils connaissent. Ouais, ouais. Genre le patron, c'est un gros con, c'est un mec sympa. Ouais, ça parle, quoi. Ouais, renseigne-toi si t'as des mecs qui se font virer tous les deux mois de la boîte, c'est juste après leur période d'essai, n'y va pas. Parce qu'au final, tu vas y perdre. Tu te fais 3 000 € sur 2 mois, ça te fait 6 000 €. Si l'autre te garde pendant 1 an, tu te fais beaucoup plus avec ton ancien patron. Hein. Comme un coup. Voilà, faut bien réfléchir à tout ça. Bon, moi, je partirai directement dans la nouvelle boîte. 3 000 €, c'est 2 fois 1 500 €. Bien calculé, t'es meilleur que Marie en calcul mental. Ouais. Nathan qui nous envoie le message. Non, là. Mais c'est vrai que c'est tentant. Oui, ouais. C'est vrai, c'est tentant. Ouais. Tu sais, sur le papier, on dit, ouais, je te file le double. Forcément, tu réfléchis, quoi. Ouais, bon bah écoutez, nous on réfléchit. Réfléchir bien. Bah tiens-nous au courant en tout cas, la David. Bonne décision. Pour la suite. Une caresse aux vaches. Et une caresse aux bestiaux, ouais. Eh bien tiens, puisqu'on parle de bestiaux, voici notre clash de la drague. Petite caresse à Cédric aussi. Ah, c'est gentil, merci David. Petite caresse, merci, Cédric. Méthode du clash, Cédric, on y va dans un instant. Ouais, alors moi, la méthode de soir, c'est j'ai appris une bonne nouvelle, j'ai envie de faire la fête. Et ce soir, je vais faire la fête à la femme ou à l'homme de la famille. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la méthode? C'est con quoi, je viens d'apprendre une bonne nouvelle, je suis content, j'ai envie de faire la fête. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la nouvelle? C'est quoi la méthode? Ah, la bonne nouvelle, c'est que je reviens lundi à l'émission. Ah, tu vas donc dire que t'es Cédric le Belge. Ah non, je veux pas le dire. Bah alors. Ah, ça n'a ni queue ni tête, Cédric, alors. Ah, j'ai demandé à quelle émission, tu vas dire que tu fais quelle émission. Non, mais tu vas dire que tu travailles pour le Magmad. Magmad, comment ça s'appelle cette merde? Magmad. Magmag. Magmag. Déjà, voilà. C'est imprononçable, déjà. Ah, je trouverai un truc à dire, vas-y. T'inquiète. C'est imprononçable, il regarde. Donc, tu es animateur du Magmag avec Jérém Star. Non, avec Jérém Star. Et ils ont repris Mathieu Delormeau. Voilà, vous faites un trio. Coucou les boys and girls. Oui, c'est vrai. Bonjour, Vermine. Et donc c'est bien noté pour ta méthode, Cédric, c'est bien, il y a de l'idée. Ouais. Et toi, Romano, ta méthode? Bah moi, j'étais en train de faire du footing. Ah. V'là que je me suis foulé la bite. Et là maintenant, t'as envie de faire du footing. Ah ouais, c'est foulé la bite pour changer un peu après le footing, tu peux plus en faire. Comment tu veux pour te fouler la bite? Ah bah je me la suis coincée entre mes jambes, c'est tout un bordel. Et on m'a dit que la femme s'y connaissait en sgeg, donc je vais aller frapper à la petite porte. Ça, je pense que ça va lui faire plaisir, ça aussi. Bon bah deux bonnes méthodes. Bien Cédric, bien Romano, on teste ça tout de suite sur Sky juste après MHD. On vous a promis sur MHD. Il arrive à Kelenta. La saga des places de concert continue sur Skyrock. J'suis dans ma paranoïa. Après Maître Gims, Maître Gims. Et Soprano. C'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. Jul sur Skyrock. Jul. C'est Jul. En concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Et écoute Skyrock toute la journée. Et on voit roulette par SMS au 72020 pour gagner Jul en concert dans la ville de ton choix. J'suis fier de mon parcours, j'suis pas le brigandé. 200 places de concert Jul sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock, premier sur le rap de Jul. 65 centimes plus coût du SMS. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Avant toute chose, question basique, qu'est-ce que le service civique, Monsieur Blanc? Comment nous l'expliquer le plus simplement possible? Le service civique, c'est une mission qui peut durer entre 6 et 12 mois, qui est effectuée par un jeune volontaire qui a entre 16 et 25 ans. Cette mission, elle doit porter sur un projet d'intérêt général. Elle peut se dérouler dans une administration, un établissement public, une collectivité locale ou une association. Pendant cette mission, il touche une indemnité de 577 euros par mois et il a toute la couverture sociale. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. L'année n'est pas finie. Non, moment au 71777. Des conseils, des idées pour bien aborder l'avenir. Envoyez moment, M-O-M-E-N-T, au 71777 et nos astrologues sauront vous guider vers la sérénité. Le meilleur des futurs, des réponses à vos questions. Moment au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Hoche, écoute, hoche, la tête s'y accroche pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part. C'était écrit, c'est pas un hasard, un journal de l'astro. Sniper revient sur scène, sur scène, ils ont choisi Skyrock. Le 22 novembre, viens retrouver Sniper pour un concert unique. Sniper en concert avec Skyrock, 22 novembre, Zénith de Paris. Toutes les infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Eux sont les caïds d'une cité. Ouais, je suis cool, ambiance. Lui est un sans-abri. Un clochard, frère. Tous les opposent. Un jeu va les réunir. C'est marrant, votre jeu. Jouer. La pièce, les derniers seront les premiers. Avec Dawala, Dry, Black M, Thibaut Viel, Fabi Gerba et Tonio Life. Est-ce que t'en as une de pièces? La pièce, les derniers seront les premiers. La partie commence aujourd'hui au cinéma. Avec Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Et c'est reparti sur Skyrock Radio Libre avec MHD tout de suite à Kelenta. c'est la plus grande radio libre de France. Tous les soirs, Tifoul Radio Libre, Radio Libre en direct. Et écoutez cette voix, ça va vous dire quelque chose. Salut les amis. Salut les amis. Tiens, si vous l'avez reconnu, on file FIFA 17. Allez-y, FIFA 17 à choper. Hop, tu vois, t'arrives, il y a un cadeau. C'est offert par l'invité mystère. Ouais, allez, c'est toi qui paye. Ouais, c'est toi qui paye. Cramé, moi, quand je parle. Ouais, c'est pas qui allait payer en plus. Pas du tout. Allez, 41-759, appelez Skyrock. Et si vous avez une question à poser à notre invité mystère, vous laissez mon message juste après. MHD, très bien, MHD. À mort, bah on l'écoute, t'inquiète. C'est plus qu'un pote, c'est devenu un frère. Quand je marche avec lui, peu rien ne m'effraie. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la sienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir c'est ton jour, la noce fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. La noce fait démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi, c'est ta destinée, à quel endroit. Ce soir c'est ton jour, la noce fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Des souvenirs qu'on pourra se partager. Son de MHD, vous l'avez entendu juste sur l'intro de MHD, vous l'avez reconnu. Qui va gagner? Qui a trouvé le nom de l'invité mystère? Allez. Tout le monde. Oui, mais tout le monde, mais qui est le gagnant, Marie? Sais. C'est Hamza. Allez, on prend Hamza. Hamza, on met jingle. Tifoul, radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Ah, attention, Hamza, il est où, Hamza? Il est à Lyon. Il est à Lyon, en plus à Lyonnais, tiens, dis donc. Ah, les Olympiques se rencontrent ce soir, ça c'est sûr. Salut Hamza! Salut. Salut Hamza. Alors, il nous a dit bonjour et tu l'as reconnu tout de suite. T'as sauté sur ton téléphone, t'as envoyé un message et tu vas gagner FIFA 17 grâce à... Ouais, grâce à Soprano. Il est chaud le Sopra, il est chaud. Ah, salut Hamza, ça va bien? Salut tout le monde, gros dédicace à vous tous. Salut Soprano. On t'a toute la semaine avec nous dans Planète Rap entre 20h et 21h. C'est ça. Et là, tu es venu nous faire un petit coucou juste en sortant du studio de Skyrock. Ouais. On est sur Facebook Live. Bonjour Facebook Live. Salut les amis. Salut les amis. Regardez, il y a Soprano, il a mis un bonnet parce qu'il fait froid à Paris. Ouais, je suis pas habitué. Parce qu'il est chauve. Je suis pas habitué. Alors que je suis en feu normalement. Je suis chaud, mais là. Ah ouais, t'es en feu. Voilà, normalement je suis chaud, mais là, il fait un peu froid. Ah, mais il est pas chaud. Il est bizarre ce Soprano, t'as remarqué, Hamza. T'as un truc à demander à Sopra, profite. Hein. Ouais, c'est quand tu passes à Lyon. Ah, bientôt on est en concert. J'ai pas la date en tête, mais tu vas à l'OL Stadium. Je crois que j'ai passé pour voir parce que j'ai envie de voir. J'avais vu Gerland, j'étais un peu déçu. Là, on m'a dit que celui-là, il est magnifique. Ouais, il est pas mal. Ouais. Je vais aller le voir. Très bien, ouais, tu seras au Vélodrome l'année prochaine en concert. T'as pas prévu un petit concert au Parc des Princes? C'est pas prévu, ça ne sera pas prévu. C'est le jour où j'entends ça. Alors, en concert avec Skyrock, Soprano au Parc des Princes. Ouais, ça va s'il y a 50 000 Marseillais qui en direct de la Canudette. Le 22 mars à Lyon. C'est bon, on peut dire, ah, ici, c'est chez nous. Tu veux dire, mais me crée pas de problème, s'il te plaît, je ne veux pas de problème. Non, il y aura que le stade de Vélodrome à Marseille l'année prochaine, j'espère. Il dit ça avec un œil qui frise, le sourire sur les lèvres. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a, ils sont venus le 7, là, ils sont venus au stade parce que... Ah ouais, c'est vrai, il y a des gens qui... Mais en fait, ils n'ont pas... Ils croyaient que c'était cette année. Il y avait marqué 7 octobre, c'est vrai, ils ne se sont pas dit que c'était en 2017. C'est l'année prochaine, ça arrive, merde, il n'y a plus rien. Oh bah merde. Donc je m'excuse envers toutes ces personnes-là qui sont venues. Voilà, vraiment, je m'excuse. Voilà. C'est ça. Donc c'est dans un an et c'est à pas louper. Donc à Lyon, c'est en mars. Hein. C'est le 22 mars. Le 22 mars, Hamza. T'as bien noté? À l'Altony Garnier. C'est ça. Merci Romano. Je tiens l'agenda de Soprano. Ouais. Merci beaucoup. Je prends 10% par date sur cette tournée. Ouais, bah oui. Alors Soprano, t'es pas au courant de ça, Sopra? Non, mais j'apprends ça. Dates, c'est 10%. J'apprends ça. Voilà, je viens de l'apprendre. Voilà, des exclus tout le temps sur Sky. Tiens, on est passé en exclus d'ailleurs ton nouveau son qui s'appelle L'Everest, comme ton album. Yes. On l'a passé lundi matin dans le morning. Dès 6h, on s'est réveillé avec ça. Ouais, je sais, j'ai reçu plein de messages. Ouais, c'est l'équipe a dit folie, ils ont balancé le morceau. J'ai dit, dès 6h du matin, ça, on est arrivé, on a bien démarré la semaine avec toi. Ah ouais. Alors, tu es bizarre comme gars, je le disais, parce que ton album s'appelle L'Everest. Ouais. Et le titre, il s'appelle En feu. C'est pas cohérent. Mais justement, c'est un mélange de tout ça. Ça veut dire, tu vois, le feu, le froid. Voilà, c'est le mélange. Mes albums, mes morceaux sont totalement différents. Donc voilà, il y a tous les éléments. Merci. Oh, je pourrais faire ta com et tout. Ah, ça voilà. Y est, il y a tout le monde qui se greffe là. T'es pas dans la merde. Romano te prend 10%, Samy va te faire ta com. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi je voulais dire, tu vois, le Planet Rap de Soprano, il est parfait. Parce que tu as commencé, tu mets des sons. Parce qu'il est de Marseille. Non, mais c'est vrai, c'est vachement bien comme ça fait. Parce qu'on découvre l'album. Tu vois, il se fout de ta gueule, Hamza, Samy. Ouais, mais Hamza, non, mais c'est bon, délire. Non, mais c'est vrai, j'ai bien aimé lundi le son que tu as mis aussi à l'ancienne. Ouais, tu vois, tu mets un peu tout là aujourd'hui. En fait, lundi, on a fait un peu l'historique de Sopra. C'est ça. Moi aussi j'écoute Planet Rap tous les soirs, sauf non, mais c'est vachement bien fait, je trouve. C'est pour monter dans l'Everest. Donc il y a des gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me... Il y en a beaucoup qui me découvrent là, tu vois. Donc le fait de revenir en arrière, ça permet de remettre les repères. Ah, c'est vrai que c'est cool. Comprendre. Il y a même qu'il y a des gens qui comprennent certains morceaux parce qu'ils ne connaissaient pas. Il y a certaines phrases, il faut que tu écoutes 3-4 morceaux avant. Pour comprendre. Voilà, pour comprendre. Donc c'est cool. Parce qu'il a un accent bizarre, parfois on ne comprend pas. Hein. C'est ouais, c'est pas de Marseille, parfois il parle pas toi. C'est un problème. C'est un problème. Je suis un feu. Ah, il est quoi? Il est un feu? Un feu? C'est ça, le problème. Tu sais, la question qui revient le plus souvent depuis tout à l'heure, les psychiatres de la rime. Ah, regarde. Les psychiatres. Et les psychiatres, ils étaient là. On en a parlé, ils étaient là en plus. Hier. Ils étaient là, ouais. Ils étaient là hier. Hier ou avant-hier? Ouais, c'était hier. C'était hier, je suis décalé, les gars. Ouais, c'était hier. Non, c'est le seul qui se drogue pas, qui est complètement décalé. Ouais, c'est vrai. Tu sais, en fait, la promo, là, on est KO. Comme j'habite pas ici, quand je viens ici, on fait toutes les promos. Bah ouais. Donc, ça fait dès le matin, bra, bra, bra, bra. Donc, je suis un peu décalé. Mais donc, c'était hier qu'il y avait les psychiatres de la rime. Ouais, c'est vrai, ouais. Hier soir, il y avait Black M. Voilà, ouais. Ce soir il y avait Black M. Il y a qui sur ton album, tiens? L'album L'Everest, c'est après-demain. C'est après-demain. Après-demain. Voilà, il y a Marina Kaye, elle est sur L'Everest, le morceau qu'on vous a passé. Voilà, il y a Alonso, il y a mes frères, Mekuel. Voilà, on va passer ça demain. J'aime bien celui qui crie tout le temps du foule. Ouais, mais c'est Zach, Zach. Zach. Je croyais qu'il allait être à côté, qu'il allait arriver là. Il est pas arrivé. Salut Zach, c'est du foule. Voilà, il y a un morceau avec Mr. Jewel, et un morceau avec Mr. Black M. Mr. Black M, il y a du monde sur l'album, mais il y a surtout Soprano, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait cet album, tu nous as filé les sons exclus. C'est ça, et on n'oublie pas, et tu es là, et on te fait même chier à 22h36 alors que t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, Sopra. Je suis venu vous faire un bonjour quand même. Ben, c'est gentil. Ah, quand même, les mecs, tranquillou quand même. Regarde, je suis tout feu, tout flamme avec toi, en feu, tout feu, tout flamme, les. Oh, c'est joli. C'est Omer. Big up Sopra Farel. T'aurais pu nous amener un petit album, quoi. Big up Sopra Farel. Ben regarde, tu vas choper Fab, je crois qu'il les a mis dans un coffre, et il les garde pour lui, il les offre à cousin, cousine. Un cousin Romano, il en veut, hein. Bah ouais, le cousin Romano, il veut, ouais. J'ai bien le morceau que t'as passé ce soir, là, en fin d'émission. Ah, Attitude. Voilà, Attitude. C'est le morceau avec Black M. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un morceau ambiance, à mon avis. Tu as passé hier aussi, j'aime bien aussi. Rihanna, Roule. Ouais, Rihanna et Roule. Oui. C'était vraiment la soirée psychiatre. Le premier, c'est avec Alonso, c'est plus festif et tout ça. Et le deuxième, c'est Roule. C'est une grosse dédicace à nos amis communs. Oui. Voilà. Ben oui, moi j'ai écouté ça. Ben écoutez ça vous aussi, hein, tous les soirs dans Planète Rap. Parce que nous aussi on est auditeurs de Skyrock. Bah ouais, on écoute. Et ouais, vivement vendredi, nous dit le molle joie du 13. Vivement yes. vendredi. Est-ce qu'il y a des surprises en plus d'être au Vélodrome vendredi? Ah oui, il y a une grosse surprise, on nous dit. Il y a un footballeur? Non, il joue au foot des fois. Ouais. Ah, c'est pas un footballeur. Voilà. C'est pas un footballeur, mais il y aura un invité surprise. Est-ce que c'est un rappeur à l'ancienne qui t'a donné envie de faire du rap? Ah non, j'aurais aimé. J'aurais aimé que ce soit. Non. Est-ce que le... Ne me cassez pas, parce qu'à un moment donné, j'allais arriver ou non. Ne me cassez pas la surprise, s'il vous plaît. Le prince du hip-hop. C'est moi, voilà. Pour son premier concert dans un stade vide, Romano. Je les répète, quoi. Quand tu remets ta grosse veste et tout, qu'il avait là-dedans. Ah, sa veste en fourrure. Ah ouais, quand même. Ah, mais je l'ai encore, C'était quoi le morceau qu'il a donné? Gigoté, ouais. Ouais, c'est ça. Même Stoop l'a écouté, ça l'a fait rigoler. T'imagines? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Romano, même Snoop te connaît. Eh, t'imagines? Ouais. C'est fou ça. C'est une star. Hein. International. Mais chez vous, entre Emmerich qui carrément il se fait tweeter par Nicki Minaj, lui qui connaît par Snoop. Emmerich, c'est le roi des réseaux sociaux. Vous le retrouvez toutes les fins d'après-midi sur Skyrock et il se fait tweeter par Nicki Minaj. Ah ouais, c'est vrai. Ça va loin quand même. Bon, en tout cas, on attend avec impatience vendredi soir pour le Planète Rap. Demain soir pour encore ton Planète Rap, mais en direct des studios de Paris. Ouais. Yes. En direct de Paris, Soprano. Salut, voilà, demain soir on sera avec mes petits frères, on va parler un peu de tournée. Bah, on va super, parler super un peu de la tournée. Voilà. Eh ben écoute, merci à toi et demain soir on loupe pas le rendez-vous. Ah, merci d'être passé dans la radio libre. Il n'y a pas de ça. Problème, un petit coucou, un petit merci à tous les messages. Merci beaucoup. Oui. Ah, Hamza est toujours là. Qu'est-ce qu'il y a, Hamza? Ouais, si je peux passer une petite dédicace, s'il te plaît. Allez, vas-y, dédicace. Ouais, je fais une dédicace à mon collège perturbé et à mon frère qui écoute à côté qui m'a dit t'as fait 17, si t'as 14 de moyenne, et puis là je l'ai mis 1 et aussi je l'ai mis 4 1. Ok Hamza, et eh ben merci à toi Hamza. Allez. Salut Hamza. Ciao. Merci Sopra. Ciao tout le monde. Ciao. Et Diab ne s'habille plus en Prada. En espérant que le bien revienne. Oui, sur le monde. Peace. Merci Cédric. Ah non. Ciao tout le monde. Ciao Soprano. Ouais, Cédric, il est là. Tu es là, je savais même pas que tu étais là, mon frérot. Il est là. Je suis là, ma gueule. On m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, bah une grosse pensée pour toi, mon frérot. Accident de mobylette. Ça chauffe. Ça va. Et comme dit Cédric, moi je suis pété la clavicule. Clavicule et 4 cuts. Je me suis pas loupé, mon frère. Ah, il s'est pas loupé, ouais. Ah ouais. Et c'est le mec le plus poisseux que je connais. Bah, je sais. Il a que des galères. Je sais très très bien. Je les enchaîne. Voilà. Bon, merci Sopra. À bientôt, au matin. Ciao Sopra. À bientôt, bonne soirée tout le monde. Demain soir, vivement l'Everest, nous dit One Piece Sopra. Fan, One Piece Sopra. Fais-moi une photo avec Sopra. Ah non, on est sur. Ciao. Là, c'est quoi? J'ai au revoir à Facebook Live. Salut Facebook Live, Skyrock FM. Facebook Live, ça va continuer parce que y a le clash là qui arrive. Waouh, wow, c'est la folie ça. Bon. La photo. Ah. Ah, la gueule. J'ai une gueule de con. Ouais. Eh ben vas-y, mets-la. Bon, c'est fait. Salut. Bisous à demain, Sopra. Ciao. Salut Soprano, ciao. Ciao mon gros. Les vrais, vendredi dans les bacs, Soprano sur Skyrock tous les soirs. On exclut l'album à découvrir. C'est avec Fredo entre 20 et 21h et on est en feu. Juste avant la radio libre, tous les soirs et vendredi en direct du stade Vélodrome. Vendredi, grosse soirée. Hein, ça va être bon. Et puis lundi, grosse soirée avec le grand retour de Cédric dans la radio libre. Je suis sans cheveux. On peut le faire, Romano. Je suis chauve. Vas-y, Romano, essaye. Je suis sans cheveux. C'est dur à dire. Je suis chauve. Bon, je suis pas sûr que ça fasse le même carton qu'en feu de Sopra, mais bon. Bravo Hamza, on t'envoie le FIFA 17 à la maison, tu l'as gagné, t'as bien mérité. Merci. Salut Hamza, ciao. Bisous. Et des FIFA 17 à choper à n'importe quel moment du morning. Bon, et de la radio libre. On a même commencé la radio libre de soir avec un FIFA qu'on voulait faire. Avec la déclaration de Ribéry. Tiens, je rappelle la déclaration de Ribéry pour ceux qui n'étaient pas là. À 21h. Faut être là, 21h. Il a craqué un peu. On apprend des trucs et tout. Il a craqué, Francky. Il a craqué, ouais. Francky. Franck Ribéry. Francky a les nerfs en pelote. Il est jaloux de Griezmann. Ouais. Ah, d'après ce qu'il a déclaré. C'est ça un peu. Ouais. Interview à un journal allemand qui s'appelle Bild. Bild. Et alors, Bild lui a demandé ce qu'il pensait du phénomène Griezmann. Ah, j'ai encore un problème avec mon iPhone. Ah, voilà. Et voilà. Étonnant, même pourri. Pourquoi ça met aucun message sélectionné alors que j'ai sélectionné c'est pas un message iPhone, ça, quand même. Et pourquoi j'arrive pas Déjà, voilà. C'est un iPad. Oui. J'ai dit quoi C'est ton iPhone. C'est un peu pareil. Des escroqueries, ces trucs-là. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. À part peut-être parce qu'on me l'a payé. Putain. Mais alors, on lui demande ce qu'il pense du phénomène Griezmann. Première question. Hein, donc ça l'a vexé dès le début. Franck Ribéry, il a répondu attention, j'ai que ça qu'à dire. C'est lâché. Il était bien cette saison dernière, mais la classe mondiale. C'est de répéter la performance avec constance, juge Franck Ribéry. La qualité, c'est de montrer de telles performances. Ils ont corrigé l'interview, c'est pas possible. Ouais, je pense. La qualité, c'est de montrer de telles performances pendant 10, 12 ou 15 ans. En fait, il faudrait qu'il ait commencé à 10 ans. Ouais, voilà, Griezmann, ouais, c'est pour que Ribéry trouve qu'il déchire. Bon, il a pas tort non plus, c'est dans la durée qu'on voit la. C'est ça aussi. Ouais. Oui, non, mais ça va, bon, c'est un bon début quand même pour Griezmann. Voilà, et il a dit. Griezmann n'est pas un joueur de classe mondiale, car il n'a pas pu répéter la performance avec constance, contrairement à moi-même, j'ai que ça qu'à dire. Il y a que ça qu'à dire. Le melon. Tu trouves, Marie? Oh bah, à peine. Moi, j'avais pas l'impression que c'était. C'est melon, c'est un peu aigri, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est con parce que dans ce qu'il dit, il a raison en plus. Mais c'est vrai. Il le dit mal. Ouais, voilà. Et quand tu dis ça sur un mec qui est apprécié, tu passes forcément pour un aigri. Et puis, il faut pas dire contrairement à moi-même, quoi. Bah, après, il a raison. Et Ribéry, il a gagné, il a brillé. Et Griezmann, pas encore. Mais après, il a l'avenir devant lui, tu vois. Ouais, mais enfin bon. Bah, Griezmann, il a rien gagné. À part une Liga, Ribéry, il a gagné des champions, championnat. Mais bon, il est encore jeune. Trio du Ballon d'Or. Il a quelques années de plus. Ouais, c'est ça. Bon, on salue Totoine, salut Grisou. Grisy. Et puis Francky, salut Francky. Reviens faire une partie de play à la radio, Francky. On t'attend. Il était venu faire une partie de play dans l'émission un jour, Francky. On l'avait arraché. Je l'avais. Alors, excuse-moi, c'est peut-être pour ça que tu n'es pas revenu, Francky, si tu nous écoutes. Je t'embrasse. J'ai que ça qu'à dire, Francky. Mais le 20-0, il l'avait pas mal supporté. Ah, non, mais ça. je sais, j'aurais pas dû. Non, mais tu avais été un peu fort. Vous savez qu'on m'appelait à l'époque le roi de FIFA 13. Waouh. Et là cette année, je vais concourir pour le roi de FIFA 25. Ah ouais, déjà. Ouais, oui. FIFA 13 c'était en 2000. Oui, je jouais. Il jouait en 2000 et direct. Il jouait à FIFA 2013, ouais. Non, c'est vrai. C'est je peux comprendre, hein. Il y en a qui sont très aigris quand ils perdent. Cédric, toi, quand tu perds un clash de la drague, t'es aigri ou pas? Ouais, t'es habitué, non? Non, je suis pas aigri. C'est bien, c'est Romano qui est aigri quand il perd. Ah ouais, parce que moi, je suis pas habitué à la défaite. Tiens, moi, je suis pas pour perdre. Ah ouais, moi, je suis un mauvais joueur, je l'avoue. Eh bien, on va jouer avec notre mauvais joueur et Cédric aussi. Les deux, ils sont là. Romano, Cédric, clashons. Attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Exactement. Il y en a un qui est au téléphone dans son lit avec sa clavicule cassée. C'est Cédric. Oh, quelle magnifique chanson. Et de l'autre côté, il est en face de moi. Il est de retour après sa grave maladie de ce matin, la chiasse. Chiasse vomi. Chiasse vomi. Quand même. Est-ce que tu feras comme Cédric, tu vas utiliser ta grave maladie en faisant « Oh, je suis malade, mes amours, votez pour moi, mes amours. Oh, mes amours, je vous aime, mes amours, vous aime. Tout dépend. I love you, itiamo, I love you, votez pour moi. Tout dépend comment se déroulera le clash. J'espère qu'il va bien se dérouler. Mais sans doute très bien. Cédric, tu vas faire comme ça, toi. Tu vas faire comme lundi. J'ai mal à ma clavie, cool, il faut voter pour moi. Je vais voir comment ça va se passer aussi, en fait. Est-ce que tu vas faire de la merde en bar comme lundi? Ils aiment bien se plaindre. Mais ta gueule, toi. Romano, lui, il a fait de la merde. Liquide. Toute la journée. Ah ouais. Et t'as vu le nombre de messages qu'on a reçus d'ailleurs, Romano? Ah mais c'est vrai, il y en a plein. Il y en a plein qui ont des grippes intestinales. Ah ben, j'ai fait comme vous, j'ai eu la chiasse. Ouais, il y a Maître qui nous laissait un message tout à l'heure qui nous a dit que lui, il a eu une chiasse depuis deux jours. Bon, ça tombait bien, il avait pas envie d'aller en cours. Mais par contre, c'est vrai que j'étais très très très malade. Ah non, mais c'est la chiasse aujourd'hui. Bah c'est un dis donc, miracle. Alléluia, dis donc. Elle tombait de la merde demain. Alléluia. Allez, on y va pour le clash. On a les deux méthodes. Cédric, rappelle la tienne pour ceux qui viennent juste d'arriver. Moi, c'est la méthode du mec qui est content parce qu'il a appris une bonne nouvelle dans sa vie, puis il voudrait faire la fête avec la famille, quoi. C'est noté. Et Romano, ta méthode? Moi, c'est je faisais mon footing, je me suis foulé la bite. Voilà. Et là, tu voudrais foutrer la femme après. Ouais, c'est ça. Un footing. Là, on va chez qui là? Tu veux faire un footing? J'ai pas entendu. Michael. Ah. Michael. Cédric, on appelle Michael Jackson. Oh ah ouais. Pas vrai. Oh ouais, trop fort, je l'adore, il chante super bien. Tu peux pas appeler Prince après? Si, on va l'appeler. On appellera Prince. Bonjour, vous êtes... Ouais, ça commence bien, Cédric, aurais-tu déjà la loose? Est-ce qu'on pourrait passer une famille qui décroche, André? Ouais, commence pas à te plaindre. Oh, c'est la première, Cédric, attends. André, mauvais. Je le sens bien. T'es mauvais. Keep cool, man. Ça, on n'y peut rien. Ouais, moi, je suis cool, je suis détente. Tranquille, comme Sopra qui était avec nous. Tranquille. Je suis le ventre à l'air, moi. Oh, putain de merde. Ça fait rêver, tiens. Là, je me caresse le ventre. Oh là, mon. Bonjour. Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. C'est con, dit bonjour. Veuillez vouloir laisser un message après le téléphone. Il est poli. Complètement débile. Tu veux laisser un message, Cédric? Non, ça va aller. Bon. Salut, les filles. J'ai laissé un message à ta place. J'ai pas de famille. Hein? Je crois qu'il y a un complot. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de... Voilà. C'est de ma gueule, là. Alors, on en fait un autre? Ouais, alors... c'est Romano qui choisit les numéros ou quoi? Non, non, pas du tout, moi j'attends. J'attends tranquille. Allô. Allô. Allô, comment ça va, ma belle? Téléphone, Cédric. Tu vas bien? Allô? Oui, vous appelez qui? Ben, j'appelle la femme de Raymond. De Raymond, c'est toi? C'est de la part? C'est de la part de Michel le beau gosse. Le beau gosse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris une bonne nouvelle, tu vois, au travail, là, j'ai appris un beau truc, là, j'ai une augmentation. Et puis, ben, du coup, je voulais venir te faire l'amour ce soir. Pas d'augmentation, non? Ben, si, il faut que tu aies augmenté. Non, mais c'est vrai. Ben, je te l'apprends. Voilà, eh ben, moi, je t'apprends. Allô, de raccrocher, la dame. Voilà, pas d'augmentation, comme pas de serrage. Quoi, nada, elle est partie. C'est ouf. Pinute. Bon, bah, hey, t'as réussi à parler à une femme, elle avait une jolie voix en plus. Comme tu dirais, ouais, Cédric, pinute. Une. Pinote, on dit, Cédric. Une bonne voix de cougar, comme on les aime. Allez, vas-y, envoie de la famille. Bon, Romano, va falloir tour. Que je lui montre comment ça se passe. Que... Allez, montre-nous. Place au professionnel. Ah, allô la... Ouais, allô. Oui. Oui, c'est la femme à Pierre. Comment? C'est la femme de Pierre. C'est la femme de Pierre. Ah, t'as pas plus vieux pour le prochain? Tout le monde peut participer. Pourquoi tu veux pas la femme de Pierre? Tu es raciste. Non mais non, mais c'est les pas personnes raciste, la pauvre, elle est sourde. C'est... Oui, alors, elle a pas le droit d'aimer. Non mais, c'est quand, pas... tu es, quand tu es sourde, tu n'as pas le droit d'aimer. Oui, non mais si, mais t'as le droit d'aimer, mais pour communiquer, c'est pas évident quoi. Aimer, c'est plus fort que tout. Ben oui. Bon, vas-y, envoie une autre famille. Parce que j'ai alors, mon gars, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, mais attends, là, on m'a appelé une maison de retraite. Alors, après le premier tour. Non mais j'ai un plan de la sélection de la famille. Hein, je vous le dis direct, hein, les gars, si vous faites ça, je... ça va moi. Chier les bulles. Mais ça, je m'en branle, pas mon problème. C'est bizarre. Comme dirait Romano, chacun sa merde. Ah ouais. Cédric. Daniel. Allô. Daniel. Allô. Ouais, bonsoir, c'est la femme de Daniel. Oui. Comment ça va ce soir? Regardez, ça va? Vous voyez? Ouais, nickel. Bah, je te parce que moi, j'ai appris une bonne nouvelle, là, aujourd'hui. Uh-huh. Et du coup, j'aurais bien aimé faire la fête avec toi, ce soir. Bah, c'est de la part de qui? Bah, moi, c'est Michel, je suis un de tes voisins, j'habite 3-4 rues derrière. Ah non, puis, mais... Puis tiens, je vais partager ma joie de vivre avec toi, t'as l'air heureuse, toi, ce soir. Non, mais je pense que vous faites erreur. Ah non, non, bah, c'est bien toi, c'est la belle femme que je vois tous les jours. J'ai envie de te faire l'amour, ce soir, ma chérie. Voilà, ça c'est allô, le, ça c'est ouais, l'estocade finale. Vous connaissez les corridas, c'est quand ils. Ouais, ont... c'est la mise à mort. C'est la mise à mort. J'ai envie de faire l'amour avec ah toi. Ouais, là tu lui as scié les pattes à même la bonne toi, femme. Même toi, ça te fait rigoler, Cédric. Ça, mais c'est chelou, pourquoi elle a raccroché? Bah, c'est à chaque fois que tu leur demandes de faire l'amour avec toi, il y a toujours un petit, il y a toujours un petit souci. Ah, peut-être qu'elle entend mal avec le téléphone. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison, mais quand t'es dans le studio, ça marche pas mieux. Si, si, ça marche mieux. Bah, que dalle, t'en as pas gagné depuis la rentrée, tête de con. Ta gueule, connard. Bon, Mano, à toi. Je ramène juste les statistiques. Tu rappelles juste les statistiques, mais exactement. Ouais. Vous avez vu, je fais comme si Romano était normal. Qui est donc en Aken? Alors, qui s'est battu? Vous avez vu? Je fais comme si de rien n'était, comme si la personne en face de moi qui parle dans la radio Skyrock était complètement normale. Qui est donc qu'on appelle? Qui est donc qu'on appelle? Et alors, bienvenue sur la boîte vocale du 09. Vas-y, envoyez-moi quelqu'un, je suis excité là. Ouais. Allô? Ah, bonjour, vous êtes à la messagerie orange du. Salut. Hi. Salut, c'est Albi dans l'Ouest. Allô? Oui, allô? Ouais, je suis où là? Vous êtes à Bidar Ouest. Bidar Ouest? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Bidar. Bon, écoutez voir, là j'ai un petit problème. Bidar. J'ai un petit problème. J'étais en train de faire footing là. Oui. Et en fait, j'ai un petit problème, je me suis foulé la bite. Est-ce que je pourrais venir te voir éventuellement pour que tu me la suces? Bah sérieux, je peux passer vite fait? Non, là, ça va être compliqué. Là. Bah, ou sinon, je la colle dans ton cul, il faut que je la mette au chaud. Ouais, allez, c'est ça, ciao. Allez, laisse-toi aller, bébé. Mais c'est quoi, Bidar? Je sais pas, c'est peut-être le nom du mec. Mais non, mais ça devait être un truc. Bonjour, je suis Monsieur Bidar. Au début, j'avais compris Midas, moi. Midas, non, ça c'est pour refaire un pot, Romano. Non, mais je me disais, c'est parfait. Si t'as envie de te refaire faire le pot, pourquoi pas. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait, Romano? Bah ouais, mais là, on m'a dit que rien, là. Tiens, franchement, mais... Ah, mais c'est comme ça, maintenant, il y a que des numéros. Il y a plus de noms, il y a plus rien. Non mais c'est quoi, c'est une nouvelle règle? C'est ça, mais chef du standard. Chef du standard du ouais, bah, chef du standard, il va se détendre. Non mais du c'est cul. Comme ça, on appelle 10 numéros, ça répond pas, donc le dernier, il y a plus de nom, tu vois. Allez, je laisse 3 minutes au clasher pour serrer, donc un tout dernier tour. Vas-y. Le dernier, comme on dit aux États-Unis, the last one. Yeah. The last tour. Voilà, avec Cedric maintenant. Yes, it's me. It's you. Hello. Cedric. Hello ou alors? Salut les filles. Pourquoi tu fais pas comme méthode de drague un truc sympa du style je connais des stars, je suis l'ami personnel de Jerem Star, tout ouais, ça. T'inquiète, je ferai ce prochain clash. Si ouais, je prends des bains avec lui. Je connais Difool aussi, tiens. Non, mais tu mélanges pas avec n'importe qui, Cédric. Si, Jerem Star, Difool. Je veux dire aussi, je connais Mathieu Delormeau. Bah non, mais je le connais pas, lui. Coucou les boys and girls. Bon, Cédric, tu fais quoi, là? Putain, t'es lourd. Allez, on dit allô. Allô. Allô. Allô. Ouais, bonsoir, comment ça va, ma belle? Ça va bien. Eh ben, nickel. Dis-moi, je t'appelle parce que je voulais faire un peu la fête ce soir avec toi. Oui. J'ai appris une bonne nouvelle, là, au boulot, là, je vais t'augmenter. Et du coup, ben, je voulais venir faire ta fête à toi. Très bien, pas de soucis. Oh. D'accord, ce soir j'ai envie de te faire l'amour. Hein. Oui. Oh. Prépare tes fesses, ma chérie, ça va être chaud ce soir. Oh, oui. Eh ben j'arrive tout de suite alors. Si t'as une copine ou un pote, si t'as une copine ou un pote qui voudrait faire la fête avec nous, il n'y a pas de soucis. Hein. Ok, pas de soucis. Eh ben prépare-toi, ma chérie, j'arrive. Très bien, allez. Bisous mon cœur, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Ensuite, ça y est, non? Eh ben bravo, Cédric. Eh voilà, mon gars. Eh ben, ma gosse. Eh ben, c'est cool. Eh ben, c'est serré. Eh ben, Sartek. Eh ben, il a serré, Cédric, dis donc. Eh ben, ça fait bien chier. Ben, c'est ce que dit Toshi, d'ailleurs, qui est fan de la team Romano. Fait chier, il a géré. Et Bidar, c'est à côté de Biarritz, on nous dit. Bon, je vous ai pas parlé de ma chiasse de ce matin. Ah. Écoute, Romano, tu as été très, très malade. On peut même le dire. Extrêmement malade. On peut même le dire à l'article de la mort. Ben, j'ai vu la lumière. Tu as vu. Ah, mais dis-le. Le tunnel avec la lumière au fond. T'as bien mal au cul. Comment? On va te faire mal au cul ce soir, t'inquiète. Attends, Cédric, t'emballe pas, il n'y a pas encore eu les votes. Il y a tes fans qui sont là, Cédric, quelle performance! Waouh! Wow, ce soir, la team Romano, va falloir mettre le paquet, team Romano, héros. Non, c'est pas fini, Romano, t'as un coup de fil. Hein. Bien joué, mon gros, pour Cabrus. Oui. Va falloir voter Romano! Chachou, en effet, you, Cédric, ça vaut une victoire, ça. Allô, allô? Oui, bonjour, t'es à mon service? Allô? Oui, vous êtes à mon service? Je vous écoute, monsieur. Oui, excusez-moi de vous déranger. En fait, je passe pas loin de chez vous, là. J'étais en train de faire un footing. Allô? Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, je vous écoute. Oui, et en fait, je t'explique, je me suis foulé la bite. Oui. Vous arrêtez de m'importuner. Monsieur. Je vais venir, là. Putain, pas commode, lui. Je prends un rappel. Je m'en fous. Il faut pas le faire chier. Je m'en fous, je prends un rappel. Il y a plus d'autre tour. Non, il y a plus d'autre tour. Ouais, bah, je prends un rappel. T'as raison. Allez. Je prends même deux rappels, peut-être. Non, rappels. L'arbitre met le holà. Un rappel. Après le très beau serrage de Cédric. Tu lui donnes, Cédric? Non, mais y a pas de rappel, t'es malade. Eh bien, merci, Cédric, de ta générosité. Merci de donner le rappel à Romano. De toute façon, vas-y, ok. Alors, t'arrêtes, en gros. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur. J'ai votre numéro. Oui, encore un appel. Moi, je viens. Hein. Là, tout de suite, dans 5 minutes, je suis là. Hein. Oui, très bien, je vous attends. Voilà, tu me caresseras le sexe et je te ferai l'amour. Oui, oui, et puis j'appelle la gendarmerie de suite. Vous arrêtez. On fera l'amour ensemble. Je travaille, monsieur. Moi aussi, à mort. Bon, je suis invité. Voilà. Bravo à tous les deux. Bon, à vous de décider qui a été le meilleur, Cédric ou Romano. Tu entends? La folie. Karim soutient. Ah non, moi. Tout soutient Romano. Non, je fais juste les mais ouais. Mais Marie, elle est pour Cédric. Ouais, je te soutiens, Cédric. Ah là, c'est partagé dans l'équipe. T'as vu Romano? Bah, moi, attends, je m'en fous, j'ai fait un vrai serrage. Moi aussi, j'ai fait un vrai serrage ce soir, mes amis. Il faut voter Romano, R-O-M-A-N-O. Cédric, ça fait un mois et demi que le mec nous trimballe avec ses fausses maladies. Le mec en vacances, je vous le dis la vérité, moi. Le mec est en vacances au bord de la mer, ce salopard. Eh ben, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Moi, je suis toujours là. J'ai été vachement malade de chien. De vomi et tout ce matin, votez Romano. Allez, je suis venu exprès pour vous, mes amours. Je lance le vote. Ça, top vote. Allez-y sur le 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous avez 5 minutes pour voter. Bah tiens, jusqu'à la fin de DJ Snake et Justin Bieber, Let Me Love You. Jusqu'à la fin de Let Me Love You, vous votez les 23h56. Justin Bieber vote Romano. Et DJ Snake, il vote pour qui? Romano aussi. Non, il vote Cédric, c'est pas vrai. Bon, on va voir ça. Les résultats. Bah d'abord les votes. On fait les comptes et on vous donne les résultats. Un clash à suspense qu'on retrouve ce soir. Du gros son à écouter. Escrew tout à l'heure avec Nekfeu. C'est super. Ça. Et du Bruno Mars. Et tout de suite, donc, Let Me Love You. Et vous tous en direct, et on prendra les nouvelles de Victoria. Elle devait rencontrer un mec aujourd'hui, rencontré sur Smax. Comment ça s'est passé? Ah oui, c'est vrai. On a eu le début de l'histoire hier. Ouais, elle flippait un peu, ouais. Et ben, on va voir si elle avait raison de flipper. Ah là là. Allez, préparez-vous. Encore 4 minutes pour voter. The Morning Show. Dans le Morning de Difool sur Skyrock, on t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné, Fabien. Ouais, Fabien. Bravo, Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une supérette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. De les 200 euros, on n'en parle plus. Eh ben

Le lendemain, le mec il me dit, j'ai dit, ouais, t'as vu quoi? Moi, j'étais voir une fontaine. Ah, la fontaine de Trévis. Ah, je ronfle pas, moi, je dors tranquille, je suis pépère, je suis un mec cool. Cédric. Cédric, c'est le symbole? Ouais, normal. Enfin, c'est bon. Marie. Non, et par exemple, tu pourrais me lécher pendant que mon mec me prend. Samy. Ouais, t'as les bras ou? Non, elle a pas touché ma bite. Et Karim. Un mot pour toi, Karim, que veut dire désopilant? Je sais pas. Un indice, Cédric le Belge. Tout dégueulasse. Non, Difool Radio Libre. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Eh hey Cédric, c'est pas pour foutre le bordel, mais j'ai entendu Karim, il a mal parlé là. Ouais, t'inquiète, je rentre lundi, je vais m'occuper de ça. Lundi soir, le retour, le grand retour, grande soirée spéciale. Tu vas être fêté comme une grande star. Tu vas être fêté comme Mathieu Delormeau dans Touche pas à mon poste. Wow. Tu vas être fêté comme Jerem Star dans sa baignoire. Des nouilles dans le slip. On va te mettre des nouilles dans le slip. Tu vas prendre un bain. Non, mais on va te préparer une super soirée. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Il y a eu plein d'idées d'ailleurs que vous nous avez laissées depuis tout à l'heure. D'ailleurs, si vous venez juste d'arriver, Cédric revient donc lundi, c'est l'info qu'on vous donne. Et avec sa clavicule cassée, mais avec beaucoup de courage. Ah ouais, c'est clair. Et ça fait un mois et demi qu'il vous amuse avec son truc. Moi je lui dis, il est en vacances. Blessé, hein. Il est en vacances. Et on va te faire une belle soirée, Cédric, avec des surprises. Si vous avez des idées de surprises pour Cédric, on nous a proposé beaucoup de travestis, hein. Ah ouais. Ah non. Non mais moi je proposerais le lancement officiel du boys band de Jerem Star, Mathieu Delormeau et toi, quoi. Mais casse-toi, toi, t'es malade, toi. Mais si, Cédric, tu vas faire du buzz, mec. Oui. Ah, mais c'est toi l'artiste, laisse tomber, je peux pas te voler ta place. Non, non, mais moi, je fais une carrière solo. Ouais, c'est pas pareil. Je partage pas. Attends, bah, avec tes copains, moi, je vais rester sur. T'as l'air dit que t'étais prêt à partager avec Soprano. Qui ouais, avec Soprano, ouais, mais. Je tape dans l'autre gamme, moi, tu vois. Jerem Star. Bonjour, bonjour, Vermine. Cédric. Salut, les filles. Et Mathieu Delormeau. Coucou, les boys and girls. Mais dis-moi, parce qu'au début, c'est toi qui l'avais branché. Je me souviens, il y a longtemps. Qui? Jerem Star, il voulait l'inviter dans son truc, là, dans son bain. Ouais, mais moi, tiens, moi, je suis un mec sympa. J'ai dit, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas trop, Jerem Star. Mais par contre, j'ai un ami proche qui s'appelle Cédric. Voilà. Qui serait fortement intéressé. Par contre, agrandis ta baignoire. Oui, voilà. Fais ça dans une piscine. Le truc déborde, tu sais. Salope. Il pète les plombs, ça y est. Ah ouais, Cédric. Ça y est. Bon, le clash, il va être serré ce soir, à mon avis, hein. Je sais pas qui va gagner. Non, elle va être insérée du tout. T'as pas vu les mémos de chez moi, gros. T'es Cédric, t'as pas tous les messages. D'ailleurs, si vous avez le Telex de Skyrock, vous avez pas tous les messages. Il y a plein de messages avec les numéros de téléphone. Ah oui, vous avez tous ceux-là, ils sont enlevés. Ouais, vous en avez quoi? Un tiers des messages, dont on voit tout le reste. Ouais, je sais même pas, hein. Même pas, hein. Ah ouais, Cédric, Ah non, moi je suis. Ah non, mais j'ai vu les messages, moi. Je suis moins catégorique que toi, Romano. Je pense que ça va être serré. À mon avis, on va être sur du 49-51, ouais. Un truc comme ça. Ça, c'est bien, je me fais niquer, ça. C'est possible. À quelques poils de cul. Ah, ça va jouer à un poil de cul, cette histoire-là. Faites boire Cédric lundi, c'est marrant quand il est bourré, nous dit Chanel. Vas-y, Cédric. Juste en dessous. Non, mais sérieux, Cédric, il me reste un alcool de Sardaigne, là, le fil ferrou. Je vais me péter l'épaule encore, laisse tomber. Bah non, mais il n'y a pas à se péter l'épaule. Là, ça va juste brûler la gorge. Bah oui. Non, mais Cédric, pour ton retour, faut bien fêter ça. Il a raison. Raison, c'est qui envoie le message? Non, mais il faudra boire Chanel, le. Hein ouais. Tiens, il faudra boire le verre de l'amitié. Chanel. On dira santé, en plus, t'as d'excellente santé. Oui, en vrai. Tu peux essayer le Ricard, ça. À la tienne, des tiennes. Ah, ta santé, Cédric. Ah, tu vois, il y en a déjà qui appellent le trio Delormeau, Jerem Star, Cédric, le trio magique. Ouais. Eh ouais. Vous trouvez un nom. Ah oui. Prenez-lui des chimelles. Tu vois, le chiotte du 35, il veut qu'on amène des chimelles. Faites-lui un truc à bouffer vous-même pendant l'émission. C'est vrai que c'est pas con. Ça, je viens pas lundi, je vous connais. Hein. Attends, Cédric, une petite virée au bois. On fera pas à bouffer alors. On une petite virée au bois de Boulogne. Non, c'est tout. Non. Allez. Ah non, vas-y. À d'autres. À la fin, c'est manger un caillou sur le pare-brise, ça va aller. Comme il baisse jamais. Ah, mais on s'en fout, c'était la bagnole de Yovan de la sécu. Ouais, tant que c'est pas avec la mienne, ça me dérange pas. Il y a 16. Bon, vas-y, alors d'accord. 16 qui dit, 16 ans qui dit, comme il baisse jamais, vous le faites sucer en direct par un trans. C'est une très bonne idée. Non. Et pourquoi ce serait pas moi? Et Marie? Ah non, merci. Ah, non, Marie, ouais, façon, si tu veux, ouais. Bah, Marie, il faut. Ah, chacun va faire un petit truc pour Cédric lundi. Ça, c'est chacun a mis du sien, Marie. Marie, tu me suis, c'est Romano, je l'encule. C'est ouais, non, mais ça va aller. Ah, tu vois, Romano, il va y avoir un truc entre vous. Je sens que. Et si lundi, vous démarrez une relation d'amour tous les deux, comme vous n'êtes pas vus. Non, mais moi, c'est bon, mon cœur est déjà pris. Mais t'as ton cul qui est pas pris. Mais pas ton cul. Là, mon anus restera libre. J'ai une question bizarre. Oui. Qui vient de me traverser l'esprit. Comment ça va? Non. Comment ça va, Patrick? Vu la taille de ton ventre, quand tu bandes, du coup, ton sexe, il est collé à ton ventre, non? Tu vois ce que je veux dire? Tu penses à des trucs, Marie? Ah, Marie, vous avez parlé de ça et j'imaginais. Non, mais je vais répondre à ta question, Marie. Si vraiment tu veux savoir, passe après à l'émission à la maison. Ah, c'est bon, Cédric, merci. Petite invitation, c'est sympa. Ouais, non, ça va aller. Non, mais il a pas tant, c'est vrai. Va vérifier, Marie. Même si je t'aime beaucoup, non. Tu te poses des questions. C'est vrai, c'est bizarre. Chez toi, t'as toujours le chien qui te met à l'amende? Non, ça y est, c'est fini, ça. Ah ouais, putain, le chien, un chien de 10 cm de haut, au moins, un molosse. C'est un boucan. 10 cm, il faisait. Un chihuahua. Non, mais attends, il est là, il fait le malin, mais devant le chien, il est là. Oh là, attention, mords-moi, faites gaffe. Sois gentil, attention, c'est un méchant. En plus, il a une muselière, le truc. C'est horrible de mettre une muselière à un chien minuscule comme ça. Ah, mais faut voir, parce que j'ai peur qu'il vous croque, en fait. Mais moi, je pense qu'il a la rage, le chien. Non, ouais, il est rageux, ouais. Non, mais attends, il est chelou, hein. Tu l'as mordu, Cédric? Non, je l'ai pas mordu. Ah bon, bah. Tu l'as caressé, peut-être juste. Ouais, j'ai caressé. Ah, ouais. Bah, c'est ça, je crois. Pauvre bête. Bon, un petit blackout avec des surprises pour Cédric. Ah, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un blackout. Ça fait longtemps, ouais, putain. Ah, on peut organiser ça pour lundi. C'est pas mal, Valvalou. Vous avez plein d'idées avec les chiens. Mais du coup, je vais me faire mal à l'épaule. Mais tu te feras mal nulle part. T'inquiète pas, cochon. Mais t'es une vraie. C'est marrant, hein. Parce que j'en parlais avec qui ce matin? Ah, j'en parlais avec une copine à moi. Et je lui racontais que Romano était malade ce matin dans le morning. Mmh. Donc, c'était. Tu sais que j'ai réalisé l'émission, Romano? Ouais, je sais, ouais. C'était super, hein. Je sais. Vraiment, hein. Je ferais pas ça tous les matins, ça m'a tué, mais. Ah non, parce que j'allais te dire, c'était tellement ça super. Ben vas-y, hein, s'il y a aucun problème, moi, on peut s'arranger, hein. Donc ce matin, j'ai parlé avec une copine et elle me demandait, Romano, il revient quand? Je fais, oh, il revient ce soir, t'inquiète. Et elle me fait, il est solide quand même, Romano, hein. C'est marrant, on dirait pas par rapport à Cédric, mais le plus solide des deux, c'est quand même lui. Ah oui, là, mais c'est clair. Non, mais elle disait pas ça parce que c'est juste que c'est. Non, mais c'est une vérité. C'est une capacité physique. Si tu veux, lundi, on te pète la clavicule, Romano, puis on va commencer. Oh là là, mais t'en as pas marre de radoter, tu nous rases avec ta clavicule, là. Comment on va péter un os en direct, tu vois. Tu veux pas parler d'autre chose un peu? T'es psychobloqué depuis un mois sur cette histoire. Il y a le chiot qui a une bonne idée, je trouve. Ouais. Faites le manger et boire les yeux bandés. Il faut que tu devines ce que c'est. Ouais, non, mais moi, ce que je disais, on en parlait là pendant le son, là. Ouais. Comme je disais à Marie, on va peut-être éviter la bouffe dégueu parce que pour qu'il se rebarre 3 semaines en vacances. Ouais, on peut lui donner des trucs bons. Oui, non, mais il n'y a aucun intérêt, Marie. Ça sert à quoi de bah si, c'est super. Tu sais, Marie, tu sais, le truc, c'est de faire bouffer des trucs dégueu. Si c'est un truc bon, c'est quoi l'intérêt? Bah oui, bah, c'est débile, Marie. Ça sera pas drôle. Oui. Ouais, c'est vrai. Ah oui, excusez-moi, j'ai une idée de merde. En même temps, je dis ça à Cédric pour pas qu'il flippe, tu vois. C'est vrai, Marie, tu es fou. Marie, elle est maline. Ça fuse, peut-être même un peu trop. Peut-être même que le fusible, il a sauté là-dedans. Tiens. Le blackout, ok, on va faire pour lundi. Pas quand le blackout, nous dit Tristan, 16 ans, ça fait longtemps que vous l'avez pas fait, c'est vrai. C'est une bonne idée, ça. Faites jouer Cédric à un jeu de moto sur PS4, ça va lui rappeler des souvenirs. C'est la PS4 qui nous laisse le message. Ah oui, c'est vrai. Il a qu'une main, il peut pas jouer. Non, mais il a pas coupé le bras. Non, mais il a le bras, t'as vu, il a une attelle, t'as vu comment il est, il est positionné, il peut pas jouer. Bah, il peut jouer. Serrez-le bien fort dans vos bras quand il revient pour vous lui montrer, pour lui montrer que vous êtes content. Ah oui, c'est Dimitri. Non, Cédric, il faudrait le faire jouer, tu sais, en plus, ça lui plairait, tu sais, avec les joysticks à l'ancienne, là. Ouais, gros bâton, t'en avais pas branlé le joystick. Ah, ouais, ouais, on dirait une queue. Trop bon. Et j'ai les résultats du clash. Ah. Ça t'était la fin de la fête pour moi, je vous l'annonce. Et quand je vous ai dit 49-51, eh ben c'est 49-51. Comme ah quoi, ouais, j'ai un pif moi, mais c'est quand même une fois un de plus. Truc de dingue. Vous avez vu le pif que j'ai? Ah, t'as un sacré pif. Non mais alors, je veux pas non, dire. Non mais je parle pas de mon nez là, je parle du pif. Je le dirai après. Du feeling. Vas-y, dis ta saloperie. Non, je dirai après. Non, dis ta saloperie. Non, je le dirai dis après. Dis ta merde, non. Je dirai après parce que si je perds, je vais passer pour un rageux. Dis où je m'en vais. Non mais dis-le. Non, parce que j'ai remarqué un truc. Romain des réseaux sociaux, qui est le descendant de Momo un peu. C'est vrai. Un peu le même syndrome. C'est-à-dire que j'ai remarqué un truc. Quand tu dis que c'est serré. Là, t'as dit 49-51. Bizarrement, c'est 49-51. Ouais. Et j'ai remarqué ça depuis déjà un petit moment. Tu dis ça pour préparer une défaite, Romano? Non, je dis ça en toute objectivité. Oh bah, évidemment. Non mais je suis objectif. Mais attends. Cédric 51. Ah merde. Putain, c'est chier ça. Ou 49. Bah, je préférais 49. C'est au choix. Bah, Cédric prend 49. Tu seras en progression par rapport à lundi. Romano, 49. Ah non, ah non putain. Non. Ou 51. Ça y est, il est en stress. Mais ils sont tous les deux en stress là. Vous les avez stressés ce soir. C'est bien d'avoir voté comme ça, super. Donc la victoire, elle est ce soir. Hein, pourquoi tu insultes? Non, non, mais tes réseaux sociaux. Je règle mes comptes un peu hors micro. Avec Romain. Alors, Mathieu Marie annonce les résultats. Victoire de. Romano. Avec. Hein 51%. Vous l'aurez rien fait. Bah si, 51 bah, fait. Si. Attends, 51. J'aime te baiser là. Eh, de peu. Pas beaucoup, ouais. Il était content, il lève ses bras. Il est... De peu, mais bon. Hein. Ah, je t'ai bien niqué, du con. Putain, tu me vénères. Ah, ah bah t'étais pas loin. Non, mais hey, Cédric, tu regardes la progression. T'étais à 73. Non, non, à 27. Non, 27. T'étais à 27. Non, mais t'as vachement monté. Et là, t'es à 5. Marie, va te calculer le pourcentage de l'augmentation. Ouais, bien sûr. Je crois qu'elle a la performance. Non, mais c'est bien. En tout cas, vous avez, j'aime bien les clashs comme ça parce que c'est vrai, je regardais les messages, je voyais que c'était serré, serré, de chez serré, de chez serré, de chez serré de partout. Et ben, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Tu as du pif, Difool. Merci pour ouais, tout le message. Ouais. Tarin, en tout cas, merci à toute la team Romano. Hashtag Difool a du pif. Merci, on l'a baisé, c'est ce qui fait plaisir. Et je laisse toujours. J'ai pris mon message sur Twitter parce que j'ai envie de baiser, donc je vais passer pour un con. Ah oui, ça. C'est quoi, alors, attends, supprimer. Ah non, non, non, bah, tu me fais pas une photo avec un mélange avec la gueule de Cédric. Mais si, c'est joli, juste avant le retour de Cédric lundi. Ça doit donner un truc. Tu veux te mélanger avec Romano, Cédric, hein? Allez, vas-y. Allez. Ça, ça va donner une gueule. Ah, vous allez être beau. Ça... J'attends de voir la gueule, tiens. Ouais. Fais voir ce que ça donne. Eh, baiser ensemble, faites un enfant, les gars. Faites voir la gueule que ça vous fait. Non, mais n'empêche que. Waouh. Eh, grâce à mon physique, il serait quand même. Le gosse serait moins moche que Cédric tout seul. On vous met la photo sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez la voir sur Snap. Vous avez des cheveux ou pas, ce con? Non, y a pas de nom, tu verras, la photo de mélange de vous deux, elle est chauve. Ah bah oui. Ah merde. Ah merde, pas de chance, oui. T'as pas tes cheveux. Donc vous allez sur tous les réseaux, Facebook, c'est dans deux minutes. Instagram, bon. Snap, Instagram, Cédric, Facebook. Bien joué. Et puis vendredi, bah le prochain clash, on sera en direct vendredi soir aussi, hein. Donc, prochain clash de la drague, dans ton lit. Et lundi, le retour en direct dans la radio libre. Et dans le. Bonne surprise. J'entends les fans qui sont déjà là et qui t'attendent. Oh là là, mais ils t'attendent avec impatience. Tous les uns derrière les autres. Bon, à tout de suite, Cédric, reste dans le coin. Allez. Jusqu'à minuit, il est avec nous. Non, aussi, Chanel, hein. Alors je te dis direct, Chanel. Qu'est-ce qu'elle dit, Chanel? Romano, ça te dirait pas de rouler une grosse pelle à Cédric pour surtout un an lancer ça? C'est bien ça, Chanel. Ça vient, bonne idée. Elle a une bonne idée. Moi, je vote pour, moi, l'appel. Moi aussi, pour. Pour l'appel. Bah ouais. Ah non, non, non. Majorité pour l'appel à 100%, à part toi. Ah non. Bah si, regarde. Ah oui, par toi. Non, franchement, Cédric, tu votes pour l'appel, toi aussi. Ah non. Un autre membre de l'équipe, ça ne dérange pas, mais. Bah pas moi. Ouais, Marie, t'es vraiment. Bah quoi? Pourquoi tu peux embrasser Romano? Bah, j'ai pas... Parce qu'il a vomi toute la matinée? Ah non, oui, Romano peut-être, mais pas Cédric. Pourquoi pas Cédric? Parce que. C'est pourquoi Cédric? Parce qu'elle a, elle a peur que tu, que tu la plottes, c'est comme tu fais d'habitude. Ouais, c'est vrai que tu le fais, ouais. J'imagine, peut-être même elle a peur de craquer et d'avoir envie de faire l'amour avec toi derrière. De tomber Je crois que c'est ça, ouais. T'as trouvé, ouais, c'est ça. C'est sûr. Bah, c'est sûr. Oui, c'est certain. Ah, et, attendez, pour le blackout, j'ai une idée. Et si on mettait Jérém Star à poil dans une boîte? Et on mettrait Mathieu Delormeau avec en slip avec des nouilles dedans et on fera découvrir à Cédric le blackout. Ça se passe dans une pièce noire, on met en bande, enfin Cédric voit rien, la pièce ouais, est noire, c'est noir. Et il doit trouver qu'est-ce qu'on a caché dans une boîte. Tu leur touches les couilles et tu dois devenir les couilles de qui? Pas con. Tiens, ça c'est les couilles de Jérém Star, tu vois. Pas con. Et juste... Ah mais en plus Jérém Star, tu dis de se mettre à walper, je pense que le mec il le fait. Mais genre il se met à tâter les couilles. Bah, il passe sa vie dans la baignoire donc. Ah ouais. Il est à poil dans la baignoire, non, il est en maillot. Ah je pense qu'il a walpé. Mais il pisse dedans. Ah, je pense qu'il a walpé. Ah ouais. Bon, ah, bah, putain, sans pitié. On réfléchit aux surprises, on va pas tout dire parce qu'on paraît c'est plus des surprises. Sans tabou. Bon. On va prendre des nouvelles, ouais. Alors il y a qui? Victoria qui est au téléphone avec nous. Ah oui, c'était le rendez-vous Smax là. C'est Victoria la Marseillaise. Ah oui. Oui, qui avait rendez-vous, elle avait rencontré quelqu'un sur Smax et elle nous a hier, elle stressait un petit peu parce qu'elle se posait des questions, comment ça se passe tout ça. On a parlé des rencontres virtuelles, c'est sympa. Et donc on t'a donné des conseils, Victoria, et notamment de ne pas donner rendez-vous dans un endroit sombre. Ouais. Genre isolé, ouais. Genre souterrain. Isolé. Ouais, voilà. Ne pas monter dans sa voiture. Et ne pas te faire enfermer dans sa voiture. Ouais, genre qui t'emmène pas au fond d'un bois. Ouais, va pas te promener en forêt, ouais. Et comme tu es en ligne avec nous, on voit que tu as bien suivi nos conseils. Oui, j'ai bien suivi tout ça, ouais. Alors, comment ça s'est passé? C'était rendez-vous cet après-midi, hein, c'est ça? Ouais, voilà, donc on a eu rendez-vous. Franchement, ça s'est trop bien passé. Ah. Si vous êtes en contact avec quelqu'un sur des réseaux, sur des applis, sur Smax, ouais. Bien, écoutez bien, ça peut bien se passer. C'est ce qui peut vous arriver. Donc cet après-midi, c'est bien passé. Tu l'as vu où? Dans un café? Je lui ai donné rendez-vous à la gare. Après, on est parti dans un café. C'est bien la gare, il y a du monde. Donc c'est pour ça que j'ai fait un endroit avec du monde. T'es venue avec une copine ou t'es venue toute seule? Non, toute seule au final. T'as pas une copine qui surveillait derrière, comme on avait dit? Non, parce qu'on était complètement parano hier. Ouais, c'est vrai, ouais. D'accord. Et du coup, non, ça s'est bien passé. Par contre, je suis montée dans sa voiture parce qu'il m'a proposé. T'as pris des risques, ma chérie. Il s'est rien passé. Rien. Je vous rassure, c'est rien passé. Rien, même pas une petite main sur la cuisse. Excuse-moi, je me suis trompé. J'ai cru que c'était le levier de vitesse. Je t'ai touché les seins. Oh merde. Je t'ai mis la main dans la chatte. Je croyais que c'était le vide-poche. Et t'as été déçu quand tu l'as vu ou pas? Bah, en fait, genre, sur la photo, il lui ressemblait pas trop, en fait. Ça, c'est vrai, c'est le problème des photos. Bah, en fait, il est photogénique, il rend mieux en photo qu'en vrai, après, c'est un détail. Tu l'as dit? C'est sympa. Non, je lui ai pas dit, quand même. Ah, bah, t'es moche, t'es moins bien sur la photo, sinon. T'es vachement photogénique, toi. Ah, tu veux pas mettre une photo sur ton visage? Mets-toi un masque. Un masque, ouais. Mais du coup, tu comptes le revoir ou c'est, voilà. Ouais, franchement, il est super sympa, je compte le revoir. Par contre, il s'est passé un truc, genre, avant de partir. Ouais. Quand j'étais trop gênée. Genre, en fait, on allait pour dire au revoir, j'allais lui faire la bise. Sauf qu'il est venu pour m'embrasser, je l'ai recalé, le pauvre. Pourquoi t'as fait ça? En plus, je suis sûre que t'avais envie de l'embrasser. Non, c'est qu'en fait, je sais pas, genre, j'avais pas assez de feeling pour, l'embrasser. Ah, mais genre, coup, tu t'es pas senti, ouais. Quoi, tu vas le revoir, mais putain, moi, je serais vexée, hein. Ça n'ira pas plus loin, quoi. Ouais, je pense pas, en fait. Ouais, mais je sais pas, je pense pas, il y a une petite ouverture. Ouais. Moi, je dirais plutôt que c'est comme... bien. Moi, j'allais te demander si t'as ken, mais bon, tu l'as pas embrassé, donc je... Tu peux remballer ta question, Karim, je suis désolé. Ouais. Elle était pas mal, la question. Moi, je pense que tout peut arriver quand une histoire démarre comme ça. Je pense que c'est mort, moi. Mais non, parce que tu t'intéresses. Regarde, on va galérer, gros. Est-ce que tu as couché avec la gothique le premier soir? Non. Combien de temps t'as attendu avec ta gothique? Ah, j'ai attendu un moment quand même. Ça t'a pas empêché de vivre une histoire d'amour exceptionnelle et d'avoir des relations sexuelles de folie avec elle. Ouais, mais déjà, mais de base, elle me plaisait. Là, c'est même pas la question de relations sexuelles. C'est que, toi, si Victoria, le mec, il te plaît déjà moyen, c'est... T'es sûr qu'il te plaît moyen? Mais force la pas, toi. Franchement, il lui plaît, ça va. Ah, t'as vu, il lui plaît. Oui, mais il te plaît, mais peut-être pas à sortir avec, quoi. Enfin, ouais, mais après, c'est compliqué. Genre, je suis en situation, je suis un peu compliquée. Je sais pas ce que je recherche, donc voilà. Bah, ça, c'est les filles, c'est normal. Ouais, vous êtes mariés. On sait quand on rencontre le mec. Vous savez rien du tout. Bah, quoi? Marie, si tu l'écoutes, elle serait mariée à 17 000 mecs aujourd'hui. Bah, hop, c'est l'amour de ma vie. Le lendemain. Tu connais l'amour de ma vie, elle te montre un mec, c'est pas le même que la veille. Mon chat, tu peux pas savoir combien de temps ça va durer, mais en général, quand tu rencontres quelqu'un, tu sens si le feeling va passer. Ça dépend, Marie. Tout ça, ou quoi. J'ai déjà trouvé des meufs super belles au début, puis au bout d'une semaine, elles te cassent les couilles, elles te déressent plus du tout, t'as même pas envie de baiser avec. Ouais. Alors que j'ai aussi rencontré des meufs qu'au début, bon, j'avais pas remarqué plus que ça. Au final, tu remarques qu'elles ont du charme. Ouais, c'est pas fou. Et, c'est arrivé à un ami à moi avec une Marseillaise qui s'appelait Mamouta. Ah, mais moi, elle a craqué directement, moi. Ah, bah, direct. Non, je crois que c'était toi qui avais craqué sur elle. Ouais, j'ai craqué, un peu nerveusement quand je tournais autour d'elle avec mon scooter, j'ai un peu craqué des... Ouais. Parce que pour faire le tour d'elle, il lui fallait 5-10 minutes. Ouais, franchement, même ça m'a laissé le temps de réfléchir. Non, mais bon, après, tu sais jamais. Mais bon, vous avez décidé d'un rendez-vous, de vous revoir, tout ça? Ouais, genre, il m'a proposé un autre rendez-vous. Et toi? Du coup, faudra qu'on planifie une date, parce qu'il bosse, et du coup, voilà, on verra. Mais toi, ouais. Non, j'allais poser une question de merde, moi aussi. Vas-y, c'est. J'allais dire, est-ce que le mec, il était intéressé? Oui, il était intéressé, puisqu'il essayait de t'embrasser à la fin. Il était intéressé, ouais. Bah, il voulait trouver une pelle, lui. Il devait être dégoûté, il devait bander, je pense. Ah, oh bah, ouais. Bah, le mec, il s'est fait cramper quand même. Ouais, bon, c'est une petite crampe, ça arrive, hein, bon. Mais après, je sais pas, vu que c'est un. Enfin, du coup, je voulais avoir votre point de vue, vu que je l'ai. Je lui ai mis un 20, ouais. Du coup, je voulais savoir si c'était vraiment de s'en toucher l'ego ou. Non, mais ça, c'est chiant, final, non, mais moi, ça. Et non, mais c'est franchement, moi, je déteste ça. Hein. Pourquoi t'as parlé de l'ego? Parce qu'elle joue l'ego. Elle joue l'ego, elle adore. J'ai pas compris. Ego. Étonnant. Non, mais genre, un mec, il a sa fierté, Son ego, sa fierté. L'ego. Ouais, je comprenais pas. Voilà, moi, je fais des alter ego. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Non, compris, moi. T'as quoi? J'ai pas compris, j'avais moi. Compris, Lego, j'avais compris. Ah, Lego. T'avais compris, Lego. Google. Ah, Lego, le jouet, quoi. Le jouet, mais exactement, c'est ça. Bon, est-ce que ça vous vexe, les gars? Dites-nous, 41759. Bah ouais, c'est vexant, ouais. Skyrock.fm. Une meuf, vous avez envie de sortir. Bon, après. Ouais, c'est vexant. C'est vexant. Mais... Vous étiez que tous les deux dans la voiture. Ah, ouais. Ça fait chier quand même. Non, c'est, chier, ouais. C'est vrai que c'est vexant, mais le mec, si tu leur donnes un rendez-vous, il serait capable de revenir pour se dire peut-être que cette fois-ci, ça va être bon. Ouais, genre parce que tu l'as chance. Pas fait, ouais, tu l'as pas fait devant tout le monde, tu l'as pas recalé peut-être méchamment, tu vois ce que je veux dire. Heureusement. Ouais, voilà. T'es tourné à la tête, quoi. Ouais, tu lui as pas dit, tu me dégoûtes. Tu pues de la gueule. Non, peut-être pas quand même. Ouais, tu as pas dit ça. Non, en plus, si tu veux le revoir, il va se dire peut-être il y a moyen, donc il va se dire genre c'est pas une meuf facile. Et limite, c'est ça, ça peut l'exciter. Ouais, genre, il va dire c'est pas une meuf facile, ça va pas vite entre nous. Ah bah non, ça va pas vite, le mec s'est fait stopper dès le premier. Ouais. Ah, c'est clair que ça va pas aller vite. Ouais. Et vous êtes restés combien de temps ensemble? Bonne question de Quentin sur SMS. Ouais, genre le rendez-vous, il a resté. Hein? Quentin, il a duré longtemps. Genre, je suis partie, il était 6h30. Et vous êtes retrouvé à 3h, hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, 3h. Ah, vous êtes vu quand même pendant 7h30. Ouais, t'as raison, ouais. Hey. C'est con. Non, 3h30, c'est bien pour. Ouais. Et est-ce que tu t'es fait chier à un moment ou à un autre avec lui où tu t'es dit, oh putain, il est 4h, ça fait déjà 1h que je suis avec lui, je rentre chez moi? Non, non, du tout, j'avais pas envie de partir, j'étais trop bien. Ah, ça, c'est bien, voilà, il y a moyen. Ça, c'est bien, ça, voilà, c'est ça, en fait, voilà. Alors, Difool, il avait pas raison. Oui, bah alors, Difool, il avait raison. Je vais pas te rappeler une anecdote de dernièrement avec une fameuse méthode qui a complètement foiré. Moi, j'ai donné une méthode qui a foiré. Ah ouais, ça s'était terminé, mais très très mal. Mes amours qui nous écoutaient, je m'adresse à vous. Est-ce que vous m'avez déjà entendu donner une méthode qui a foiré dans l'émission? Ah bah, ne serait-ce qu'un jour. Il y avait même l'auditeur qui avait rappelé en disant que c'était de la merde. C'était de la merde. C'est un auditeur aigri. Ouais. Non, pas du tout. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais il était. Ça n'avait pas fonctionné ton truc. Ah non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Ah, mais un truc, mais merdique. T'as trouvé dans la merde. Ouais. Donc, tu verras, Victoria, j'aurais raison. Peut-être qu'il va démarrer un truc. Après, tu verras. Vas-y, fonce. Non, mais bon, si t'en. Oui, tu le revois, ça peut devenir un pote. Bon, ouais, tu seras dégoûté, mais. Oui, il est pas là pour ça, a priori. C'est possible. Mais non, mais le mec, il va être dégoûté, le pauvre, mais bon. Mais il écoute Sky ou pas? Dans sa voiture seulement. D'accord, tu lui as pas dit que t'étais passé sur Sky, tout ça, j'imagine. Non, je l'ai pas dit. Bah, il est peut-être dedans, hein. Il est peut-être en train de nous écouter, là. Ah bah, bravo, mec. Oh merde. Il est prévenu. Belle crampe aujourd'hui. Non, il y a moyen, mec. Ah. Moi, je pense qu'il y a moyen, moi. Tu vois, là, les auditeurs et les auditrices de Skyrock sont d'accord avec moi. Tristan, le chauve a raison. Ah, c'est cool, ça. À part Tristan qui... Non, il y a Tichel. Le chauve a raison. Oui, tu as déjà merdé dans tes méthodes, ouais. Difool. Non, il y a Tristan, le chauve a raison. Non, mais je l'ai déjà lu. C'est tu l'as lu? Il y en a qu'un, vous avez vu, il y en a qu'un. C'est le gars qui baisait sa voisine à cause de Difool. Il était dans la demeure MDR. Je lui dis, suivez pas toutes les méthodes de Difool, parce que votre vie après, elle est bousillée. Difool n'a jamais donné de mauvaises méthodes. Toutes les méthodes de Difool fonctionnent. Difool est un génie. Que Difool est beau. Ouais. Bien sûr, ouais. Bah oui. Bah, je lis les messages tels qu'ils défilent. Oui, bah oui, qu'ils arrivent tels quels. Ouais. Les uns derrière les autres. Trop bien votre émission, ça fait pas longtemps que je vous écoute. Maintenant, j'adore trop votre émission. Ouais, c'est cool. Et alors, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas sur vos écrans, parce que j'ai des écrans spéciaux. Surtout grâce aux super méthodes de Difool. Ah, l'invention. Tu vois? Ouais, c'est le message? Non, regarde, c'est le message de J59. C'est bizarre, tu lis un truc qu'on voit pas, nous. Ah ouais. Bah, c'est bizarre. Bien votre émission, tu vois pas? Oui, ça je fait le pas longtemps vois, que je vous écoute après. Et maintenant j'adore trop votre émission. Surtout grâce aux super méthodes. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Très bien. Difool ne ment jamais. Et il y a Dracols, l'autre qui s'est cassé le bras à cause de Difool aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ouais. Ça ah, le super conseil ici, c'est le truc qu'on expliquait l'autre fois. Qui s'est cassé c'est le bras? C'est pour brancher à une moi. Meuf, tu fais croire qu'à ton pote, il ouais, enlève la meuf. Ouais, mais ça, ouais, c'est... Ah, oui. Et sauf qu'il s'était poussé, l'autre était tombé de l'entrée du bus, il s'était cassé l'épaule. Ah ouais, les conseils de Difool. Et Shido, lui, il a remarqué ton petit manège. Quoi? En vrai, Difool, il aime trop carotter les idées des autres, parce que sinon, il a des idées de merde. Qui a dit ça? C'est Shido. Franchement, Shido, respect à toi, enfin la vérité éclate. T'as compris, ouais. Shido, tu portes bien ton pseudo, je te chie dans le dos. Je te chie dans le dos. J'adore la voix de Difool. Merci Fruitix, 17 ans, Loire-Atlantique. Vous avez du goût, hein. Difool est l'exemple à suivre. Difool est l'exemple à suivre, très bien. Ouais. Très bon message que tu as lu, parfait. Les conseils de Difool sont juste parfaits, c'est juste ses auditeurs qui sont parfois cons et qui appliquent mal. Ah, ben voilà. Je n'irai pas jusque là, bien ça. Sûr, mais... Il y a le puceau, Difool, t'es nul, il n'y a rien qui marche avec toi, le chauve a toujours raison. C'est vrai ça, bien je dis. Difool, tu craques à fond. Ben non, je craque pas, je rétablis la vérité, Guillaume. Difool, champion du monde. Merci. Et les messages, Difool, c'est un génie, vous les lisez pas là. Ah ouais. Difool, t'es bon. Alex du 94, merci Alex. C'est gentil Alex. Ouais. Alex, Difool is the best pour Albany. Un génie, oui. J'adore le crâne de Romano. Bah écoute, fais-lui un bisou si on se croise. En fait, ils sont marrants vos messages. Une soirée, faudrait qu'on lise que vos messages en fait. Diffuse le CR7 ouais, de la radio. Ah, ça c'est bien. Ouais, ouais, il pose en convaincant. L'acheté du 69. Diffoul, il a de bonnes idées, mais c'est pas les siennes. Amina qui me dit, Diffoul, tu es un phare dans l'obscurité. Oh bah oui, si Diffoul ment tellement, c'est pour ça qu'il a le pif qui s'allonge. C'est nul. Ça, c'est qui NK. Comme Pinocchio. Juste en dessous, la clavicule de Cédric, aussi menteur que son nez est long. Bah justement, donc pas menteur du tout. Il y a le Joker, vous êtes jaloux de Diffoul. Ah, ça c'est ouais, vrai. Ouais, bah ça. Oui. Ils sont jaloux, hein. T'aimerais avoir mon nez, hein. Le Zlatan de Lidl. Pourquoi tu dis ça, toi? Même Aljiro. Bon, Victoria, par contre, ce qu'on va faire, parce que on lit les messages, parce qu'ils sont des milliards et des milliards à défiler pour me féliciter de mes méthodes géniales que je donne tout le temps. Moi, je te dis, revois-le et tu verras bien. Et bah voilà. Ouais, voilà, ce soir, c'est ce que je compte faire à la base. Donc voilà. Et puis, tu verras, ouais. Tu verras. Ouais, tu voilà. Tu jugeras la situation. On verra, comme le disait ce bon Nekfeu. On verra. On verra. Bon, bah, tiens-nous au courant, Victoria. Puis, tu vois, c'est bien engagé. Okay, ça marche. Et je suis content que ce soit bien passé. Via l'application, je vous tiendrai au courant. Cool. Mais on a ton numéro, on peut te rappeler aussi, on prend des nouvelles. Ouais. Ok, ça marche. Et si vous vous renvoyez quand? Qu'on sache à peu près. Je sais pas du tout, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas. D'accord, bon, donc bientôt on aura des nouvelles, restez bien à l'écoute et vous en saurez plus. Voyez-vous ce week-end. Sur la très belle histoire. Tu veux soit tout de suite, toi. Bah ouais, voyez-vous ce week-end, comme ça je rappelle lundi. Attends, le mec. L'effet de l'amour, savoir qu'est-ce qui se passe. Le mec, il a peut-être pas le time, hein, mec. Ah ouais. Ouais, mais si tu lui fais croire qu'il va avec lui dans la voiture, il arrive dans une heure, je peux te dire. Finalement, il a un peu plus de time. Oui, c'est possible. C'est comme l'effet de l'amour. La suite de cette belle histoire d'amour. Très bientôt dans le prochain épisode dans la radio libre sur Skyrock. Victoria, c'est très bien. Victoria Newman. Ouais, mais après, tu peux pas cramer non plus, quoi. Victoria Newman, cédera-t-elle aux avances de l'homme à la voiture? C'est pas Victoria Abbott, plutôt. Non, c'est Victoria Newman, c'est la fille de Victor Newman. Et Abbott, c'est Nicky Abbott. Abbott de cuir. Abbott de cuir. Et Abbott en caoutchouc aussi. Bon, on prend des nouvelles très bientôt. Bisous, Victoria. Et Abbott le cul. Ok, merci. Salut à toi. Bon. On met du coco et on démarre. Hein. Mets le coco et on démarre. Hop là, c'est parti. C'est le son de Escrew. Mets le coco et on démarre. Ah, je prends de la coco et je démarre. Non, Marie. Non. On met de l'essence et on démarre. C'est l'essence. Génial. Ouais. Mets le coco et on démarre, c'est l'essence. Ouais, le carburant, quoi. Exactement. Le son de. Ah ouais, il y en a qui nous demandaient ce que ça voulait dire. Coco, ouais, c'est. Moi, je savais pas. Mets du carburant. Ouais, ouais. Ah, je connais pas. Non, j'ai jamais entendu cette expression. Ah, je mets du coco. On l'avait appris. Tu croyais que c'était quoi? Bah, je sais pas. Je pensais que c'était un truc genre. La cocaïne. Non, pas ça, mais tu sais, un truc genre, je me fais beau gosse et on y va, tu vois, un truc comme ça. Ah, du parfum, mais le coco, tu cocottes. Ouais, ouais. Ah non, je cocotte. Ah, c'est marrant. Ah, j'ai jamais entendu. Mais genre à Marseille, ça se dit pas. Le métro du coco. Ah, non. Eh ben, on écoute Escrew, Nekfeu, tout de suite sur Skyrock. C'est parti, démarre. On adore ce morceau. Et puis, on est de retour tout de suite avec vous en direct à 01 53 40 30 20. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le morning de Diffoul sur Skyrock. Tu refais là. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Après, par exemple, avoir fait une certaine période de service civique, je voulais savoir déjà ce que ça pouvait nous apporter. C'est une expérience et ça peut être l'occasion de la découverte d'un milieu professionnel. Mais ça peut être une expérience plus large. D'une manière générale, ce que nous disent les jeunes volontaires, c'est un moment où on a estimé qu'ils étaient capables de mener à bien une action, de prendre des responsabilités et donc ils sortent de là beaucoup plus sur deux, notamment pour affronter le marché du travail. C'est là que l'expérience acquise, l'enrichissement est la plus frappante pour eux. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Diffoul. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1TB Collector Final Fantasy XV, la console Collector Xbox One S Battlefield 1 Vir Militaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr sous condition de réservation.

Radio Libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Et le escrew sur Skyrock démarre. Et Coco, ouais, c'est bien, mettre de l'essence. Hein. C'est ça, ah, mais c'est sûr. Hein. Parce qu'il y a qui nous disait, je croyais que c'était le coyote. Non, je croyais que c'était le contact aussi de la voiture. Mais le coucou, mais le contact et on démarre. Ouais. Bon, on aura appris quelque chose. Et ben, exactement. C'est de l'essence. Mais le coucou et on démarre. C'était escrew sur Skyrock et on écoutait le nouveau Bruno Mars. Bruno Mars. Et ça repart. Hein. C'est une planète. Ouais, c'est et vrai, oui, c'est Cédric. Mais c'est vrai que t'es pas complètement con. C'est... Bruno Mars. Pour une fois. Oh là, c'est une fois. C'est comment? 24K. Ouais, 24K, c'est 24 carats, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est pour l'or. Putain, on l'avait dit au pif vendredi, on a eu la bonne réponse. Bien. Ouais, vendredi soir, ouais, ça doit vouloir dire 24 carats, cette histoire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai du pif, ça. C'est pas la première fois de la soirée. Un énorme. Mais depuis tout à l'heure, t'as vu ça? Ah, mais t'as un énorme, oui. L'histoire que depuis tout à l'heure. L'histoire de Victoria, je savais comment elle allait se passer. Là, pareil, même chose. Pour le clash aussi. 24 carats, le clash, je sentais le truc. C'est un truc de fou ce soir. Si vous avez vraiment des trucs à nous demander, vous posez des questions. On va relancer la voyance sur Skyrock, vous êtes. Ouais, je crois, ouais. Dis full le voyant. Tu veux pas que je te prédise ton avenir, Romano? Non, merci. Allez, non. Dans les boules de Cédric. C'est gratuit? Non, je l'ai pas dans les boules de Cédric. Cédric, tu es de retour lundi dans l'émission en direct avec nous. C'est ça. Même si tu passes les soirées au téléphone dans ton lit avec nous. C'est ça. Et tu te branles des fois en étant avec nous au téléphone? Ouais, quand je parle. Ah, ça serait kiffé, mais son non. Son mari. Ah non. Tu as un cul. C'est pas sur Marie qui se branle, c'est sur moi. Bah oui. Je vis dans tes couilles. Le mec, il me kiffe trop. Ça, je suis son lit. L'autre fois, je suis allé chez lui, il y a des posters de moi, quoi. Ah ouais. Même pas ça, on m'avait dit, mais il y a des autocollants. Ouais, des autocollants. Tim Romano. Tim Romano sur le frigo et tout, j'en ai vu. Tiens, il y a Covano, 19 ans, qui nous dit 24K, ça veut aussi dire 24 000, idiot de D-Fool. Oui, mais c'est des suppositions qu'on avait faites, mais on s'est dit, en écoutant les paroles, il est dit à un moment, ouais, je crois. Ouais, 24, c'est vrai. 24 carats. Ah ouais, D-Fool, il parle anglais. Il le dit dans le début, ouais. 24, ouais, au début, il dit carats. 24 carats magiques in the air. Ouais. Hey, 24K magic in the air. It's magic in the air. C'est ce qu'on va écouter tout à l'heure. Le nouveau Bruno Mars. Et oui, il y a plein de nouveautés que vous découvrez sur Sky. On vous l'avait passé dans le morning, ça. Ouais, vendredi. C'est vrai. Ouais. C'était vendredi. Nouveau Bruno Mars. Bon, qu'est-ce que on fait? On a Elliot. On a parlé de tags en début d'émission. Tiens, si vous faites des tags, envoyez-nous. Il y a eu plein que vous nous avez envoyé tout à l'heure. Vous pouvez nous les envoyer maintenant si vous n'étiez pas à l'écoute à 21h pile. On a eu au téléphone un tagueur qui s'est fait choper. C'est le Marseillais. Ouais. Julien. Juju. C'est Julien. Donc il s'est fait choper par la police. Bon, il a juste une comment ça s'appelle? Rappel à la loi. Voilà, c'est ça. Mais il veut continuer en fait. Et il voudrait continuer. Et nous on lui a conseillé, c'est sa passion, il aime ça. Tu vois, mais on me dirait t'as pas le droit de faire ta passion. Mais après toi ta passion elle abîme pas les choses et lui c'est vrai que c'est un peu il est un peu hors la loi, on va dire. Ouais, mais quand tu faisais de la radio libre au début, t'étais hors la loi. Ouais, t'étais hors la loi, c'était exactement pareil. Bah ouais, t'étais un hors la loi, man. Oui, mais le problème, exactement. C'est que les tags, on a lancé la radio libre. On a eu plein de problèmes, Romano, rappelle-toi. Ouais, je m'en souviens. 200 000 euros d'amende à cause d'une pipe. Oui, c'est vrai. Ouais, putain. Ouais. Non, on s'est pris 200 000 euros d'amende dans l'émission à cause d'une pipe. Ouais, c'est vrai. On a parlé d'une pipe au CSA, ils ont été choqués, les gars. Extrêmement. Par contre, il y a Eric Zemmour qui parle tous les matins sur RTL. Ça, c'est pas choquant. Non, ça va, ça c'est fluide. Normal. C'est vrai, c'est bizarre. Ouais, c'est chelou. Nous, la pipe, c'est 200 000 euros. Eric Zemmour. Bon, ça passe. Pour envoyer tous les Arabes et les musulmans chez eux, parce qu'ils sont pas chez eux ici. Ça passe très bien sur RTL. Ouais, très bien. Raison. Tu l'aimes bien, Eric Zemmour, Romano? Ah, bah, c'est clair, je suis. Mon idole. Mon idole. Bonjour, Romano. Bonjour, je suis Eric Zemmour. Bonjour, je m'appelle Ménard. Bonjour, vous êtes France. Bourguignon, monsieur. Bourguignon, je vais en parler à mon ami Robert Neymar. Ménard. Neymar, c'est le genre de fou. Manard. Connard. Je vais en parler à mon ami Robert Connard. Ouais. Ah, il est horrible, ce Eric Zemmour. Vous savez comme il est? Là, il parle. Rien que sa gueule, déjà. Quand tu le mets en noir et blanc, t'as l'impression de regarder un film de la guerre. Ouais, c'est vrai. Je vous dis pas dans quel camp, hein, mais. Si tu lui mets un costume aussi, ça lui irait bien, en général. Mais en fait, ce mec-là, il aimerait qu'on le reçoive dans l'émission. Non, ça va, non, mais pourquoi tu me poses ces questions à moi, putain? Parce qu'on sait que tu l'aimes. Ah ouais, non, mais bon, j'aimerais que ça reste secret. J'ai le droit de vie privée. Non, moi j'aimerais bien lui parler. Tu sais, tu le parles, tu le clashes avec lui, tu vois, mais pas. Tu sais, normal quoi. Le mec il te présente ses arguments, tu t'as lui présentes tiens. Temps. Tiens, un débat. Ah non, tu perds du temps avec des gens comme lui, je crois. Mais attendez, il passe tout le temps à la télé déjà. Ouais, mais je trouve que t'as raison quand même, parce qu'en plus, ce mec. Tu sais, il doit être dans son idée à lui, tu sais, il doit être comme un. Mais même pas, tu sais, au début c'était genre ses idées, et maintenant le mec en fait il fait exprès de. Ouais, de provoquer, ouais. Tu sais, c'est un espèce de buzz à l'envers, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, il fait exprès, ouais. Mais il m'intéresse même plus, gars, tu sais, je trouve ça ridicule. Il aime être détesté. Ouais, il fait exprès, il cherche le truc. truc, tu vois. Mais c'est pas lui. C'est bizarre d'aimer être détesté. Ah mais c'est ça, il y a des mecs, tu vas voir un psy, le mec il va te dire ça. Et en fait, ce mec là, ouais, il aime être détesté, quoi. Donc c'est psychiatrique. Pour faire ça. Psychiatrique, je sais pas, je ne suis pas du métier. Non mais si, il doit être malade, monsieur. Non mais c'est pas si c'est malade. Le mec, ouais, c'est bizarre d'aimer être détesté, quoi. Oui, j'adore. Détestez-moi, insultez-moi, traitez-moi de nazi, s'il vous plaît, monsieur. Ah non. Ouais ouais, bon laissez, foutez-moi la paix, monsieur. Mais du coup, ils vont parce que les gens se demandent ce qu'il y a dans le bouquin, donc. Ouais, mais c'est pour ça, c'est son fonds de commerce, c'est ça, tu vois. Voilà. C'est même pas si c'est ce qu'il veut. Mais il vend des livres, monsieur. Ah ouais, ouais, ouais, pas grave. Ouais. C'est ça le plus triste au final. C'est les meilleures ventes de livres. Ah ouais, ouais, le mec. Ouais. Mais non. Ah, si, quand tu rentres dans la Fnac, par exemple, tu vois, c'est les meilleures ventes. Ouais, ouais. Oui, coucou, je suis là. Ah ouais, mais il est là, côté. Je suis là. Quoi, dans son domaine à lui, hein, parce qu'après, il y a quand même des romans. Avant, quand même. Il y a quand même des romans qui. Bah ouais, après, les magasins, bon, ils mettent en avant ce qui marche aussi, quoi. Ça veut dire que ça. Ah oui, non, mais ils vendent plus de 100 000. Il ressemble à Monsieur Burns un peu, non? Ouais, carrément. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Mais Monsieur Burns, c'est quand même plus drôle. Monsieur Burns, c'est quand même plus sympa que sa centrale nucléaire. Clair, ouais. Clairement, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Éric Zemmour, moi je l'adore. Merci pour ton message. La oui, merci, mais j'aime être détesté, insulte-moi. S'il te plaît, insulte-moi. Oh, connard. Ah, merci. Il y a Jennifer Thompson, moi je me suis embrouillé avec lui à l'aéroport et il voulait pas faire la queue comme tout le monde, ce connard. Ah, ouais. Jennifer, elle est super parce qu'elle est à l'aéroport de Roissy. Elle voit tout le monde. Ouais. Elle voit plein de stars, c'est bien. On salue d'ailleurs ceux qui nous écoutent et qui rentrent du boulot ou qui sont encore là. Bon. Ce connard, elle a dit. Alors, on va prendre Yaki, Maxime et Elliot. Ah ouais, pour les tags. Alors oui, Elliot, il est là depuis le début de l'émission. Excuse-moi, Elliot. Hein. Il a séché. Ouais, t'as séché au télé. Mais en tout cas, t'as pu écouter l'émission depuis le début. Tu es à ta guerre. Un taguer. Tu es à ta guerre. Un taguer. Alors t'as 18 ans et t'es Dijonais, toi. Ouais, c'est ça. Moi, je vous aime bien, les taggeurs, parce que je trouve que vous avez du talent. Il y a des trucs que j'arriverais pas à faire, moi. Non, mais il y en a, non. Il faut quand même être honnête. C'est claqué, quoi. Il y en a, ouais, c'est claqué. Des fois, tu vois des trucs, c'est tout pourri, tu vois. C'est des vieux tags, Stéphanie, je t'aime. Les taggeurs. Ouais. Les taggeurs, il faut les tuer. Oui, merci. Guillotiner, comme à l'époque de Louis XIV. Notre bon vieux roi de France. Ouais, c'est ça, lui. Ça, il est vieux, oui. Oui, descendant des bons Français, les Gaulois. Ah, mais c'est ça, lui, en fait, ouais. Moi, je ne suis que des Gauloises. Non, ouais. N'importe quoi. Bon, vive Dijon, on nous dit. Ah bon. Bonjour, Dijon, bon. RPZ. Dijon RPZ. Vive le lac Kyr. Le lac là-bas il s'appelle Kyr, comme le Kyr. Comme l'alcool. Ouais. Parce que le Kyr ça vient de Dijon. C'est vrai que Marie a essayé de le vider un jour. Et quand tu bois de l'eau du lac, t'es rabat. Ah ouais, complètement. Ah, ouais, le du lac c'est du vin blanc avec la crème de cassis. T'imagines. Bon, vous, donc toi, t'es. Marie, c'est pas vrai. Non, mais je sais que c'est pas vrai. T'es con, bah, ouais. T'es en direction Dijon. Ah, putain. J'allais le lac Kyr. Bah, évidemment. Ouais, vous nous envoyez des beaux tags, là. Il y a Blacko qui nous envoie un tag qu'il a fait. C'est quoi? C'est sur les murs de train, ça encore? Ouais. Ouais, on dirait. Il écrit sur les murs du train, là. Il écrit sur les murs du RER. C'est ça. C'est dans le 94. Bah, écoute, merci à toi, Blacko. Et donc, toi, t'as eu des soucis? Julien avait eu des soucis à Marseille parce qu'il taguait, il s'est fait choper par les keufs à cause d'une balance. Ouais. Bonjour, c'est Éric Zemmour. Ouais, je suis là. J'ai balancé le jeune taguer. Ah non, mais le mec prenait des photos et tout, quoi. Oui, voilà. Alors qu'il faisait ça sur un mur tout pourri, quoi. Ouais, apparemment. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, Elliot? Bah, lui, il a eu de la chance d'avoir qu'un rappel à la loi parce que, donc moi, en fait, je me suis fait balancer, pareil. Et, Ouais, des balances. Non, mais après, toi, ça dépend. Si le mec, il t'a balancé. Moi, c'est clair, je vois un mec. Si il tague ta porte, oui. Oui, si le mec est en train de taguer ta maison, tu vas pas lui dire, continue. Ah ouais, pas mal. Je vais prendre 2-3 photos souvenirs. Vive là. Tu m'étonnes que là, tu pètes un plomb, ouais. Non, justement, nous, c'était sur je sais pas comment ça s'appelle, les transformeurs électriques, là. Ah, les transformateurs. Les cabanes en béton, ouais. Oui, en fait, ça c'est, de base c'est moche, ouais. Oui, déjà, ouais. Ouais, c'était au milieu d'une forêt, en fait, et il y avait les rails du train qui passaient, en fait, c'est un conducteur de train qui nous a balancé. Putain, en passant, il vous a vu, il vous a balancé. Ouais, mais peut-être que le mec il a flippé, Jack. Peut-être t'es près des voies ferrées, déjà le mec il a dû dire pour un peu c'est des mecs qui veulent se foutre en l'air. Ouais, ça se trouve, il a même pas dit c'est des mecs qui taguent, ouais. Ou alors ils vont faire une connerie. Loin, hein. Ou ils vont voler du câble Il y a des vols de câble. Quelquefois tu vois des tags ou des graphes et tout dans des endroits, mais tu te demandes comment les mecs arrivent à monter. Des fois sur des ponts, sur l'autoroute, sur les ponts, mais c'est un truc de ouf. Et donc du coup il a eu de la chance parce que moi j'ai pris 3 000 € d'amende et 80 heures de TIG dans ma commune, en fait. 3 000 € pour avoir tagué un transformateur tout vilain en plein milieu de forêt. Mais c'est qui a porté plainte? C'est la SNCF? Ouais, ça leur appartient. Mais eux ils rigolent pas. Mais je pense que à mon avis ils ont flippé. Et les TIG t'as fait quoi? En fait, j'ai fait des, donc j'ai bossé dans la commune où j'habite en fait, donc déjà j'ai repeint le transfo. Ah ouais. Tu as fait des après, tiges 80 à cause heures, d'un tag. Ouais. Oh. Et donc on était deux. Excuse-nous parce que là on est en train d'écrire un morceau de rap là. On va le faire en freestyle en chez Fred. Et t'as une grosse tub. Voilà. Ouais. C'est bien. Hey. T'es un tug, t'as fait des tiges à cause de la tag. T'as une grosse tub. Yeah. Et donc tu disais, ouais, vas-y. Et ouais, donc on était deux, et puis donc les flics se posaient une fois dans un sens, une fois dans l'autre, donc c'était tôt le matin, ça devait être 6-7 heures. Mmh. Et ouais, donc du coup, bah, plaqué au sol, et on les a même pas vu arriver, et puis terminé, quoi. Ah, ouais, c'est pas de chance, ça. Il y en a un qui a encore moins de chance que toi, c'est Olivier, 17 ans, lui s'est fait choper en taguant la maison d'un keuf. Oui, il a pas de chance, ça. Ouais. Ah oui, non, mais toi, Non, mais là, toi, tu t'es niqué parce que le transfo, c'est propriété de la SNCF. Ouais. Et la SNCF, eux, ils portent plein de directives. Ah, ils rigolent pas, eux, gros. C'est comme si c'était leur maison. Ouais, c'est à eux. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Même les abords des voies, hein, je crois que c'est à eux. Ouais, je pense, je te dis, ouais, en plus, il y a toutes les histoires, les mecs qui se font taper des kilomètres de câbles, ça fout le trafic en l'air, peut-être t'as des mecs qui se suicident, le mec qui voit des mecs au bord de la voie, il a dû flipper le conducteur. Ouais, je pense que, ouais, comme disait Karim, il a même pas vu que vous étiez en train de taguer, hein, je pense qu'il a dû signaler, il a signalé, il y a deux mecs flippés, ouais. Il y a deux mecs qui sont au bord de la voie, qui sont en train de foutre, quoi. Ouais, et puis pourtant, en plus, on n'a pas coupé un grillage, vous avez rien détruit. Non, mais après, et puis maintenant, en plus, vu qu'il y a, tu sais, des alertes attentats et tout, le mec, peut-être. À mon avis, il signale dès qu'il voit des mecs chelous. Je suis d'accord avec toi, Romano. Non, mais c'est ça. Et puis le coup d'être à proximité des rails, tu sais, ils aiment pas. Bah non, mais tu peux prendre le jus, hein. Ah oui, c'est vrai. J'adore le jus. Hein. Ah, je kiffe, moi. Mais en Bourgogne, c'était arrivé, un mec, bon, aussi, il était un peu con, je sais plus comment il s'est démerdé, ils avaient coincé un truc, tu sais, sur les câbles, et il a pris un espèce de truc en ferraille, une tige. Mais il est con, déjà. Ah ouais, il a grillé, lui. Ah ben, le mec, il est mort, hein. Ah parce que là, tu sais pas, tu te prends pas du 220 volts, hein. Ah ouais, putain, merde. Bah ouais, moi, j'ai un pote à moi. Le mec, il est resté collé, hein. J'ai un pote à moi, il est tombé sur les rails du métro. Non, mais comme tu racontes, c'est marrant. Alors que l'histoire est triste au départ. Ah non, mais le mec, ça, mais tiens, gris, quoi, en fait. Ah bah là, oui. Ah ben non, mais tu restes collé, c'est pas comme une prise, tu vois, une prise, t'as le réflexe de. Là, tu restes bloqué dessus, quoi. Tu restes bloqué. Moi, j'ai un pote à moi, il est tombé sur les rails du métro, mais bon, ça va, lui. Enfin, il a été brûlé au visage, mais ça va, gros, il est pas mort. Mais c'est touches les deux rails à la fois, et pareil, tu prends le jus. C'est ça? Ouais, je sais pas, gros, mais il est tombé. De toute façon, le métro, ça fonctionne à l'électricité. Non, en fait, il a plus d'oreilles. C'est différent, je crois, le métro. À Paris, c'est l'électricité, elle est au milieu, non? Ah bon c'est à Marseille et dans les autres villes où c'est les deux plus et moins les deux rails. Ouais, je crois que c'est ça moi. À Paris c'est au milieu. Ouais, c'est ça, à Paris c'est milieu, différent. À Paris c'est au milieu, tu touches du milieu et ouais, c'est pareil hein, si tu touches c'est pas bon ouais, non plus. Ouais, en général, tu vas pas sur les rails quoi. Non. T'es vite. Et t'as arrêté de taguer toi Elliot ou tu continues? Bah non, justement en fait ce que j'allais dire moi à mon avis ce qu'il faut enfin c'est surtout jamais commencer parce qu'en fait dès qu'on a commencé. Ouais, ah tu vois c'est bien ça, Nana 29 elle nous dit là elle est de Brest et là-bas à Brest genre sur le port ils mettent le port comment comme Cédric. Non mais le port des bateaux des murs au port là ils nous envoient c'est l'abbé Pierre il est vachement bien fait hein, putain. Alors ça c'est un dessin de l'abbé Pierre et à côté il y a un tag où c'est écrit bah ouais non ça mais il y a un truc après mais il y a pas la suite. Et là à Paris aussi il y a des murs hein, comme ça. Ouais mais il y en a un peu partout mais je pense que c'est moins sympa quoi. Non mais plutôt que d'arrêter Elliot va sur des endroits comme ça. Tu sais c'est des endroits moches et ils mettent des murs à dispo et c'est bien. Ouais, à Paris, il y avait un immeuble, mais ils l'ont détruit maintenant. Ah ouais, c'était un truc de ouf, c'était trop beau. Hein. Et ils avaient tagué tout l'intérieur aussi. Ouais. Ouais, tout l'intérieur et toute la façade. Mais j'ai visité hein. Ouais, putain, il y avait une queue de ouf pour y aller, c'était hallucinant. Non mais c'est vrai. Après ils l'ont détruit quoi l'immeuble. Il y a des trucs, en fait, c'était les propriétaires de l'immeuble, ils savaient qu'ils allaient le détruire. Et ils avaient autorisé plein d'artistes à venir. Ouais, des artistes du monde entier à venir décorer le truc et après ils faisaient visiter. Ouais. Il y a eu des trucs à la télé. Ah, c'était hallucinant ce truc-là. Ami artiste, Elliot, on te soutient, Elliot. Ouais. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai dû changer de signature, quoi. Ouais, on avait dit tout à l'heure de faire une signature différente à chaque fois. Après, si c'est ton blast, ta signature, c'est chiant. Mais toi, Elliot, t'es à Dijon même ou t'es dans un bled à côté? Non, je suis un peu à côté, ouais. Ah ouais, mais dans un bled, même à mon avis, même si tu changes de signature, tu sais, il doit pas y avoir 10 000 mecs qui taguent, donc forcément, s'il y a d'autres tags. Ouais, puis tu vas avoir ta patte aussi. Tu seras soupçonné, quoi. Bah oui. Coupable, c'est présumé coupable. Bon, bah maintenant, sur des feuilles. Ça va être horrible. Tu vas galérer avec tes bombes. Ouais, c'est clair. Des grandes feuilles, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, merci à toi, Elliot. Et puis, on salue Julien aussi, le Marseillais, qui tag. Et tous ceux qui nous envoient des messages aussi pour les tags. Merci à vous. Salut, Elliot. Ciao, ciao. Et raccroche pas. On prend Maxime. Allez, ouais, on va prendre Maxime. Il a une question à vous poser, les filles. Parce qu'il a un problème avec les meufs. Ouais. T'es là, Maxime? Ouais, salut. Salut, Maxime. Coucou. Alors, t'es dans le 72, c'est du côté du Mans. Ouais, exact. Bien. Comme Cédric, d'ailleurs, tu manques. Tu manques comme Cédric. Ouais, c'est vrai, ouais. Oh là, j'habite à Paris. Oh là là là là. Ah, mais moi, je suis en pleine campagne. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Eh bah, bienvenue, la campagne. On est partout, vous avez vu. Il y a des porcs vers chez toi? Parce qu'au moins, il y a beaucoup de porcs. Non, il y a beaucoup de vaches. Ah, parce qu'il y a, bah, non, parce qu'il y a les rillettes, il y a du porc. Eh ben, ouais, oui. Bah oui, oui, il y a beaucoup de porcs aussi. Parce que je me souviens à mon porc, Guirou, que j'avais eu. Oui, parce que Romano a eu un porc domestique. Ouais, c'est vrai. Il l'a abandonné d'ailleurs. Autre que Cédric. Hein. Non, je l'ai pas abandonné, je l'ai donné à un auditeur dont la maman achetait un corps de ferme et elle allait se lancer dans la rillette. Voilà, c'est ça. Depuis, on l'a bouffé. Non, mais il était cool, mignon. Ah non, mais il était mignon. Ah, bah j'aurais une maison, je l'aurais gardé. Ouais, il était gentil. Hein. Ah ouais, c'est hyper affectueux à l'époque. Ouais. Non, mais puis c'est grave intelligent. Contrairement à ce qu'on pense, c'est grave intelligent. Il paraît que c'est plus affectueux que les chiens. Oh, ça dépend des chiens, Marie. C'est ce que j'ai vu en tout cas. Non, mais c'est plus intelligent qu'un chien. Ah, c'est vrai, dit Maxime. Ah ouais, ouais, mais ce que j'ai vu, mais après. Et plus intelligent qu'un chien. Ah bah attends, ouais, c'est vrai, en plus c'est super intelligent, un cochon. Mais moi attends, en deux jours, je l'avais en appartement à Paris, mais en deux jours il était propre. C'est-à-dire qu'on lui avait mis. Et ton chien, Mehmet, combien il a mis de temps à être propre? Ah putain, il a mis à être complètement propre un an. Ah ouais. Ouais. Tu penses que Mehmet est plus intelligent que Guirou ton porc ou qui? Non, il est plus con. Non mais nous on sait qu'il est beaucoup plus con. Non mais nous il est couillon notre chien, mais on l'aime comme ça. Il est gentil. Non mais il est couillon, non mais il est complètement débile. Mais il comprend rien. Hein. Non mais là je sais pas, en ce moment il fait du tapis volant. C'est quoi ça? Bah en fait il y a un tapis sur le truc, ouais. Et il dérape. Ouais. Il fait des dérapages. Exprès? Genre, mais ouais, je sais pas, il fait du surf. Bah tu vois qu'il est pas con, il fait du... T'es le premier chien qui a inventé le surf en appartement. C'est Brice de Nice. Ouais, non mais c'est ça. Mehmet de Paris. Il y a des chiens qui font ça aussi. C'est ouf ça, mais tu vois déjà pour faire ça il est pas con. Ouais, quoi, c'est pas non plus. Bah, si, il a compris que. Bah, il joue. Non, mais c'est pas un signe de super intelligence, quoi. Bah, il a compris qu'il pouvait faire un surf avec un tapis. Non, si, alors maintenant, il y a un truc qui m'énerve un peu, qui fait. D'ailleurs, l'autre fois, je l'ai grondé. C'est. Il monte regarder à la fenêtre et. Tu sais, normal, avec le museau, il pousse le rideau, tu vois. Bah, genre, c'est. Bah, ouais, tu sais, genre, ça le gêne, quoi, tu vois. Mais il est pas con. Mais ça, je l'engueule parce qu'après, il baffe dessus. Et ça m'énerve. Je suis un peu maniaque de mes rideaux. Oh putain, bon, maniaque de la tête. Pourquoi est-ce qu'on parlait de porc? Ah oui, le Mans, les rillettes. Ouais, le porc, ouais. D'accord, j'ai compris. Donc Maxime, toi tu nous appelais par rapport aux filles parce qu'il y a un truc qui cloche quand tu expliques aux filles ce que tu fais comme boulot, les études que tu fais, parce que tu fais des études là, t'as 16 ans. Ouais, voilà. Bah là, en ce moment, je suis en bac pro CGEA et. Pourquoi? Donc ça, c'est des trucs d'agriculture. Bah, voilà, exact. En fait, dès que j'entame une discussion avec une fille puis qu'elle pense à s'intéresser à quelque chose et que je lui dis que je suis dans le métier de l'agricole, tu vois, tout de suite, elle baisse d'un ton et puis, ouais, tu travailles dans la merde, t'es un bouseux. Je crois que ça nuit à ton image. Je suis dans la merde. C'est pas sympa. Voilà, ouais. C'est sympa, les meufs. Espèce de plouc. Ouais, de la merde. Faut appeler Karine Le Marchand. Ouais. Ah mais bon, tu vas pas faire l'amour dans le pré à 16 ans. Hein. Oui, c'est vrai. Mais elle aime les agriculteurs, Karine Le Marchand. Mais elle aime tout le monde. Ouais, quoi, oui, elle les aime bien, parce que ça lui fait gagner sa vie, quoi. Je pense qu'en soi, les agriculteurs, bon. Elle en a rien à foutre. Je sais pas, mais j'en sais rien. Un peu, moi. Dans son bac-terrain, bon. En tout cas, il y en a qui trouvent, du coup. Oui, oui, non, mais après, c'est bon, l'émission est utile à certains, quoi. Ouais. Donc, toi, tu penses que le fait de dire que tu fais des études dans l'agriculture, les meufs, c'est antisexuel? Bah ouais, il y en a certaines, on me l'a déjà dit, quoi, donc. Elles t'ont dit quoi, les meufs? Elles sont cachées. Bah, des trucs comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est pas le métier. Non, mais c'est pas le métier. Bon, c'est vrai que c'est pas le métier le plus sexy, mais bon, de là à dire, ouais, t'es qu'un bouseux de merde. Ouais, c'est abusé. Non, mais est-ce que tu travailles vraiment dans la merde? Tu te roules dans la merde, tu vois, bon, non, franchement, c'est l'agriculture, c'est ce qu'on dit, mais c'est super propre, quoi. Mais tu fais le matériel. Mais tu remues de la merde. Non, puis c'est hyper technologique, en fait. Non, je remets pas de la merde. Non, mais il y a pas quelques trucs qui est robotisé. Non, mais tu fais quoi? Tu l'agriculture, t'es pas avec ta bêche. Ah non, mais c'est fini. Ah hein. Ouais, c'est à l'ancienne. C'est les tracteurs, non, ils sont programmés pour les semis, ouais. Et tout. C'est une bêche, Karim? Une bêche? Oui. Une bâche? Une bêche. Non. Ouais, mais c'est avec l'accent, il dit bêche. Mais c'est pas. Mais non, c'est quoi, c'est une bêche? Rigole. Mais non, une bêche, c'est ce que tu mets sur la remorque. Non, c'est quand tu pars au blé. C'est ce que. Bon, un râteau, c'est ce que c'est. Comme un râteau, ouais, un râteau, ouais, ouais. Ouais, une bêche, c'est quoi? Je sais pas, gros. C'est un rapport avec le râteau. C'est pareil. C'est quoi, c'est la pelle pour ramasser? Non, une pelle, c'est une pelle. Je sais pas, une bêche, c'est une bêche. Maxime, explique à Karim ce que c'est une bêche. C'est quoi une bêche, Maxime? Une bêche, en fait, c'est pour comme bêcher les patates. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est parce que c'est patate. Je sais pas, c'est quoi. Si, patate, je sais, mais bêcher, tu vois, là, tu. Patate dans tes dents, moi aussi, je sais ce que c'est. C'est quoi un bêcher? C'est épluché? Non, pas Cédric. Tu sais ce que c'est une bêche? Bah ouais, c'est un truc pour retourner un petit peu la terre. Ouais, ouais, pas con. Ouais, putain, t'es moins con sur le coup. Et tu sais que Karim, t'as piqué ton titre. Je crois que, ouais. Non, mais ça fait un moment qu'on l'a remarqué. Il est plus con que toi en ce moment. C'est vrai, ouais, non. Non, mais de toute façon, il a pris ma place, là. Non, mais d'ailleurs. Pour la première fois, Romano te fait un compliment. Non, mais lundi soir, d'ailleurs, tiens, une des surprises, qui n'en est plus une, c'est on avait promis, on va vous faire un test de culture générale aux deux. Et vas-y, on va voir si tu veux, gros. On va lire le plus con. Lundi soir, retour de Cédric dans la radio libre. Ah, bah si, on va lire le plus con des deux. On va vous mettre des buzzers et tout. Vous allez non, je vais réviser ce week-end. Révise. Attention, tout domaine. Hein. C'est-à-dire tout domaine. C'est vraiment ça commence bien. Oh là là là là. Sans que ça va. C'est-à-dire, ça peut être des questions sur tout et n'importe quoi. Mais genre maths. Ah ouais, maths, géographie, culture générale. Ouais, truc d'école ou non, dans la vie aussi. Non, dans la vie. Par exemple, tiens, pour vous donner un exemple. Par exemple, c'est quoi une bêche? Voilà. Tout bah, ça c'est un genre de pioche. Putain, ouais, je raconte pas le niveau du questionnaire, quoi. Ah, putain. Il faut tous les thèmes. Cédric contre Karim, ça c'est un match au sommet. Ouais. Eh, Karim, t'as. Ah, celui qui perd, c'est le plus con, hein. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Putain, gros, je t'ai dit, je vais réviser, gros. Mais t'as pas des problèmes psychomoteurs en ce moment aussi? Parce que tous les soirs, gros, tu me fais un truc. Attends, je vais montrer à Romano. Tu vois, quand on fait les numéros du Clash de la Drague, on imprime l'annuaire. Ouais. Mais tu vois, l'imprimante. Elle décale un peu, je sais pas si tu vois, il y a le nom de la personne, machin, Robert, et le numéro qui est en face m'a un peu décalé. Ouais. C'est pas compliqué. Oui, non. Et tous les soirs, Karim, il vient me voir avec son doigt, et il suit le nom de la personne, et il fait, le numéro de Robert, c'est celui-là, et il descend un centimètre, parce que le numéro, il est pas en face du nom. Je sais pas, ouais, gros. Bah ouais, mais gros, c'est pas en face, ça rend fou, c'est décalé. Il se rend fou, gros, pour savoir quel numéro, avec quel prénom, alors qu'il y a un centimètre de décalage. En fait, je révise mon jugement, t'es pas con, t'es débile. Ouais, et c'est, il prend son doigt, il se fout sur la feuille comme ça, il fait des traits. Mais ouais, mais c'est pas en face, règle. C'est pas pratique, ouais, gros. Quand je vous dis que c'est un match au sommet qui nous attend lundi. Ah ouais. Difficile à prononcer. Ouais. D'ailleurs, c'est question pour un con. Question pour un gros con. Question pour le plus con, on va faire. Bon, on salue les fils d'agriculteurs qui nous laissent des messages. Il y a Shoshana qui nous laisse un message, 20 ans, par exemple, qui vient de laisser juste un message maintenant. C'est trop con de s'attacher à ce que veulent faire les gens et de dire que c'est des bouseux, connasses que t'as rencontrés. Bon, mais alors. Non, mais et contrairement à ce qu'on pense, il y a des agriculteurs, ils font de l'oseille. Hein, ils sont pas tous. Bon, il y en a un paquet qui galèrent, ça c'est vrai. Ouais, il y en a beaucoup. Mais, non mais il y en a qui font de l'oseille. Il y en a qui font des oiseaux, ouais, beaucoup. Après il y a un boulot qui vous dérangerait chez votre meuf ou chez votre gars? Bon, si moi si elle était pute, oui. Ouais. Évidemment, mais un boulot normal, on va dire. T'es pas tolérant, man. Un boulot normal. Non. Non, moi elle fait ce qu'elle veut. Pas, non, je sais pas. Moi si ma meuf elle était flic, ça me ferait un peu chier, gros. Ah ouais, parce pareil. Que, le rapport qu'ils ont, j'ai rien contre les flics, mais tu sais entre collègues. Tu sais, ils sont vraiment dévergondés et tout, tu vois, avec ma meuf toute la journée, elles se prennent des vieilles blagues de cul par ses collègues. Ah, tu crois que c'est comme ça dans la police? Bah, moi, j'ai des collègues keufs, je vois les blagues qu'ils font, si tu veux. Ouais. Ah, il y a pas de soucis. Ouais, c'est clair. On est bien carrossés aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, ils discutent, ils délirent. Ouais, il y a une meuf au milieu. C'est... Ouais, ça, c'est clair. Si moi, le truc, ça serait qu'ils bossent genre au Front National. Alors, ça, t'as raison. Ça t'en réfléchir, je crois que c'est le pire. Que ça soit un auteur pour Éric Zemmour ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Sur l'assistant. J'aimerais coucher avec Éric Zemmour, Marie. Non, mais quel enfer. Ah ouais. Pour combien t'es prête à coucher avec lui? Tu préfères coucher avec Cédric le Belge ou avec Éric Zemmour? Ah bah, Cédric. Ah, ouais, Cédric, on y arrive. Qu'est-ce qu'il faut pas mettre en face? Ah ouais, c'est ça. Lundi, tu reviens. Bon, si vous avez des petits conseils aussi, on vous a recalé à cause de votre métier ou le métier que vous vouliez faire, dites-nous. On y revient. Non, mais entre nous, Maxime, les meufs sur lesquelles t'es tombé, c'est quand même des sacrées connasses. Ce que j'allais te dire. Ouais, ça fait du tri au moins. Reste là, Maxime, on y revient tout de suite. Le temps d'écouter Bruno Mars, le nouveau. C'est 24K Magic. C'est un morceau qui doit te plaire. Romano, ça parle de 24 carats. Ouais, j'aime bien. Et ça, c'est cher. Ouais, c'est le luxe. Bon, et la roulette qui va tourner, vous l'avez entendu, c'est l'heure de gagner Joule. Vous vous inscrivez donc 7-20-20, il faut envoyer roulette. Vous envoyez roulette au 7-20-20 très très vite et vous vous retrouvez en direct avec nous sur Sky pour faire tourner la roulette et gagner Joule. Place de concert, il n'y en a plus à Paris, on en a encore. Il n'y en a plus à Marseille, on en a encore. Vous êtes du côté de l'Est de la France, Amnéville. On en a pour vous à Amnéville, au Galaxy. Ouais. Et à Nantes aussi. Les 4 dates de Joule, les 4 dates qui sont annoncées pour l'instant, elles sont pour vous. Allez-y vite, roulette au 7-20-20 et 24 Magic. Bruno Mars.

libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Je voulais saluer Iliane, tu t'es trompé Iliane. Tu nous as bien fait rire. Iliane, il nous a envoyé roulette au 7-20-20, mais oui, sur le 41-7-5-9. Il a écrit tout en lettres. On l'a vu quand même, on prend quand même ton inscription, Iliane, mais t'as écrit roulette au 7-7, comme on écrit 7 en lettres, 20-20. Non, c'est au 7-20-20, c'est un numéro, 7-20-20, t'as ma roulette. Pareil pour les 1500 €, vous envoyez 1500 au 7-20-20. C'est un numéro. C'est comme le 41-7-5-9, sauf que c'est 7-20-20. C'est ça, exactement. Voilà. 7-2-0-2-0. Voilà. Merci Iliane, tu nous as bien fait rigoler là. Iliane, 18 ans, qui est là depuis tout à l'heure. Bon, on était avec Maxime et avec des. Mais t'as rencontré des meufs à la con, Maxime, c'est ça qui bah ouais. Dire. Ouais, des connasses. Est-ce que t'as envie de sortir avec une meuf qui méprise ton travail et qui dit que t'es un bouseux tout simplement parce que tu fais des études d'agriculture à 16 ans? Je suis arrivé. Ouais. Oh non, c'est même pas la peine. Ah, c'est des. Voilà. Il y a pas des meufs là qui fait des études détruit, on nous dit. D'agriculture. Ou de grosses vaches même. Ah, génie. Bah si, il y en a, mais bon, comment te dire que c'est pas. Ah, c'est des veaux. Voilà. Elles sont dans le concept. Mais elle est dans l'enclos. Toi aussi, t'as vu tes pieds. T'as des préjugés, Maxime. Ouais, tu vas me dire, tu les connais donc. Mais oui, bah en même temps, ouais. Elles sont pas belles, sont pas belles. Il doit y avoir des filles mignonnes. T'as pas de filles mignonnes dans ton bahut? Non, pas trop, non. Merde. Mais elles sont pas beaucoup. Bah non, je vois dans notre classe on est 29, il y a que 3 filles. Ah ouais. Bah ouais. C'est comme bah si c'est vrai que c'est plus un métier. Comme ouais, si tu fais couture, si t'es dans une classe et que t'es un mec, tu seras peut-être le seul. Ah ouais, il y a des urs. Bah, c'est comme les filles en mécanique, bon, il y en a quand même pas. Il y en a, ouais, tiens, y en a plus qu'avant, mais bon, c'est pas encore énorme. Oui, ça se mélange un peu tout ça, mais c'est vrai qu'il y en a moins. Bah, il y a des métiers, c'est plus ouais, d'hommes quoi. Des métiers plus hommes, des métiers plus femmes. Sage-femme, c'était plus femme, c'est pour ça que ça s'appelle sage-femme. Ouais, mais il y a des hommes sage-femme. Ouais. Ça va être bizarre d'ailleurs si t'es un mec, tu dis, tu fais quoi comme boulot, je suis sage-femme. Ouais, bah, il y en a qui nous écoutent, on en a eu souvent. Ouais, on en a déjà eu, ouais. C'est vrai, c'est bizarre. Bah, ouais, mais sage-homme, ça ferait bizarre aussi. Je suis sage-homme. Sage-homme. Bon, en tout cas, ça s'appellerait sage-homme. Et il y aurait des filles qui voudraient l'être, il y aurait un scandale. Ah ouais, oui, pourquoi ça s'appelle sage-homme? Ça râlerait quoi. Bon, Maxime, faut pas te prendre la tête, ça fait du tri. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Non, bah ça c'est vrai. Ça trie, ah bah oui, ça trie les meufs qui sont pas faites pour toi après. Exact. Et comme dit Chachou, il y a pas de saut métier. Mais acteur de X ou un délire comme ça pour mon mec, je suis pas d'accord. Je comprends Chachou. Ouais. Oui, non, mais il y a des limites. Ouais. Moi aussi, elle serait actrice X ou pute, comme je disais tout à l'heure, ça me ferait quelque chose. Mais sinon, ouais, ça va, faut être tolérant avec les passions. Et un auditeur qui envoyait un message, son père, il avait une grosse entreprise d'agriculture et il gagnait jusqu'à 15 000 € par mois, tu vois. Ah ouais. Tu peux dire à tes. Ah non, mais bien sûr. Ça peut être très rentable. Ah bah oui, c'est pas mal. Bon, il y en a un paquet à côté comme ouais, chi, quoi. Il y a des petits. Ouais, ouais, ouais. Si et puis après, on peut pas juger les gens en fonction de ce qu'ils gagnent. La beauté est intérieure, elle n'est pas dans le portefeuille. Non, puis c'est... Quoi, et puis là, c'était même pas des réflexions sur la thune, c'était sur ouais, sur le métier en lui-même. Oui, il y a les violeurs. C'est bien. La beauté n'est pas. Mais j'ai dit quoi? Ouais. Ah, la beauté est à l'intérieur, elle n'est pas dans le portefeuille. C'est Shoshana qui nous envoie le message. Voilà, merci, je t'ai fait rien. Son père, il est blindé. Merci. Ouais, au lycée mécanique, il n'y a pas beaucoup de meufs. Ah, mais le peu qu'il y a, c'était pas mal du tout. Piccolo, tiens, qui nous laisse un message. Ah ouais. Non, mais sinon, après, tu peux, elles, les traquer sur ce qu'elles font. Tu vois, je sais pas si elles font des études d'esthéticienne, tiens, elles font des ongles toute la journée, pareil, tu la traites aussi, quoi. Ouais, tu dis c'est sale, parce que les gens sont sales. Tu te venges. En fait, quand t'es esthéticienne, je salue les esthéticiennes qui nous écoutent ou celles qui font des études, mais vous allez tomber forcément sur des gens qui vont puer. Hein. C'est obligé, hein. Bah ouais, un jour, il va y avoir une grosse sale qui va venir se faire un sale maillot, obligé, ça. Avec des ongles dégueulasses, quoi. Oui, aussi, ouais, c'est ça, ils sont dégueulasses. Bon, le pire, c'est quand elles font le maillot, quoi. Je préfère mettre les mains dans la terre plutôt que mettre les mains dans une. Elle me disait qu'elle tombait sur des gens qui puait des pieds. Oh, ah ouais, non, mais horrible. Hein, bonjour, j'aimerais que vous me fassiez les ongles des pieds. Ah, oui, ils sont dégueulasses, jaune. Crasseux. Ah ouais, c'est toi, Cédric, comme les miens. C'est toi qui as un problème d'ongles des pieds. Cédric. Allô Cédric. Pas du tout là. Alors, Cédric. Cédric. Non, alors. Il est pas là, Cédric. Bah, ah non, c'est à couper, il faut dis-leur de me rappeler. Ah, très bien. On va le voir. On va le prendre. En tout cas, oui, Cédric, il a un problème d'ongles des pieds, il avait du jaune sous les ongles. Ouais, ouais, avec la pâte, il dit. Et il nous expliquait une quand même. Pâte jaune. Oh là, mais tout le monde a ça. Ah, bah, ah non, Cédric, ah, bah, non, Cédric, non, non, non. C'est vrai qu'il avait les ongles très longs à l'époque. Ah, ouais, ouais, il avait des ergots. Oui. Ah. Bon, bah écoute, Maxime, merci à toi. Hein. Et bon courage. Hein. Ouais, bah merci, et bonne continuation. Et bah la même à tout. Puis Coto aussi continue, si c'est ta passion, si t'as envie de bosser. Tu veux faire quoi dans l'agriculture? Tu t'es déjà orienté dans une spécialité? Ouais, dans le lait et puis les bovins, les tempes. D'accord, et t'as pas peur de galérer au niveau de l'argent? Parce qu'on parle souvent des problèmes. C'est ça qui me fait chier, quoi. Normal, l'auditeur tout à l'heure il faisait un peu comme toi, il vendait des vaches, on lui propose 3 000 €. Ouais. Tu vois, ça peut être des bons boulots aussi. Hein. Ouais, bah ouais. Tiens, on parlait des salles. Ouais, c'est vrai que le lait, ça galère, ouais. Ouais, elle a beau dire que tu travailles dans la merde et tout, mais les dentistes, on a l'impression que c'est super d'être dentiste. Il y a Neyane, elle nous dit, elle a 26 ans, je suis dentiste, et je vois des trucs, je vous raconte pas tout ce que je vois. Ah bah, tu m'aurais vu, ma pomme s'est tombée dans les pommes. Oh. Oui, c'est vrai. Les gens sont sales. Ah ouais, tu dois trouver des gens avec de la... Ah non, puis dégueulasse, tu vas chez le dentiste, tu te brosses pas les dents. En fait, t'es dentiste, si tu récoltes tout ce que tu retrouves dans les bouches des patients dans la journée... Ah bah tu peux faire un buffet à volonté. Tu te fais ton repas du soir. Un buffet. Ouais, c'est ça, ouais, super. Ah, génial pour mon fils. Ah, génial, comme repas. Bon, ben merci Maxime, et puis continue, éclate-toi. Ouais, ben merci. Et attends, on va le t-shirt Skyrock. Salut Max. Ok, ça marche, merci. Ciao. C'est Quentin qui va faire tourner la roulette avec nous. Bah oui, il est minuit 11, c'est l'heure. L'heure de faire tourner la roulette sur Skyrock. C'est Jules. Skyrock t'offre Jules en concert dans la ville de ton choix. Et c'est pour Quentin en direct. T'es où Quentin? En direct de Nantes. Salut Quentin. Ouais, c'est là, salut. Salut. Salut Quentin. Bienvenue à toi. Donc toi, tu veux gagner Jules, hein? Ouais. Ça tombe bien parce qu'il passe dans ta ville, à Nantes. Il sera là, Jules. En tournée Skyrock. C'est parti. On fait tourner, justement. Mais là, c'est la roulette qui tourne. Stop. Tu fais quoi dans la vie, Quentin? Moi, je suis livreur dans les bibliothèques. D'accord. Oh, putain. Vous avez vu, il y a plein de métiers. Livreur de livres, quoi. Livreur de livres. Tu livres des livres. Bon, bah, nous, on t'envoie tes places. C'est parti. Deux places pour Jules à Nantes. Donc, j'imagine que tu les prends à Nantes. Ouais, ouais, exactement. On a Paris, Marseille, Amnéville. Tu prends Nantes, t'as raison, c'est plus près. Et t'iras avec qui tu veux voir Jules en tournée. D'accord, avec merci. Sky. Tu ramènes qui, toi? Merci. J'irai avec mon pote. Très bien, bah, le pote va être content. Bon, le salut, ouais, c'est l'écoute Sky. Salut, Quentin. Salut, merci. Bravo à toi. Et prochaine roulette demain matin dans le morning. Demain matin entre 6h et 9h, on est là. Tu seras là, Romano, demain? Normalement, oui. Tu nous as manqué ce matin, tu sais. Mais c'est... demain, tu veux pas te mettre à la table de mixage que je vois un peu? Ah ouais, mais demain, il n'y a pas de problème, Romano. Ah bah, vas-y, bah ouais. Je mixe depuis mon plus jeune âge. À 6 ans, je savais déjà faire des mix. Ouais. Moi qui ai appris à Cut Killer à mixer. Ouais, bah, t'en sûr. Ouais. Oui, parce que ce matin, on était obligé de te remplacer par Jean-Marie Le Pen à un moment. Ah bah, super, merci. Ah, non, on s'est dit, on va lui faire plaisir. Ouais, franchement, merci. On a une pensée, ouais. Quel bel hommage. À la place des conseils pas chers, à 8h40, on a fait venir Jean-Marie Le Pen dans l'émission. Ah bah, dis donc. Ouais, et il y a Jean Dujardin qui est passé à ta place à 7h40. Ouais, ça c'est mieux quand même. Ouais, c'est un peu plus la classe. Ah ouais, c'est mieux. C'est clair. Et demain, donc, retour de Romano dans le morning. Vous tous et vous toutes en direct. Cédric, retour dans l'émission de la Radio Libre. C'est lundi. Ouais. Ouais. Bon, lundi en direct dans le studio. Hein. Grosse soirée lundi, gros stuff pour Cédric. Hein, ah, Cédric, sûr, hein. Révise, hein, tu joues contre Cédric déjà lundi. Hein. Contre Karim. Contre Karim, oui. Il va pas jouer contre lui. Donc, lundi soir, et puis demain, bon, on te retrouve évidemment dès 21h avec nous. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ce sera dans ton lit sale, à la maison, dans ta couche. Ouais. Peine de merde. Couche, dans mon beau lit, quoi. Bon, dans mon lit tout propre. Ouais, c'est ça, voilà. Ah, tu me baffes sur les oreillers et tout. Merci pour cette petite blague. Salut Cédric, salut à vous. Vas-y, bonne nuit tout le monde. Passez bonne nuit tout le monde. Ciao. Et la nuit ciao sera bonne, c'est Prisca qui s'en occupe. Le son de Skyrock toute la nuit. DJ Snake, Justin Bieber. Et bah c'est parti, ouais. C'est la première radio urbaine mondiale Skyrock, Prisca. Et nous dès 5h du matin avec le Morning Best, les meilleurs moments du morning. Et dès 6h, on débarque en direct avec vous. Oui. Et vos 1 500 € à gagner. Soyez là demain. Bonne nuit tout le monde. Et à demain. Ciao. Allez, salut. Show. Dans le morning de Diffoul sur Skyrock, Skyrock t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné Fabien. Ouais Fabien. Bravo Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une... Une suprette. Une supérette. Supérette. Non, on appelle ça supérette. On teste des arnaques. De les 200 €, on n'en parle plus. Eh ben tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est Soprano. C'est qui le Soprano? Soprambaba. Non mais vous êtes un des tranquilles ou quoi alors? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le morning de Diffoul tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Let me love you. Let me love you.